Monsieur Peters. Non, je voulais dire que en fait, j'aimais pas trop le nouveau endroit de ton travail. D'accord. Pourquoi ? Il n'y a pas de place pour garer le caravane. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, c'est tout, Maître Peters ? C'est déjà pas mal, non ? Bah oui, c'est beaucoup. Bon, c'est tout ? Je sais pas, moi. C'est-à-dire que je te dis que je suis en galère pour garer le caravane et toi, tu trouves à dire que du ça. Laissez-la dans la rue. Laissez-la là, dans la rue, la caravane. Je peux, tu peux. Mais oui, vous mettez les warnings, ça ira très bien. What? Les warnings. Qu'est-ce que les warnings? Voilà, c'est les lumières qui clignotent. Ah oui. Bon, allez, on y va. Maître Peters. On y va où? Bah là, regardez là, ici on y va. Qui est là? Oui. Elisabeth. Bon, Elisabeth, j'ai fait. Ah, oh, ça y est, elle s'excite. Elisabeth, j'ai fait un peu ça pour toi. Oui. Sachant que c'est vraiment pas très malade ta part. Ah bon? Tout l'été, on s'est senti abandonné. Ah bah ouais. Et tu sais, avec mon monsieur S. Tu te rappelles, mon monsieur? Bon, Elisabeth, tu m'as saoulé. 30 secondes, ça me suffit, moi, Elisabeth. Monsieur S. Vite, vite. Oui, monsieur S. Eh, hey, Polo, je suis trop content de te retrouver. Ah, bah voilà. Mais pas moi, vous avez remarqué, je ne suis pas content de vous retrouver. Je ne vous ai même pas salué. Bah ouais, mais t'es qu'un sale con, ça. Ah, ça, je le sais, ouais. Polo. Quoi? Il y a Chiffon qui m'a dit qu'il pissait dessus. Ah, bah c'est super. Attendez, je vais reprendre Elisabeth. Elisabeth? Polo. Ouais. Heureusement que Chiffon, il a flairé parce qu'on t'a cherché tout l'été. Ah, bah oui, hein, avec monsieur. D'accord. Grâce à Chiffon, on t'a retrouvé. D'accord. On a retrouvé Michael. Bah voilà, c'est parfait. Mais par contre, on a perdu des miettes en route. Voilà. Tu sais, des petites miettes. D'accord. Bah hein, tu vas les retrouver ailleurs, les petites miettes. Allez, dégage. Monsieur. Allez, on va conclure. Non. Ah, si. Polo. Quoi? Elisabeth, elle m'a chanté une chanson, elle peut te la chanter? Bon, vas-y, Elisabeth. Telle chanson, alors, tu seras bienvenue chez Goom. Tu seras bienvenue chez Goom. À Goom. J'ai pris un gros chèque pour faire ça, rassurez-vous. Tu seras bienvenue chez Goom. Gros, le chèque, gros. Bon, Elisabeth, tu m'as saoulé, casse-toi. Monsieur, Polo. Oui. Je voulais dire, Polo, que quelqu'un avait sonné à ma porte. Ah, mais ça fait longtemps, ça. Ben ouais, mais il a ressonné ce matin. Bon. Et il voulait quoi? Ah, je sais pas, j'ai pas ouvert. Ben, c'est vrai. Monsieur, il va falloir... Faites une psychothérapie. Avec Elisabeth, allez-y en groupe, ils vont vous faire un prix. Polo, tu peux me passer Elisabeth? Elle est là, Elisabeth, vas-y. Tu te rappelles, j'ai vu sur les photos qu'il y aura la blonde. Et puis, ah ouais, c'est Cécile, la c'est ça, ouais, non, c'est Pierre, la blonde. Pierre est blonde et... Mais Cécile a les cheveux verts. Bon. Elisabeth, monsieur, je peux pas, je vais aller, moi. J'ai un rendez-vous. Attends, Elisabeth. Elisabeth. Ouais. Fous-moi le camp pour la dernière fois, je ne t'entendrai plus. Oh, allez, dehors. T'as pas changé, allez, casse-toi, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, j'ai pas changé. Monsieur, Polo. Oui. Il est là, Michael. Il est là, ouais. Et Michael. Oui. Oh là là. J'étais franchement pendant deux mois, pas t'entendre. Monsieur, elle pas manqué ça. Elle est là, Edili. Oui. C'est là, Edili. Oui, mais elle a pas de casque. Ah si, elle a un casque. Si, si. Edili. Confonds Cécile et Emily, toi, c'est pas du tout. Non, mais. Edili. Oui. Oui. Bon, monsieur, il s'agit de pas raconter vos vies. C'était la même règle avant. Faut y aller, ça pousse pas, mais faut y aller. Il y a un moment donné, les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Tout le monde est là. Elle est là, la vache laitière. Tout le monde est là. Oui, elle est là. Et bien pleine en plus. Elili. Oui. Elili. Oui. Elili. Oh, Elili, t'es moche. Quelle violence. Bon, monsieur, on va y aller. Monsieur, il y a un mec qui vous appelle dans au début de la radio, le premier bureau à droite. Bon, au revoir, monsieur. Voilà, ainsi s'achève définitivement le Polo Show. Je tiens à saluer quand même des gens qu'on connaît bien. Hein. Oui, c'est vrai. Je tiens à saluer Sandra, alias Sandro. Je salue Leroux, alias Juju, alias Julien. Que des amis, hein. Y a qui? Alors, j'ai dit Sandra, Roux. On n'est pas à la radio des dédicaces. Alors, attends, Pedro, alias Mathieu, Pablo, qui est toujours malade. David, Micha aussi, hein, Micha, grand standardiste, Fredo, Michael, et puis Maeva. Et Toff aussi, il est où? Il est parti. Voilà, j'ai salué tout le monde. J'oublie personne. Allez, je me casse. Putain, ah, ça fait deux mois que j'essaye de plus faire de radio d'années 80. Faut qu'il revienne et c'est le bordel. Ça, c'est parce que c'est votre coupe de cheveux aussi. Bon, je fais un gros bisou à moi aussi. Oui, enfin bon, allez, hop, non, là, on y va. Ouais, là, c'est là, important. Non, mais enfin, vous racontez pas, alors je m'en vais alors, c'est pas la peine de pas ouais, venir. Vas-y, casse-toi. Bah, non, cher, casse-toi. Et, oh, un gros bisou à moi aussi, crew. Bon, allez, c'est parti. Soir, 20h-23h, Michael. Bonsoir tout le monde. Bon bah j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Ah bah moi c'était long hein. Ah ouais, c'était bien bien long. Enfin cela dit c'était sympa aussi hein, quand même. Mais bon. Bon j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas on salue dès le départ hein, tous ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook et qui l'ont été d'ailleurs pendant toutes les vacances. Il y a Morgane, il y a Karl, il y a qui d'autre aussi, Petila. Très joli. Marina également, il y a Nordine, il y a Florian, il y a Méalini, Toon, enfin il y a du monde quoi. Il y a des prénoms que t'arrives à dire. Si, oui, oui, t'as remarqué aussi. Si vous voulez donc venir nous rejoindre, www.facebook.com, vous tapez Emickel espace officiel. Voilà, je tiens à saluer également mon ancienne direction qui m'écoute avec attention d'après ce que j'ai attendu. Donc soyez les bienvenus, vous ferez mieux de travailler. Et puis on salue l'équipe qui est avec. Alors, la logique aurait voulu que je commence par les filles, mais. Non. Vu qu'elles sont moches, on commence par les mecs, c'est ça? On va commencer par la chemise la plus belle de l'émission. Pierre. Bonsoir. Voilà, Pierre. Allez. Que vous aurez l'occasion d'apprendre à connaître au fur et à mesure. Hein. Rassurez-vous, pour ceux qui sont encore un petit peu inquiets. Voilà, bon, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur, voilà. Ouais. Et, je suis disponible, je donnerai mon numéro de téléphone parce que oui, je suis célibataire mais marié aussi. Donc c'est cool. Célibataire mais marié. Voilà, exactement. C'est tout à concept. Je brouille mon jeu, tout ça. D'accord, ok. Bon, le numéro, on pourra donner tout à l'heure. Parce que bon, Fredo avait lâché un numéro qui est payant. Je me suis dit, autant donner celui de Pierre. Ouais. Moi, il est gratuit. Ceux qui ont un forfait, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, plus personne l'appelle surtout. C'est okay. Bon, de l'autre côté, Mika. Oui, c'est ça. Qui est là. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant, c'est quand même un peu la même équipe que le matin. Hein. Oui, bah, bizarrement, ce que j'allais dire, finalement, on se retrouve un petit peu. Mais avec on toi, est moins frais quand même. Hein. Oui, ça, voilà. Oui. Et puis une belle odeur de fin de journée surtout. Voilà, c'est ouais. ça. Bon, la camionneuse, Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça va, dis donc. T'as garé le Scania? J'ai garé la caravane aussi. La caravane est garée aussi. En double bon, file. Bah, impeccable, bah, tant mieux. Et puis, pour. Terminé. Tu peux dire la paysanne ou étant donné que je suis une vache vétière. Écoute, une vache vétière, la dyslexique aussi. Oui, aussi, ouais. C'est vrai. T'as fait la dyslexique aussi ou pas? Ouais. Ah ouais. Je suis contente. Et d'accord. J'embrasse monsieur Marchand s'il nous écoute. Voilà, tu dis que c'est donc une école de radio hein, pour ceux qui n'ont qui pas encore eu l'occasion. 10 000 euros l'année. Mais qui te permet d'être là. C'est vrai, je remercie encore une fois monsieur Marchand. Voilà, donc Cécile qui est donc avec nous. Et puis vous toutes et vous tous également, si vous voulez venir discuter avec nous, comme je le disais, donc MIKL officiel sur Facebook, vous pouvez venir nous rejoindre. Le site qui fonctionne également, MIKL.fr. Vous écouterez comme ça en direct la radio. Vous pourrez aussi discuter avec tout le monde. Vous pourrez aussi m'envoyer les mails. Et puis le standard qui marche parfaitement. Et Fredo qui ne m'a pas donné le numéro, mais je vais le faire de tête parce que j'ai une mémoire et je vais le prouver. 08 92 06 18 18. Non, oh là là, c'était 19 à la fin. C'est ça. Belle écharpe, cela dit, si je puis me permettre. Hein. Ah ouais, bah je suis entouré là. Là, on est au top là. C'est pas tu veux qu'on parle de tes chaussures des années 75? Je les ai reçues gratos. Avec les ressorts. Moi, je viens les miens. Je vous préviens. Non, garde-les parce que j'ai l'odeur. Non, remets-les, Émilie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il faut dire qu'Émilie a des champignons au pied. C'est des ongles. Non, mais ça se précise aussi. Bon, ce soir, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur la vidéo que j'ai mise sur le groupe Facebook. Il y aura du son de la cave, enfin du son US, du son US en règle générale. Sauf que sur le coup, j'ai encore réussi à me faire fister puisque on avait géré deux sons. Ouais. Avec Fredo, il n'y en a plus qu'un seul. Ça donc plus ça va. L'arnaque, ça. Non, mais ça va se négocier. Ça va se négocier. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'ailleurs des propositions à faire, surtout n'hésitez pas. Il y aura aussi du lourd ce soir puisque nous avons un nouveau jeu et nous avons un gros cadeau pour le nouveau jeu puisqu'on vous file. On a piqué le chéquier de Fredois. 200 euros cash. Boum. Oh, y a, y a. On a le droit de jouer, nous, ou pas? Mais non. C'est mais le prix alors, de son chien, en plus. Mais... tu rigoles, tu connais le prix de chiffon? Non, mais c'est que là, c'est 50 balles. Balles. Tu vois ton salaire? 50 balles et ça pue de la gueule, en plus. tu vois ton salaire, Pierre, ou pas? Bah, je le vois, ouais. Bon, ouais. Je le vois en début de mois, puis je le vois plus au bout de 3 jours. Tu vois deux mois. Et ben, ça doit être à peu près pareil pour le chien. Ah, d'accord. Ah, c'est un chien de luxe. Il a rien de plus que les autres. En plus, c'est un bâtard, c'est même pas un vrai. Mais mais il a coûté cher, hein, il a coûté cher, c'est sûr. Bref, donc 200 euros à gagner dans un jeu. Et alors, ce qui est bien, c'est que le jeu, on l'a. Attends, on est quand même en train de bosser sur cette émission depuis. Depuis le 10 juillet, je crois. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Le 10 juillet, on a commencé à bosser sur l'émission. On a. Cette émission complète est faite depuis le 10 juillet d'ailleurs. Bah, je te confirme. On a oublié un détail. Et on s'est bien entraîné aussi. Le nom du jeu. On n'a pas de nom de jeu. Mais le concept va être très simple. Pour 200 euros. Alors, je sais que pour 200 euros, il va falloir qu'on se marre. Hein. Ouais, c'est clair, je vous dis direct, il va falloir bien rire. Hein. Donc, pour 200 euros, vous allez devoir même appeler quelqu'un que vous connaissez. Papa, maman, copain, copine. Les frères, les sœurs. Bref, quelqu'un à qui vous ne diriez jamais que vous avez, par exemple, j'en sais rien moi, des sur le sexe. Ouais. C'est marrant que ce soit elle qui vient en parler, tu vois. Moi, j'allais dire un truc autre. Parce qu'elle en a vu beaucoup, en fait. Émilie, elle en a vu, hein. Des kilomètres. De quoi? Des pustules sur le sexe? Des pustules beaucoup, des sexes un peu moins. Ah, d'accord. Bon, bref, disons, en gros, vous appelez votre mère en disant bonjour maman, voilà, j'ose pas aller chez le médecin, mais en gros, j'ai des boutons sur le sexe, qu'est-ce que je dois faire? Donc, en gros, c'est pour la mettre mal à l'aise. Magnifique. Et puis de voir un petit peu comment ça va se passer, quoi. Donc, si on se marre, 200 euros. Pour vous inscrire, c'est facile. Donc, 08 9 2 06 18 18. Ouais, c'est ça. Ça va, il est pas compliqué. Il est même un peu plus simple. Et puis les mails aussi, ça fonctionne et c'est gratuit. mikl@goomradio.com. Voilà. Et puis on a aussi les invités ce soir. Il y a Leslie qui va débarquer pour dire bonjour. C'est cool de sa part. Mm. On aura également Joyce Jonathan pour les questions à poser. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez. Pareil sur le Facebook et pareil sur le mail. Et puis on aura aussi du son à vous mettre tout à l'heure avec qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs comme son. Un très bon Taillot Cruz, c'est canon ça. Usher aussi, il y aura Florida peut-être. Il y aura également Katy Perry. Et ce que je propose, c'est qu'on se fasse. Allez, faisons plaisir directement à Fredo, mettons de la pub. Que faire pour démarrer une émission comme il se doit? Eh ben de la pub. Parler pour chiffon Fredo. Et mettre de la pub. En mettant de la pub, merde. Bon, Taillot Cruz arrive dans un instant avec Dynamite. Et puis donc juste après la pause, on fera on accueillera Leslie tout simplement en direct dans l'émission sur Goom Radio Justice. Soyez tous les bienvenus, Morgan, Karl, Marpin, Marina, Nordine et tous les autres sur le groupe Facebook MIKL officiel. On revient juste après, restez là. Bouge pas, on fait la pause sac à main. Fredo s'achète du Ralph Lauren pas cher sur eBay. Cher. Et Mickaël revient juste après ça. Goom Radio. Tous les soirs, 20h, 23h. Mickaël sur Goom Radio. I came to dance. I hit the floor cause that's my plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Just what the folk came here to do. Yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on. Cause à l'instant avec Dynamite sur Goom Radio, évidemment. Sur Just It. Ah bah attends, j'ai 8 ans dans le cul, alors si tu veux, ça. Non mais non, il y a un moment, il va peut-être y avoir quelques erreurs qui vont se passer à un moment ou à l'autre. Ouais. Voilà. Bon, toujours du monde sur le groupe Facebook. Vous pouvez venir continuer à discuter avec nous, bien évidemment. Et Mickaël, non, espace, tout simplement, officiel. Oui, bah, je remets tout à la bonne place. Underscore. Voilà. Et on embrasse Sarah aussi. Il y a Florian, il y a Laurent qui attendait ça depuis 2 mois. Bah, c'est gentil. Pauline aussi, Manu, Rémi, il y a Noé, il y a Thomas, il y a Chloé, Elodie, Geoffrey. Et donc, Fredo qui m'a déjà fait une remarque en disant, on dirait qu'on est à la maison de retraite, tu parles pas assez vite. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire pour parler assez vite pour lui, hein. Oui, bah, là, c'est bien, je crois. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Il va avoir du mal à suivre après, fais gaffe quand même. Ouais. Sachant qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont venus. Comment ça va d'ailleurs, tout le monde? Ah, bah oui, alors! Super, ah, bon, bah très bien, parfait. Peut-être tomber au meilleur moment parce que ceux d'avant ils ont pas eu Leslie, hein. Oui. Ah. Ouais. Ils avaient Emilie à la place, juste là. Ouais. Et Pierre surtout. D'ailleurs, ouais, Pierre, ça m'inquiète beaucoup. Là, il est derrière. D'accord, il a été. Tu regardes, Mickaël, t'es super beau! Ouais, c'est ça. C'est un putain de beau mec! Suceur. J'ai envie de ton corps, Mickaël! Mais tu n'auras pas à manger pour autant. Eh ouais, c'était bien essayé. Bon, comment va Leslie alors? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, ça va, ça fait plaisir de te voir dans de nouveaux locaux. Bah oui, surtout que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la mort de Michael Jackson, non? Exactement, ouais, c'est vrai. Voilà, donc voilà, on a planté le truc. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. De quoi? Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Bah de rien, Oui. T'es pas venu avec un cadeau pour la première, je m'étais dit que... Le sac. Non, je me suis dit comme il y a un beau buffet, tu vois, dehors. Oui, alors justement, à propos de ça, il faut qu'on en parle quand même parce que Fredo a voulu faire son grand prince. Oui, c'est chouette, on va faire un buffet. Ah cool, on va pouvoir bouffer. Tagada et Curly. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 3 bonbons et du biscuit, quoi. C'est ça. Oh, et le coca est pas frais en plus. Mais c'est vrai, et le coca chaud. C'est vrai, qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Bah écoute, moi déjà, c'est la première fois que je vois un buffet chez Goom. Tu vois? Je suis pas en train de vanner. C'est juste que c'est la première fois, donc tu vois, ça prouve que quand même t'as eu un bon accueil. C'est vrai. Bon, allez, d'accord. Cela dit, j'ai pas eu un seul biscuit. J'ai préféré laisser aux auditeurs. Ah non, regarde. Tu vois, on est en train. Ah, vous auriez pu prévoir quelque chose à bouffer, hein. Oui, cher. Bon, ça va, des hamburgers. Oh, ouais, oui. Par exemple. Bon, Leslie, t'es partie en vacances? Un petit peu, ouais. Je suis revenue il y a 4 jours là. Ah, bah ça va, tranquille. T'es partie où? Je suis partie à Miami. Ah oui, ça et va, ouais. J'ai un peu le jet lag là. Donc en fait, je. C'est vrai? Quelle heure il est à Miami? Il y a 6h de moins là, t'es censé être en plein. Il est 17h30. 14h. En gros, j'arrive à me coucher vers 6h du matin et je me réveille ensuite vers midi. Ah bon, bah très bien, alors ça va, on est au top. On est au top. Bon, bah parfait. T'as un petit peu d'actu puisque t'es là quand même, autant en parler. T'es pas juste venu dire bonjour quand même. Ben bah non, une actu. Le 6 septembre, le nouvel album dans les bacs, À la recherche du bonheur. Voilà, t'as travaillé avec qui tu? Corps et réalisateur, compositeur Bellec, Aurélien Mazin, Sarah Sebaille, moi-même. D'accord. Bref, l'équipe avec. Je serais quand même con que tu sois pas dessus. Ça dépend, il y a beaucoup d'interprètes aussi. C'est vrai, aussi, effectivement. Donc voilà, tout le monde n'est pas auteur, compositeur. Et il y a des featuring prévus dedans? Qui sont déjà dedans, en l'occurrence. C'était pas vraiment le but parce que ça, c'est un album assez différent des autres. Il est beaucoup plus introspectif. Et donc voilà, le seul gros featuring, c'est featuring rap. Ouais. Où c'est la première fois qu'il y a un trio, donc je suis assez fière de ce featuring. Il y a Seth Gecko, Mac Tyler et un nouveau qui s'appelle Kai Skill, qui est vraiment très, très, très violent. Et voilà. D'accord, alors voilà, c'est dommage. Rap. Et ouais. Vas-y. Et un autre featuring qui est assez inédit, c'est un groupe de Miami qui est signé sur le label de Florida qui s'appelle Culture Shock, avec qui on a fait une version spéciale de Never Never que vous jouez en ce moment. Très bien. Alors, il y a un truc, bon, évidemment, on peut pas t'en vouloir, tu nous connaissais pas, enfin moi oui, mais pas forcément le reste de l'équipe. La prochaine fois, on a Pierre qui peut faire des duos sans aucun problème. Avec sa chemise de bûcheron ou chez les quelques Et oui, ma beauté. Super en forme ce soir, tu vas voir. Non, mais un petit duo. Sympa, ouais. C'est assez à la mode, les chemises de bûcheron, c'était pas péjoratif, hein. Ah non, si, c'est très laid. Hein. En plus, bleu, blanc, rouge, tu vois. Ouais. Waouh. La French touch. Le problème, c'est quand t'as la peau qui est plus blanche que blanche, tu veux, apparemment. Ah oui, il paraît que ça va pas, ouais, c'est vrai. Là, il est quand même un peu rouge, là. C'est le reflet de la chemise. C'est le reflet de la chemise sur la peau. Ça fait coup de soleil. Ah, c'est dur, T'es parti en vacances? Non, j'ai mis une chemise rouge. Absolument pas pris de coup de soleil. Tiens, il y a des auditeurs. C'est dégueulasse pour mes origines créoles. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est ça, ouais, t'as des créoles. Il y a des auditeurs aussi qui voulaient savoir pourquoi l'album Futur 80, donc c'est un album avec des reprises des années 80, n'est pas sorti. Parce que tout simplement, en fait, j'avais changé de maison de disque. Moi, j'ai enfin passé 5 grandes années, on va dire, chez M6 Interaction. Je suis partie chez EMI en signant ce nouveau projet. Et pour nous, en fait, il fallait qu'on développe cet album assez rapidement parce que c'était vraiment juste un clin d'œil aux années 80. Mmh. Et en fait, on est parti sur un développement qui a duré beaucoup plus de temps pour des tas de raisons. Et finalement, les gens ont cru que c'était mon nouvel album. Et du coup, c'est pas très bien passé et on a vite tourné la page. Et voilà aujourd'hui pourquoi cet album n'est pas sorti. D'accord, ok, très bien. Mais bonne explication, c'est bien. Bah, j'essaie d'être honnête. Non, mais c'est bien. Plutôt que de dire oui, alors tu vois, inventer un. Non. Et t'es resté combien de temps à Miami ? Je suis restée 10 jours. D'accord. Et avant ça, t'étais pas partie en vacances ? Avant ça. Enfin, t'étais en France. J'étais encore à Miami pour le tournage du clip de Never Never. Ah, ça c'est bon ça. J'ai demandé à Fredo, je dis, oh, on pourrait faire la bande-annonce de l'émission à Miami. Et toi, ah, ça aurait été bien. Ah ouais, bah, je te confirme, ouais, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Bah, si la prochaine fois je pars en clip, ben voilà, mets-toi dans les valises avec. Sans problème. Avec plaisir. Ah bah très bien, parfait, je prends l'invitation. Et quand il s'agit de vacances, je n'oublie jamais les choses. T'es là, t'es tranquille. Est-ce que t'as suivi un petit peu de près ou de loin Secret Story ? Pas du tout. Pas du tout ? L'ancien, rapidement. Non, non, mais celui de cette année, là. Ah ouais, non, je sais même pas qui est qui, non. D'accord, bah écoute, je t'avoue que j'étais, comme j'ai eu de longues vacances, non voulues, mais qui sont... Tu as eu le temps de regarder, quoi. Qui sont non, absolument pas, j'ai eu le temps de partir en vacances. D'accord. Donc du coup, malheureusement, ne pas regarder. Donc, mais juste, j'ai regardé, je crois que c'était dimanche ou samedi, je sais plus, il y avait une rediff. Je suis tombé sur les deux mecs, les deux gays, en l'occurrence. Thomas. Eh, le mec avec les cheveux longs, c'est quelque chose quand même. Hein. Mais y en a, alors lui, on sait pas ce que c'est en fait. C'est un escargot. On sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est, Il a les deux en fait. Voilà, il a une poitrine et un sexe de mec. Il a une tête chelou. Ouais, quoi. Il c'est a une vrai, tête chelou. C'est une blague. Ouais, c'est non, vrai, il a une hermaphrodite. Ouais. Ah, bah non, il faut. Ah, bah ça, je sais pas, mais. Il fait pire de doux, parce que en même temps, il faut tout pour faire un monde. Ouais, c'est vrai. Attends, parce que nous avons également Manon qui est avec nous. Salut Manon, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va et vous ? Salut, ça va. Tu sais que tu es la première, Manon. Tu es un petit peu la marraine auditrice, tout comme Leslie. Au final, elle est la marraine tout court. Wow. Ah, mais là, t'es la première à passer. Fière. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est, t'appelles d'où, Manon ? T'as quel âge ? De Toulouse et j'ai 16 ans. De Toulouse, 16 ans, très et bien. Oui. Comment ça se passe à Toulouse au niveau météo ? On est encore en été ou pas là-bas ? Niveau soleil, ça va, mais il fait froid. Genre, oui, il fait 30 degrés, on n'a pas l'habitude matin, au mois d'août. Hein. Ce matin, 13 degrés, je t'explique. Ah ouais, oh, 13 degrés, c'est violent. Ouais. Ça va, c'est bien, 13 le matin. D'ailleurs, ouais, mais c'est le froid, quoi. Attends, il y a Emily qui a essayé de dire ça. Non, mais ça n'avait rien à voir, on s'est arrêté là. J'étais encore sur la chemise de Pierre parce que depuis tout à l'heure, on le voit. Ah oui, mais sur les vieux dos. Hein. Tout à l'heure, on va faire une vanne sur ce qu'on a fait à midi. Hein, non, mais pour visualiser, il a la même chemise que Robin de Secret Story dans la bande-annonce. Les gens qui le voient, c'est quand même d'une laideur absolue. Et c'est ce qu'on va dire, c'est la honte. Manon, oh, le drame. Tu voulais nous parler de quoi, toi ? De rien. D'accord. Merci, Manon. Allez. Tu voulais dire quoi ? Non, parce que c'est juste en fait que Amélie, j'ai envie de la buter. Oh là là, ça va, hein ? Il faut faire quelque chose. Oui, ça va, c'est là. Mais Amélie, alors parce que moi, je débarque, j'ai suivi un peu ce week-end. Mais elle est belge, Michel. Oui, c'est celle de Charleroi ou d'Iège, je sais plus. Oui. Ouais, elle est juste insupportable, en fait. Ouais, mais concrètement, enfin, ceux que j'ai vus en tout cas dimanche, c'est quand même encore c'est la moins moche de toutes, hein, si je peux me permettre. Hein. Non, elle est très très bien faite, mais elle est pas dégueu, mais non, elle est dégueulasse. C'est un petit bulot, quoi. Elle est dégueulasse. Non, mais elle est relou, c'est un bonhomme cette fille. Ah, c'est un bonhomme, oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as contre les garçons manqués ? Ouais, parce que Cécile a quelques questions, elle se pose quelques questions plutôt. Non, mais c'est dingue parce que quand tu regardes pas les programmes télé réalité, t'es complètement désocialisé, hein, tu vois. Ouais. Genre, t'es là. Ah bah oui, c'est qui ? Ouais, c'est ça. Il y a des trucs qui se passent à la télé, ouais, c'est pas mal. Je rêve, ils sont en train de regarder le foot dans la pièce d'à côté, c'est dingue ça quand même. Non, tu rêves pas. Ils sont là, cool, c'est cool. Eh bon. Le foot toujours. Hein. Mais t'as suivi depuis le début, Manon ? Oui, en fait, j'ai que ça à faire cet été, cette trip. Donc oui, j'ai suivi tout l'été, vraiment. À part aujourd'hui, j'ai pas vu, attention. Ah, ça tombe bien parce qu'il y a Émilie et Cécile qui ont suivi, qui nous en parleront tout à l'heure. Ah, nous, on a vraiment que ça à faire pour le coup. Ah oui, oui, pour le coup. Je passe la vie devant TF1 Live. Ah ouais, d'ailleurs, elles ont dit à Fredo, le morning, on s'en branle. Hein. Nous, on fait d'abord Secret Story. Exactement. Puis on a 5 minutes, on bossera sur le morning. Exactement. Voilà. Alors le soir, n'en parlons pas. Oh bah écoute, dis donc. Alors, ça va les vacances toi ? Ah, tranquille. Je suis rentré il y a un petit peu, il y a comme deux semaines maintenant. T'es arrivé à 8h moins 40 pour cette émission. C'est ça. Moins 10 pour régler ta montre maintenant. Hein. Bon Manon, on en parlera tout à l'heure avec les filles. Enfin. Ok, ça marche. Ouais, entre guillemets. Oh, avec Émilie. Avec les filles, monsieur. Et la fille. Voilà, exactement. Ouais. Je te fais des bisous Manon. Gros bisous à vous. Salut bisous. Manon. Ciao. Alors Leslie, j'ai une petite question qui n'a absolument rien à voir pour le coup avec ton album. Est-ce que t'as déjà fumé un moment ou un autre dans ta vie ? Ou est-ce que tu fumes encore aujourd'hui, je sais pas. Moi, ouais, j'ai déjà fumé, ouais, quand j'étais au collège. Et t'as arrêté depuis? Oui. Très bien, parce que nous avons justement Cécile et Émilie qui... Je la sentais venir, c'est-à-dire que je ne le regardais pas dans les yeux parce que je sentais que ça allait être pour nous. Qui a arrêté de fumer? Non, ah, j'essaye. Ah, oui, enfin, bon, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai arrêté. Je parle comme ça, donc. Hein. Oui, bah, en plus grave d'ailleurs. Un voilà, c'est ça, ça ouais. Exactement. Donc on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en fait, elle avait continué. Non. Et je te cache pas que j'ai eu un petit stress vers 8h moins le quart et j'ai grillé une petite clope. Non, ce week-end, t'as dit que t'avais fumé 10 cigarettes. Maman, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Quoi qu'ici, c'est un bon entraînement parce que tu peux pas fumer dans les locaux. Oui, oui, on fume quand même. Oh bah, attends, là, je suis en train de me rouler une grosse clope. Tout le monde entend. Moi, dedans, ça n'arrivera pas, tu sais, t'inquiète pas. Et donc, et Cécile, la semaine dernière, qui était malade, qui dit je suis rendu compte que la clope, de toute façon, ça va rien. Tu parles comme ça aussi. J'arrête. La semaine dernière, oui. C'est Jeanne Moreau, le truc. J'arrête de fumer. Aujourd'hui, je l'ai vu. J'ai dit le 30 août, nous sommes le 30 août, donc je peux fumer encore jusqu'à... Bah c'est fini, hein, 30 août a démarré, donc c'était pour savoir si t'avais des conseils à leur donner, le sevrage, etc., etc. Je sais pas, il y a un bouquin oui. qui marche apparemment. La méthode Allen Carr. Pour certaines personnes, voilà, c'est ça. C'est ça, je crois, non? Oulala, là là, il est ouais, je connais que ça, moi. Je connais, mais Mika, il fume quand même au réveil. Je crois que c'est personne. Il se réveille la nuit pour fumer. Mais je t'assure que c'est vrai, en plus. Il met son réveil à 3h, et hop là, la clope. Moi, je pense qu'il faut vraiment vouloir arrêter, quoi, pour arrêter. J'ai pas envie, en fait, c'est pour faire l'intéressante. Voilà, c'est pour ça. J'ai pas du tout envie d'arrêter. T'as pas du tout envie. Voilà, c'est mort. Ça sert à rien. Bon, très bien. Donc, pas de conseils, Leslie, merci. Non, fumer, c'est pas bien, c'est tout, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as des pubs atroces où tu vois des gens mourir, enfin, du tabagisme. Mais moi, ça m'angoisse et du coup, après, je fume pour me désangoisser. Ah, bah oui, bien c'est sûr. Vrai oui, c'est un concept. Ouais. Mais c'est où on fume ou on mange. Ça devient pire alors. Hein, où on fume ou on mange. Donc, je préfère fumer. Sinon, il y a à faire du sport aussi. Ouais, après, tu peux faire le sport aussi. C'est vrai, c'est pas mal. J'ai pas le temps. Mais d'ailleurs, nous allons puisque Émilie est censée avoir arrêté de fumer la semaine dernière, je compte sur elle, bien sûr, pour qu'elle arrête dorénavant. Faire la pesée pour voir si effectivement le fait d'arrêter de fumer fait qu'on grossit ou pas. Figure-toi que tu vas être bien mal à l'aise parce que je maigris. Eh bien, je te le souhaite. Si je ne maigris pas, je compte me couper un bras pour que tu perdes ton pari. Eh bien, je te le souhaite. D'ailleurs, commandons une pizza. Ah. Oh oui. Non. Je crois qu'elle est la grosse. Je crois qu'elle allait dire non, mais bon. Bon, Leslie, merci à toi en tout cas d'être passée. Surtout, tu reviens quand tu veux. Ouais. Ok, ça marche. Et puis Miami, on s'appelle, on se fait une bouffe. Hein. Allez, avec plaisir. Pour voir, pour voir quand est-ce que je rappelle, un 6 septembre à la recherche du bonheur. Hein, exactement. Pour les auditeurs. Exactement. D'ailleurs, on peut enfiler quelques-uns. On va pas chipoter, on n'est pas. Ouais, bien sûr, on va en laisser là. Je crois que j'en ai pas sur moi là, mais. Ah, bah c'est parfait, comme ça on va s'arranger avec tout le monde. Combien à peu près? Je peux pas. Non, où es-tu, mon instant? Ah, il est où? Bah parfait, il est où? Il est où? Bah, cool. Moi, ouais, il m'a dit 250, hein, mais. C'est comme à chaque fois. C'est... Oh, il est au buffet. Faut que je le regarde, tu vois, parce que t'imagines, pourquoi t'en as mis 20? S'il est au buffet, t'inquiète, il va vite revenir. Hein. Ouais, d'accord. Bon, ça, bah, ça écoute, va risquer de pas durer. Je vous dis ça plus tard. Non, j'ai besoin d'un chiffre avant que tu sortes. Bah, je sais pas. Quelle pression. Dis 10. Allez, 30. 10. Non, 10, ça fait radin. À 30, ça fait beaucoup. Et 10, ça fait radin. 25, c'est pas mal. Moi, je dis 20, c'est pas mal. Ouais, mais alors 25, parce que c'est une caisse de 25 en général dans les cartons. Oh, tu vends bien le truc, toi. Allez, 25, on en parle. T'étais vendeur avant. Oui, oui. Non, 20, c'est bien. Allez, 25. Ah. 25. Allez, hop, 25, il fait signe, c'est bon. C'est allez, quoi? C'est bon, 20 albums. Mais 25, tu chies, tu charries ou quoi? Bah punaise, j'ai intérêt d'en vendre plus de 40, hein, sinon. Mais ça va bien se passer, on fera la promo, t'inquiète. Bon voilà, nouvel album de Leslie, donc si vous voulez choper ça, vous faites péter les messages tout simplement emmickael@goomradio.com ou alors vous venez sur le Facebook de l'émission, facebook.com, vous tapez emmickael espace officiel. Gros bisous Leslie, à bientôt. Bisous, bye. Allez, bisous. Ciao. Merci. Il y aura Joyce Jonathan aussi dans quelques instants. On fera le nouveau jeu qui n'a pas encore de nom, mais je compte sur vous pour m'en trouver un original. Mais le jeu qui n'a pas de nom, moi je trouve ça bien. Ouais, mais. En anglais, ça fait mieux. The No Name Games. No Name Game. Name Game. Ouais, c'est pas mal, ouais. Tu vois? Ouais, c'est pas mal. Tu peux me dire ça, s'il te plaît? Je vais voir. Attention, Cécile, en anglais. No Name Game. No Name Game. Ah, yeah. Ça va, pas dégueu. On dirait un sushi. Sans déconner. No Name Game. Surtout que les sushis, ça parle beaucoup. Allez. Ça fait un truc bizarre. Josiane, avec son écharpe, elle se permet maintenant des choses, alors c'est dur. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se mette un petit peu de son maintenant. Katy Perry avec Teenage Dream. Pas en et live, puis, hein, parce qu'en live. Puis, non, pas en live. Mais enfin, cela dit, si elle vient en live ici, vous impose pas de problème. Ah, bah tu m'étonnes. Elle peut même chanter. Chanter. Chanter. Pas de problème. Elle rigole, elle est contente. Ouais, elle est bête. Ouais, c'est ça, débile. Exactement. C'est bien, Cécile. Tu as directement cerné les personnages. Elle est débile. Bravo, c'est bien. Tu iras chercher un chèque chez Fredo après. Abruti. Voilà, c'est encore mieux. Allez, Katy Perry maintenant, Teenage Dream sur Goom. Hello, this is Archive. à l'instant Teenage Dream sur Goom Radio. Just Eat, soyez les bienvenus si vous débarquez. C'est la première ce soir, 20h-23h, avec Kevin qui avait envoyé un message sur Mickaël officiel sur le groupe Facebook. D'ailleurs, vous pouvez venir nous rejoindre. On est plus de 25 000. Continuez à faire grossir tout ça, bien sûr. Donc, vous tapez Mickaël espace officiel. Et donc, Kevin qui a envoyé un message qui dit Mickaël va encore et encore manger. Lui peut se le permettre. Il a un corps d'athlète. Et oui. Ah là là là, tu l'as payé. J'ai rien payé. C'est quelque chose de totalement bénévole. Et c'est surtout ce qu'il pense. À partir de là. Oui, mais enfin, partant du principe que c'est faux, quand même. Pas du tout, tu vois. Non, moi, je trouve que c'est le mieux de gauler de vous trois. T'entends ça? Ouais, c'est les abdos, monsieur. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'avais peur parce que je croyais que c'était Pierre. Et ça? Et ça, c'est. Bah, je c'est... sais ce que c'est. C'est quoi, Cécile? J'ai. Toi qui aimes ça? Dis-le. C'est ma bite, bordel. Et voilà, il faut que Pierre profite de cette remarque de Kevin pour se mettre en valeur. D'ailleurs, on a toujours pas donné ton numéro. Ah, c'est vrai. 06 32 49 69 85. C'est pas le vrai. Bah, c'est 87. Ça peut s'arranger pour 06 32. Ne le dis pas. 06 32 49. Ne le dis pas, il y a Elisabeth qui va m'appeler après. Il y a un 6 après et après il y en a 3. Non, c'est 980. Mec, il y a 3. Ça va, il reste encore 2 heures pour le trouver. C'est à qui tu es qui t'appelle? Apparemment, qui va acheter ta chemise, mais ça n'arrivera jamais. C'est sûr. Ok, d'accord. Alors, c'est pas que je vais t'éclater la gueule, toi. Pierre, il y a un truc, c'est que Mika est juste à côté de toi, tu peux lui mettre une patate quand tu veux. Sauf si c'est la peur qui te retient. Bah, il a une bouteille d'eau en fait. Ouais, attends, ah. Ouais, mec, ça peut partir très vite. Hein. Mais chat échaudé ne craint pas l'eau. Merci beaucoup. Voilà, un peu de culture, bande de culturelle. Tu sais que t'es pas sur la bonne radio là pour ça. Hein. Ah, ouais. C'est vrai, j'étais sur Autre radio. Ouais. Une autre radio. Puis après, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et puis je me la ferme là, merci. Bon, et comme tu parlais d'Elisabeth tout à l'heure, nous aurons Elisabeth dans quelques instants. Elisabeth qui était dans le polochon en début d'émission. Elisabeth que nous aurons aux alentours de, bon, je sais pas, d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour l'actu du jour. Ah, voilà. Oui. Avec gratiné, hein, c'est vrai. Il y en a qui ont Laurence Ferrari. Oh, alors ça, c'était dur. Laurence Ferrari, je fais une petite parenthèse, mais. Quoi? Enceinte, quoi? C'est non! Ça oh, qui a fait ça? Mais qu'est-ce qu'elle est moche! Laurence Ferrari! Ah, elle est dégueulasse, c'est oui. Non, je m'excuse. Attends, autant j'ai regardé sur Google, j'ai tapé Laurence Ferrari, autant avant, elle était bonasse. Autant elle enceinte, elle est dégueu. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on dirait, ma grand-mère. Elle a pris un coup de vieux? Non, c'est pas ça. Les c'est gens que je crois que c'est que ça. Non, mais attends. C'est que TF1 lui a mis un coup de vieux dans la tronche. Ouais, pas qu'un coup de vieux, à mon avis. C'est dur. Oh. Je te le dis direct, hein, parce que. Ça, après, je sais pas ce qu'elle a fait pour arriver là, mais. En tout cas, elle y est, hein. Mais. Ouais. Non, mais franchement, ça vous a pas choqué, ou? Ouais, bah, j'ai pas vu. Je regarde rare. Ah, moi, j'ai la dalle, alors. En même temps, je vais dire, j'ai jamais tapé Laurence Ferrari dans Google. Non, mais moi, c'est pas ce que j'avais. C'est pas plus ce que je regardais. Moi, j'ai tapé. Pour me dédouaner, je regardais TF1 et donc le journal. Et ça m'a scotché de voir sa tête. Ouais, bah, je me suis dit, est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Je ne pense pas. Donc on a appelé PPDA. Ouais. Ça fait, ouais, bah franchement, à la limite, mais PPDA, il était vieux, mais tu savais pourquoi? Ouais, puis il a toujours été vieux, quoi. Bah ouais. Lui, il est né comme ça. Hein. C'est comme Maïté, elle a toujours été grosse. Mais moi, je pense que c'est vraiment parce qu'elle travaille en cloque, quoi. Elle est enceinte. Ça, c'était gratuit, mais ça change rien. Mais oui, ça change. T'as une tronche fatiguée, quoi. Bah si. Elle porte quand même un espèce d'être vivant de 3 kilos là. Non mais il faut savoir qu'Emilie ne veut pas d'enfant. Ah pourquoi oui. Tu veux pas de gosse? Parce que si vous avez envie de m'en faire et d'essayer, vous pouvez toujours me contacter, c'est pas vrai, ne dis pas ça. Avec l'imagination là. Oh, je suis pas l'abri de partir d'où je viens. Surtout quand on voit ses bottes. Hein. Bah, je suis pieds nus, mon non, petit gars. Non, mais c'est tout ton personnage qu'il faut revers, tu vois. Aïe, quelle horreur. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà vu nos têtes sur mickaël.fr, n'hésitez pas à donner vos avis hein, sur le groupe Facebook Mickaël officiel. Tu veux que je me jette par la fenêtre? C'est ça. Non, il y a Marie d'ailleurs qui dit quel débat. Oui, alors, écoute, on fait ce qu'on peut. On vient d'arriver, on fait connaissance, etc. Clémentine qui dit ça fait plaisir d'avoir une émission qui tienne la route à écouter le soir. Oui, bah profite, ça fait 43 minutes. Hein. Et encore, on s'est tiré une balle avec 5 minutes de polo show. 39 minutes, moins la pub, il en a 35 minutes, moins 3 disques. Bon, au final, on a fait 25 minutes de taf quoi. C'est pas mal, hein. Et puis Elisabeth qui arrive Et puis Elisabeth qui va arriver tout à l'heure, et voilà. Émilie qui est d'accord avec moi sur le groupe Facebook. Laurence Ferrari, elle a toujours été moche. Ah ben non, elle est pas d'accord avec moi. Avant, elle était pas mal, hein. Mais bon, après, voilà, ça reste. C'est pas Mélissa Torio, quoi. Ça reste. Mélissa Torio, ne me parle pas d'elle. Et je pourrais l'épouser ou. Pire. Non, c'est Megan Fox que tu pourrais épouser. Oui, bah. Mais Megan Fox ne pourrait pas l'épouser, lui. Non, Mélissa Torio, elle a des énormes narines. Elle est plus jeune que moi, elle a 23 ans, elle pourrait, non? Si, si, non, mais c'est physique, hein, c'est pas là une question d'âge. Ça a rien à voir avec l'âge, en fait, c'est que t'es. T'inquiète pas, y a pas de problème. Ok, ok. Bon, donc, j'allais presque oublier la pesée, donc je suis complètement con. Ah, bah oui, non, non. Ah, non, mais t'as vraiment pris une balance. Bah oui, oui. Mais merde, c'est dur, là, j'ai mangé des bouts de curly et tout. Eh bah, c'est parfait. Non, mais je vais me faire vomir et je reviens après. Non, c'est dégueulasse. Elle est gentille, c'est le curly, mais c'est plus le vin rouge de ce. Mais encore, elle est gentille, t'as pas pris une balance industrielle. Ouais. Non, j'ai pris une balance avec des chiffres. Mais je vais faire 70 kilos, là. Parfait, il faut bien démarrer à un moment ou à un autre. Déjà, tu lui coupes les deux pieds, elle perd 10 kilos parce que c'est pas des pieds qu'elle a, mais des tempes. Bon. C'est vrai. La meuf ne loue pas de ski, hein, la neige, hein, elle y va comme ça. Mon seul problème, c'est que pour l'instant, il y a encore de la moquette par terre. Ah, bah oui, ça fausse. Avec la moquette, ça fausse. Je vais me poser dans les chiottes et je reviens, je vous dis combien je fais. Oui, non, c'est ça. Et je vous jure. Bah, je la suis, moi. Il y a de la moquette partout, là. Vous saviez qu'on arrivait pourtant de la moquette, c'est quand même. Mais ça fait quoi, la moquette? Bah, ça enlève 10 kilos. Sur la table? Ah bah oui, elle va monter sur la table, tu veux qu'on la casse. Non, ah mais je vais faire 70 là, c'est le soir non, et tout, non, je vais non, être non, gentil encore, 75 peut-être. Mais si, le matin, après bon, caca, allez, là j'ai allez, tout gardé là. Attends, je l'allume. J'ai envie de faire caca depuis 14h. Allez. Voilà, il y a zéro pour l'instant. Oh là là. À votre avis, combien va... Pète un coup, ça ira mieux. Combien va faire Émilie? Donc attention. Oh bah. Elle est pas bien là. Elle est pas, attendez, elle est pas bien. Je tiens à signaler que je fais 1m76. Oh, allez, monte sur le truc là. Ouais, c'est ça. Et puis bon, elle va me dire qu'elle a des vêtements. Ah putain, 52. Non. Elle était même pas complètement dessus, elle a déjà 67,1. J'ai peur, si je suis 70, je me jette par la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Allez, regarde, c'est un chiffre. C'est à 3 chiffres. C'est à 3 chiffres le truc. T'enlèves 1 kilo parce qu'elle est habillée. Et ça, c'est vrai. 1 kilo parce que tu le sois. Même 2. Combien? Oh là là. Attends. Reste calme, bouge pas. 80, 85 67,4 pour 1m42. 67,4. 1m76. Ouais, non. Donc ça non, fait 66. Bah, ça fait du gabarit Laurence Ferrari. Ouais. Excuse-moi. Oh, j'ai moins 10 kilos que ma taille, c'est pas dégueu. Bon, 67,4. Défendez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, mais attends. Non, mais t'as pas de sein aussi. Non, c'est pas ça. Il y a juste un truc. J'avoue, j'ai tout dans le fion, mais. Il y a juste un truc que je voulais quand même remettre. On dit pas que t'es grosse. On dit juste que comme t'arrêtes de fumer, on va vérifier si tu prends du poids. Oui. Directement, elles se sont attaquées. Et elles se sont attaquées. Je peux te garantir que je vais faire un petit passage aux toilettes, je reviens, j'ai déjà perdu 500 grammes. Ah oui, mais alors. Ah bah, il est 20h46. Si je puis me permettre, faut aller chier plus souvent. Hein. Oui, oui. Mais bah. Non, j'arrive pas ici, j'ai un blocage extrême, je peux pas faire caca. Il faut savoir qu'elle me demande de la descendre en bas dans les toilettes à côté de la cantine pour faire son popo. Mais elle n'arrive jamais. Je peux pas, mais qui fait caca sur son lit? Tous les mecs. On arrive à poser notre pêche partout, quoi. Moi, dans le shot des filles, il y a 5 minutes. Ah, c'était ça. Je suis allée me maquiller. Attends, il y a des chiottes de filles? Ouais. Là, juste, ah bon? Bah, à côté des mecs, en fait. Mais ouais, c'est la même pour les non, mecs. Non. Et c'est tout un mec. Tu sais que les mecs ont des filles debout et les filles assises? Non, on t'en a parlé ça, ou pas? Non, mais c'est pas ça, mais je pensais qu'il y avait qu'une seule pour tout le monde. Pour Emily, oui, parce qu'on sait pas son sexe. Mais non, parce que d'habitude, effectivement, je vais plutôt dans celle des filles, c'est plus propre. Je suis contente, je suis pas. Mais c'est ce qu'on dit, du coup, tous les mecs vont dans celle des filles, et à la fin, c'est pire la daube. Pour moi, je reste dans les mecs, ouais, exactement. Je pourrais lâcher des noms d'ailleurs, parce que j'en connais des mecs qui viennent faire caca en haut, et ça, c'est dégueulasse. Dans les nanas des femmes. Dans les nanas des femmes. Dans les chiottes des femmes, pardon. Dans les WC. Bon, il y a des gens qui mangent là. Non, mais c'est vrai, il y a un mec de la régie. Mathieu Gauthier, il s'appelle. Oui, voilà. Merci. Sans déconner, il y en a qui mangent, mais c'est pas le cas. Hein. Ben oui. Non. Je tiens juste à préciser. Ben moi, là, je vais arrêter. Après ça, j'ai envie de te dire que... Il vaut mieux. Il y a Alexandra aussi qui proposait 55 kilos pour Emilio. C'est beau. Ouais, ah, ouais, c'est gentil. C'est la vérité. Eh oui, le monde des bisounours n'est pas ici. Hein. Alors, Christopher qui proposait 66,4, mais il était pas loin au final. C'est hein. Ça. Non, 67. Si, on a dit 1 kilo pour les vêtements. Putain, 67, c'est beaucoup quand même, Emily. Ouais, 67, c'est quand même... 66,4, c'est bien avec les vêtements. T'as 10 kilos. Non, mais j'ai les os vachement lourds, on me l'a dit quand j'étais petite. Oh, alors ça, c'est l'excuse pourrie, ça. Et Apolline qui dit, j'adore les discussions, merci, mais je mange une glace. Oui, bah... Au chocolat. Je vois pas le rapport, oui, oui, au chocolat, oui, voilà. Bon, et puis Thomas qui dit, maman est en bas, elle fait... Oui, bon, ça ne sert à rien, Thomas. Je suis quand même vachement choqué que t'aies pensé à prendre la balance. Parce que j'avais vraiment l'espoir que t'oublies, en fait. Ah, mais non. Et j'ai dit à Cécile, surtout s'il y pense pas, tu ne lui rappelles pas qu'il faut prendre une balance. Ah, mais le pire, c'est qu'il est énorme parce que tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait pas de bascule. Et là, il en a une. De bascule. Oh là là. Bienvenue dans la France de 1950. Oh le mec. Tu vas prendre ton boulier, tu ne dis pas bascule. Bah non, dis pas bascule, il y a que toi et ta famille qui dit ça. Et j'ai failli claquer balancelle en plus. Cela dit, ça va bien avec ta chemise à la bascule. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est du Poitou Charente. C'est pour ça qu'il fume pas, Pierre, parce qu'il faut frotter deux bâtons entre eux pour faire du feu et ils sont pas. J'avais plus entendu ça depuis 1000 ans, une bascule. Ouais. Oh là là. C'est dur une bascule. Ouais, bah c'est pas de ma faute, c'est bon. Non, bah je sais bien. On peut en parler 3 heures non plus. Jingle, allez, musique. Ça fait rien de merde. Ouais, on est pas, c'est pas le matin ici, hein. Sorry, sorry, maître. Ah, oui. Clash. Non, mais bon, il y a un moment, faut que. Clash. Voilà, sinon il y a Maxime aussi sur le groupe Facebook qui dit régime. Ah. Oui, bah oui, je vais commencer. Tu veux pas te peser, Mickaël? Parce que je sens que t'as un peu pris quand même pendant les vacances. Bah non, figure-toi que j'ai perdu. C'est vrai. Clash. Mais pas du bide. Exactement. Figure-toi que si, mais moi je ne fume pas. C'est vrai. Tu ne fumes pas, tu prends. Michael quand même ne mange pas. Ne mange rien le midi. À part de la tomate, sans huile d'olive. Il mange et c'est gratuit. Oui, c'est ça. Non, tu prends les cacahuètes gratos. Non, bien sûr. Non, vous êtes en train de me faire passer pour un crevard, ce qui n'est totalement faux. Attention, c'est pas pareil. Il y a une différence entre le fait de manger que si c'est gratuit et le fait de manger que si c'est Fredo qui raque. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Ce qui n'arrive jamais. Kirak, j'ai mes trucs. Ah ouais. J'ai pas mon portefeuille sur moi. J'ai mes chantages. Ah ouais? Ouais. C'est affectif. Alors j'ai des doses. Tu peux nous donner? Ouais, bah nous aussi, on va faire ça du coup. Ça fait 6 ans que je le connais, le chevelu. Ah, eh ouais. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes doses. Mais je ferai partager peut-être. Ah oui, mais j'aimerais bien parce que là, je vais voir. Et Nordine qui dit diététicien dans l'âme, notre Mickaël. Pensez à ceux qui mangent, s'il vous plaît. Bon, bah bon appétit. Ah bon appétit. Je pense qu'on peut pas dire autre chose. On va se mettre un petit peu de son. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Yolanda Be Cool. Exactement, avec We No Speak Americano. Et puis juste derrière, on aura aussi Joy Jonathan qui sera avec nous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous appelez le standard, ça se passe au 08 9 2 06 18 18, ou alors mikael@goomradio.com, ou encore le fanbook, donc le Facebook officiel Mikael espace officiel. Allez, c'est parti maintenant pour le son de Yolanda Be Cool sur Goom Radio. Come ti porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you, papà l'americano. Tous les soirs, c'est la première ce soir entre 20h et 23h sur Goom Radio. Just Eat, soyez les bienvenus si vous débarquez. On est là tous les soirs dorénavant. Donc on salue également ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook. Il y a Ludovic, il y a Ophélie, on embrasse C'est quoi ça? C'est pompiers ou c'est police? J'ai du mal à capter. Je sais pas, les sirènes. Ouais, non, enfin, pompiers. Ceux qui sont là avec leur gyrophare. Elisabeth aussi, il y a Najim, il y a Sarah et tous les autres. Donc continuez et venez nombreux et nombreuses sur le groupe Facebook et Mickaël, facebook.com, pardon, ou Mickaël.fr si vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous tapez et Mickaël espace officiel pour venir discuter avec tout le monde. Bah oui, on est là. Bah oui, non, mais justement, il en manque une. Bah oui, non, elle est où Cécile? Elle est passée où Cécile? Ah bah voilà, tu fous la fenêtre. Elle fume sa clope. Tu fumes ma gueule ou quoi là? Je croyais qu'on allait mettre des néons, tu vois, genre devant la vitrine. Elle a entendu les pompiers, direct elle s'est mise. Ah ouais, direct elle s'est dit, ah mon dieu, ça va être bien. J'ai essayé de m'échapper. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais j'ai pas réussi. Ah non, avec les armes en même temps, tu peux y arriver. Hein, c'est facile. Elle pue là. Ouais. Par contre, du coup, elle colle les deux mecs. Elle colle Pierre et Mika. Regarde, alors cette fille là, faut savoir, elle allume à bloc, elle fait rien. Ça fait un an que je suis sur le dossier, rien du tout. Non, ah, je t'en ai donc... donné un peu. Ouais, ouais, si, et si. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, moi. Oui, Pierre, non, c'est mais vrai. Faut dire que je leur ai mis devant. Ah, devant ouais, les deux voulaient sortir dedans. Avec ouais, moi et ça. J'ai dit non. Et pourtant, t'es quand même assis sur leur top, tu vois. Là. Et on l'a bien fait parce qu'elle est devenue laide. Attends. C'est vrai, elle a pris une tonne en un an. Quelle violence. Heureusement que c'est pas toi la pesée. Bon, Joy Jonathan qui est avec nous maintenant, comment ça va? Ça va très bien. En forme? Bah oui, bah nous on est bien là. On est à la cool. T'as failli être la marraine de l'émission, mais Leslie est passée devant. Ah bah, on sera la tata. Eh ben, voilà, c'est parfait. Ah oui, la tata, si tu veux, si tu veux, Cécile. Donc, alors, avant de parler avec toi, on voudrait, parce que c'est presque l'heure, on est un peu en avance d'ailleurs au niveau de l'info. Nous avons Elisabeth, qui est une fidèle auditrice depuis des années. Même, on n'était même pas encore là, mais elle était déjà auditrice. Et donc, ça va me fatiguer déjà. Elisabeth? Oui. Ah, comment ça va, Elisabeth? Ça va, mon Mickaël? Oui, oui, ça va. Oh bien. Là là, tu m'as tellement manqué. Tu sais que c'est une idée à moi et je. Et là, comme on dit, on n'a pas beaucoup de sous pour partir en vacances. Ah. Et ouais. Oui, mais c'est la fin des vacances, Elisabeth. Donc, j'ai passé des vacances avec monsieur E devant la télé. On a regardé, bien sûr, Secret Story. D'accord, c'est génial. En même temps, je ne t'ai rien demandé. Non, mais ça, justement, c'est que là, je vais te raconter parce que toi, t'as pas tout lu. Non, attends, Elisabeth, Elisabeth, je t'en supplie, Elisabeth. C'est le premier soir, reste calme. Ouais. Parfait. Donc, Elisabeth, on parlera de Secret Story, mais tout à l'heure. D'accord. Avec Émilie, ouais. Avec Cécile. Et si tu es sage, tu en parleras aussi peut-être, d'accord? D'accord. Bon, là, on voudra. Émilie, la jumelle à tourmente. C'est dur, hein, quand même. La jumelle à tourmente, l'hermaphrodite. C'est dur, c'est vraiment dur. Bon, là, Elisabeth. Oui. Bon, on continue donc. Est-ce que tu as regardé un petit peu l'actu aujourd'hui? Est-ce que c'est un petit peu pour ça aussi, tous les soirs vers 20h55, 21h, il serait bien que tu nous fasses un petit peu la Laurence Ferrari de Goom Radio? La Laurence Ferrari du Goom Radio, attends, moi déjà le JT, ça commence vraiment à me puer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, explique, crash ta haine. Vrai, attends, la Laurence Ferrari, attends, mais ça pue, attends, même le Pujadas, attends. Non, mais moi j'en ai marre, il parle des bleus encore. Il parle de quoi, des bleus? Mais non, les bleus déjà ils puent. Ah. Déjà ils sont. C'est plus les mêmes, enfin en partie. Et je sais que c'est plus les mêmes, mais moi j'en ai marre du JT. Le JT c'est rien que les gens en train de parler du Pakistan et tout, des machins comme ça. Attends, mais on ne vit pas au Pakistan, on est en France. Non, Émilie. Oh, non, je pense que je vais y aller. Déjà, je t'ai confondu avec Elisabeth. C'est dur. Et là, franchement, je m'excuse. Je sais pas si j'accepte, hein, je vais avoir le temps de digérer. Mais... Bon, Elisabeth, ça commence par un E, hein, ouais. Pour ma décharge. Il y avait Eric aussi, mais bon. Ouais, mais enfin bon, c'est une voix de fille quand même. Ils ont prévu qu'il y a Émilie finalement. Sans déconner. Elisabeth! Ouais. Bon, t'as pas compris. Il faut pas nous dire que t'en as marre ou que t'en as pas marre des infos, mais juste nous expliquer quelle est l'actu du jour. Est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui, un coup de gueule par rapport à l'actu du jour? Bah, la rentrée scolaire. Ah, alors justement, la rentrée scolaire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Putain, c'est chiant. Ça sert à rien d'aller à l'école. Ah, bah oui, oh là là. Message attends, de paix, d'espoir et d'amitié. Dépenser de la thune, attends, donner des allocs, attends, à des familles pour les gamins, pour aller à l'école et tout. Mais l'école, ça sert à rien. T'as loupé l'école, toi, Elisabeth? Non, mais l'école, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? L'école, t'as toujours des pots de colle. C'est toujours quoi en colle? L'école, tu as toujours des pots de colle et tu es toujours en colle. Alors, on n'est pas dans un jeu où il faut faire des rimes. Hein. Attends, mais on va à l'école pour quoi? Pour rien faire? Pour faire quoi? Du chômage? Non, pour se taper après les yeux. La crise? Quoi? La crise. Dis donc. Ah, Elisabeth? Ouais. T'es vachement ouverte, hein. T'es vachement positive, hein, quand même, Alain. Ah, moi je dis comme quoi ils ont tous du blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Et toi non, hein, toi t'as pas de blablabla, toi tu racontes directement les choses comme elles sont. Ça, c'est que ils ont vraiment pompé tout cet été avec la vieille. Quelle la vieille en cours, la grand-mère là. Ah, ils auraient pu carrément l'envoyer dans la tribu État-moi là, dans TF1, tu sais. Dans quoi? Bienvenue dans la tribu État-moi, tu sais, chez les Africains là-bas. En Éthiopie. Les là-bas. Africains, oui. En Éthiopie. Ils ont pompé avec cette vieille là qui nous aura. Qui a un sacré paquet de fric et tout. Non, mais attends, mais. Bon, Elisabeth. Elisabeth, elle est vénère. Ouais, tu sais, ils ont parlé de chez moi, tu sais, de Grenoble. Oh, dis donc, c'est vrai qu'ils ont parlé au début juillet de Grenoble. Hein. Et en bien. Ouais, alors, j'ai beau parler, tout le monde s'en fout. Enfin, Elisabeth en l'occurrence. Sarko, il est venu à Grenoble. C'est génial. Tu as fait des photos? Non. Parce que nous avons. Non, on aura. Non, mais parce que tu sais pourquoi? Ils ont brûlé des voitures. Oula. Ils ont brûlé des voitures. Ouais, à la Villeneuve. Bon, est-ce que tu voudrais parler à Nicolas Sarkozy? J'ai son numéro de téléphone, on pourrait éventuellement essayer de l'appeler. Ouais. Enfin, réfléchis pas deux heures non plus. Ouais, je n'ai pas trop envie de parler avec lui. Hein. Attends, c'est quand même le président, merde. Ouais, par contre, je voudrais bien que Micha y revienne. Oui, non, mais c'est pas la... Quel est le rapport? Je t'en supplie, Elisabeth. Quel est le rapport? Bah, parce que ce qu'il y a, c'est que Sarkozy, c'est une cruche et tout, il comprend pas nous les gens. Bon, alors, Elisabeth, reste là, tu lui diras dans quelques instants, on devrait la voir, d'accord? Ouais, et moi, par contre, ce que je voudrais, c'est adopter Chiffon. Oui, mais il est pas donné, Chiffon. Il va très bien Chiffon, là. Non, mais Chiffon. Bon, Chiffon. Alors pour ceux qui débarquent, Chiffon, donc c'est le chien, enfin le chien de bazar là, de Monsieur A. Monsieur A, alias un autre personnage. Mais moi, attends, c'est comment j'ai trouvé le secret. Bon, Elisabeth, t'as presque failli m'avoir là, j'étais en train d'écouter, je réfléchissais plus. Donc Elisabeth, on va te reprendre tout à l'heure dès qu'on aura Nicolas Sarkozy, d'accord? D'accord. Bon, allez, à tout à l'heure. Oui, non. Voilà. Non, oui, raccroche pas surtout. C'est parfait. Ah, ça, c'est le meilleur moment quand t'es en Elisabeth. Ouais, c'est quand on arrête. Ouais. Ah bah on déguste là, c'est bien. Qu'on est au calme. Ouais. C'est aigu quand même. Hein. Ouais. C'est dur. C'est très dur. Puis ça va vite dans son cerveau. Hein. Ah ouais, ah ouais. Elle a un problème. Bon bref, Joy Jonathan qui est avec nous. Comment ça va donc, Joyce? Après, je t'ai posé la question avant et tu remarques que je te repose la question après. Ah bah après toute cette discussion avec Elisabeth, ça ne peut que aller bien. Grande discussion d'ailleurs. Ah ouais, ouais, d'ailleurs. Discussion. Au niveau de l'actu, toi, un coup de gueule aussi pour voir si on peut te rappeler tous les soirs à 21h. Pour voir si tu as quelque chose à dire par rapport à l'actu, non? Je serai jamais aussi bonne qu'Elisabeth. Ah bah non, mais attends, mais ça c'est clair. C'est l'élite. Ouais, ouais. C'est l'élite. On a les moyens ici, on se fait pas chier. On prend pas du bas de gamme. Bon, pour la première de l'émission, on reçoit donc Joyce Jonathan. Vous connaissez sûrement son morceau Pas besoin de toi. Écoutez ça. Joy Jonathan, alors déjà comment on dit, on t'appelle comment? Joy Jonathan, Joe. Gigi. Si, peut aller, hein, pourquoi pas, Gigi. Ouais, non, mais Gigi, c'est. C'est toi que je vois là-bas dans la boîte. Ouais, bah, plus, hein, c'est pour ça que je disais non. Hein. C'est pour ça que je disais non. Donc, Joy, c'est mon prénom, Jonathan, c'est mon nom de famille. D'accord, donc, ok. Bon, alors on va t'appeler Joyce, alors ça me paraît pas mal, hein, comme ça. On va m'appeler Joy Jonathan, au choix. Bah, écoute, Joyce, comme ça, hein. Allez. On sera parfait comme ça. Bon, première question d'abord. Vous allez dire que j'ai une dent contre celle-là, mais Leslie a donné son avis. Que penses-tu de la chemise de Pierre? Ah oui, important. Ne mens pas. Non, en toute honnêteté. Hein. T'es à côté de moi? Bah franchement j'aime bien. Merci. Oh, quelle horreur. Je sais pas si on a droit de... Le coup de pression. Boum. Non, franchement elle est sympa. Merci beaucoup. Ouais. On n'a pas le droit de donner des marques, c'est ça? Ah si, on s'en fout. On peut dire que c'est laid, surtout. Non, ça ressemble aux chemises APC. Je sais pas si c'en est une. Eh ben pas du tout, c'est pas Tati Dibala. Il a été la récupérer cet après-midi, il s'est dit je vais venir avec du neuf, c'est la première quand même. Mais donc t'aimes bien vraiment alors. Ça n'a rien à voir avec le nombre de rotations qu'on va mettre ton disque. Enfin tu vois, tu peux vraiment dire ton avis. Hein. Non, ça change absolument rien. Franchement, je trouve que les couleurs sont sympas pour les décrire aux auditeurs. C'est du bleu, du rouge, du gris, du blanc. Oui, et tu oublies une couleur du moche également. Hein. Parce que c'est dedans majoritairement d'ailleurs. Hein. Et en revanche, sa coupe de cheveux, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, c'est un beau bordel. Bon. Ouais, voilà, merci. Voilà. Parce que moi, je suis gentil avec tout le monde. Oui, oui. Jamais des saloperies. On va quand même pas être trop gentil. Ouais, bah voilà, c'est ça. Gentil à voir. Gentil avec tout le monde. Nous aurons un petit appel de Pierre tout à l'heure, avant 23h. On verra si effectivement t'es gentil avec tout le monde. Bon, Joyce, t'es parti un peu en vacances là ou t'as fait des concerts tout l'été? Comment ça s'est passé? J'ai fait pas mal de concerts, ouais, pendant tout l'été. Où ça, en France? T'as bougé un petit peu à l'extérieur? Un peu partout en France et aussi en Belgique. D'accord. Ah, très bien la Belgique. Parfait. Oh. Et bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est chez oui, moi, c'est aussi. Bien. François oui, Damien, bah oui, c'est bien, c'est bien, ouais. Quoi? Benoît Poulvord aussi. Benoît Poulvord, exactement. Et puis, ouais. Puis bien sûr, on est moule frites. Michael, ouais, Michael. Ouais, ouais. Enfin, moi, je suis un bâtard, hein. Je suis un peu moitié-moitié, donc on va pas chipoter non plus. Donc, t'as fait concert France, Belgique, bref. Ouais, voilà, j'ai enchaîné des festivals, pas mal de concerts. Il y a eu une trentaine de dates, surtout l'été. D'accord. Ah, oh, ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Et donc, tu fais part. Oui, vas-y. Et demain matin, je pars en vacances. Ah bah tranquille, tu vas où? Je vais en Espagne. Ah attends, genre t'as fait le tour de la France et les vacances. Ouais, c'est vrai. C'est un peu des vacances. Donc des longues vacances quoi. Ouais, des longues vacances, mais bon quand même, tu vois, là ce sera des vacances sur le Transat. Sur le Transat, d'accord, en train d'écrire un album. Ouais, par peut-être. Exemple. C'est peut-être à ce moment-là que l'inspiration vient. Hein. Ouais, elle vient un peu tout le temps. Donc on c'est verra. Ce que j'ai essayé de dire à Fredo aussi avant les vacances. Il me dit oui, il faut préparer l'émission. J'ai dit écoutez, m'emmerdez pas avec ça. Les idées viennent pendant les vacances. Ouais, et puis bah, non, en fait. Sauf hein. qu'après et les vacances. En fait, non, rien du tout. Ouais. Voilà, donc après les vacances, j'avais toujours rien mis. Donc, mais ça va, il a pas percuté sur le coup, ça va. Bon, donc tu fais partie de ces artistes donc, qui doivent beaucoup à Internet. T'as commencé par mettre tes premières musiques sur MySpace, c'est bien ça? Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, enfin, je sais comment ça marche hein, pour mettre une vidéo sur MySpace. Donc, j'ai uploadé. En fait, hein, sur MySpace, ça prend à peu près 6 minutes, mais avant My Major Company, t'avais eu effectivement, j'imagine, beaucoup de visites sur MySpace. C'est là qu'on t'a connu un petit peu, puis après t'as été sur My Major ou comment ça s'est passé un petit peu? Ouais, en gros, ça s'est passé comme ça. J'ai mis mes chansons sur. Attends, je t'attends. Et dis donc, c'est un quartier qui craint là. Je crois qu'il cherche Cécile. Il cherche Cécile, vraiment, en fait. Il tourne en rond depuis tout à l'heure. On est dans l'actu là. Ah, on est au top là. Je sais pas ce qui se passe dehors, mais on va se renseigner. Il doit y avoir des Roumains, je crois. Donc, Joyce. Bon, on aura Nicolas Sarkozy tout à l'heure au téléphone. Donc, Joyce, excuse-moi. Donc, comment ça s'est passé donc avec Internet, donc avant My Major? Donc, j'ai créé un MySpace avec des chansons que j'avais enregistrées chez moi, mais vraiment à l'arrache. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai contacté My Major en leur faisant écouter ces chansons-là. D'accord. Ah, donc c'est toi qui les as contactées? Ouais, je leur ai envoyé un message par MySpace et c'était le tout début de My Major en fait. D'accord. Grégoire n'était pas encore sorti, enfin personne n'avait été produit comme ça. Ouais. Et ils ont accepté de me rencontrer et que je sois sur le site. Donc voilà, après c'est le public qui a choisi et qui a misé sur moi. D'accord, ok. Alors on a une question aussi de Marie qui est avec nous. Salut Marie, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah oui, ça va bien Marie, sois la bienvenue Marie. T'avais une question à poser à Joyce? Oui. Eh bah fais péter hein. Salut Marie. Salut. Bah en fait, j'aimerais bien qu'elle me donne un avis sur les membres de l'équipe, justement. Un avis sur les membres de l'équipe? Ah bah elle a déjà donné son avis sur Pierre. Faut que je me casse maintenant. T'as une trop belle robe Joyce. Regarde la passion en arrivant, mais elle est trop belle. Moi je kiffe ton legging. Surtout que c'est pas une robe, c'est un moi c'est la guitare, elle est magnifique, je trouve. Attendez, tout le monde peut se taire parce qu'on. On écoute Marie. Non, on dérange Pierre là qui est en train de jouer. Ah non, pas du tout, non. Ah, non, voilà, non, voilà. Au contraire, non. Ouais, non, je prenais des photos de Joy sur le côté en mode scred. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'elle a des très belles épaules. D'accord. D'ailleurs, oui, j'ai une requête, on pourra inviter des moches la prochaine fois. Parce qu'on me pèse comme si c'était la foire à la saucisse et après on invite des meufs juste hyper belles. Non, ça fait partie du contrat que j'ai signé avec Boom, hein. C'est pas possible. Bon, donc, Marie, tu veux qu'elle te donne son avis, mais c'est-à-dire physique ou intellectuel? Oui, ou... Bah oui, par exemple, physique. Physique, d'accord, ok, très bien. Par exemple, t'as vu plus beau ou... Moi, j'ai dit que t'étais belle. Ouais. Non mais c'est ça n'a rien à voir. Elle a géré son truc comme ça en avance. T'as vu la suceuse là? Non, c'est pas on vrai. Peut inviter des moches parce que bon, tu comprends. Oh là là là là. On avait pas dit que t'étais une suceuse comme ça. Hein. Non, mais justement, elle l'est pourtant, pas. Pourtant, ils auraient pu te le dire. Et celle d'été, elle est en mode piranhas, donc c'est très dur. Parce qu'elle a des petits dents, c'est des bouts de moule là, des coquilles de moule. Dit-il alors qu'il a des gencives de porc dans la bouche. La violence, Pierre. Bon, reste sur ton téléphone, t'emmerde pas. Bon, bah écoute, bah Joyce, vas-y, ça ne changera rien au fait qu'on passe ton disque. Hein. N'hésite pas, sois franche. Bon, bah commençons par Mika alors. Oui, bah voilà, on y va comme ça. Ah bah, on se met à l'aise. Qui est roux, tu le vois pas, mais il est roux. Non, je suis pas roux, arrêtez avec ça. Il a quand même des énormes dents, on dirait des cimbrelles. On va pas parler de ton nez, Cyrano, parce que. Oh là là là là. Bon, alors, Mika. Ah. Qui porte un t-shirt blanc col V. Ouais. De. Qui n'est pas poilu, t'as remarqué genre aussi que. Oh, ça va. En dessous, il a un Marcel en peau de chat. J'en profite, je les garde un peu. Josh, alors, tu peux il tout met son casque à moitié pour faire ressortir sa belle oreille. Mm. C'est pas une oreille, c'est un satellite. Un satellite. Non, vas-y, je sens quand même une petite tension qui plane. Tout le monde est beau. Voilà, voilà, tu vois Marie. Voilà. Et c'est ça qui est fort, c'est que elle débute entre guillemets, mais elle sait comment faire sa promo. Tu vois, elle sait comment se faire des amis. Bon, Barry. D'autres questions ou c'est tout? C'est tout. Eh bien parfait, Marie, je te fais des gros bisous. Bah moi aussi. Tu reviens quand tu veux. Ciao. Salut. Salut. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Emily? J'avais une petite question parce que j'ai vachement écouté l'album de Joyce. Non, j'ai vraiment une question. Il y a une chanson. C'est fini, je ne sais pas. Ah non, bon. Mais si, t'as changé la fin. C'est vrai ou c'est faux? T'as changé la fin de cette chanson. Attends, juste non, un détail. Je ne sais pas. Et tu es flou. Je le fais moins bien que toi. Et tu es flou. T'as changé la fin? Non. En fait, il y a une partie que. T'avais pas mise. Tu confonds avec Leslie, ouais. Non, mais c'est vrai, à la fin, maintenant, tu dis, j'ai plus quitté, je te veux plus et tout. Et toi, ouais, parce tu qu'en fait, il y a une version album et une version radio. D'accord. Et la version album est un peu plus longue et je raconte plus de choses. Parce que ça m'intriguait, tu vois. Eh ben, je peux y aller. Tu te coucheras moins comme ce soir. Comme quoi, c'est pas mal. Bon, donc ton album Sur mes gardes qui est sorti cette année, donc il cartonne pas mal. Est-ce que c'est toi qui as écrit et composé les musiques ou tu t'es fait aider par qui? Non, j'ai tout fait. Paroles et musique. Et tu t'inspires de quoi, pardon, pour écrire? Bah, de toi essentiellement. Oh, et je sais. Je sais. Le d'ailleurs, clash. J'ai tant besoin de toi, tout est lié. Clash. Toi aussi, t'es trop belle. Clash. Qu'est-ce qu'il veut, le bûcheron, là? Il y a un problème. Arrête de jouer avec ton téléphone. Je fais rien. Si, je t'ai vu. Ah non. Donc, je suis un menteur. Je peux le prendre, alors. Ouais, bah voilà, si tu veux, tu peux le prendre. Il y a sa meuf en fond d'écran. Bon, t'as travaillé aussi avec Louis Bertignac, donc c'est l'ancien guitariste de téléphone. Comment s'est passée la collaboration avec lui? C'est lui qui est venu, tu as été le voir, non, ils ont dit ce que vous avez fait rencontrer. J'ai été le voir parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'aime beaucoup d'ailleurs encore aujourd'hui. Ouais. Et je suis allée toquer à sa porte avec mes petites chansons et encore avec mes enregistrements guitare-voix, piano-voix assez mal enregistrés chez moi. Mmh. Et il a accepté de m'écouter et en fait, dès le premier rendez-vous, il m'a dit bah écoute, franchement, j'ai aimé, c'est pour moi. Ça marche, je vais bosser sur les arrangements. Et ça s'est fait comme ça, de façon hyper naturelle. Juste, il a aimé et voilà, il a bossé directement. Putain, c'est fort! Ouais, c'est cool. Ah ouais? Ah ouais, non, alors que nous, on a tapé 150 fois à ta porte et tu nous as dit cassez-vous. C'est ça. Tiens, faut avoir le coup de main. D'accord, faut toquer, ça m'étonne que Pierre n'ait pas fait une remarque sur le coup de main. Oui. Non, mais j'ai regardé juste le geste de poignet et je me suis dit, ça me rappelait mon adolescence. Voilà. Ton adolescence donc hein. Ouais donc t'arrêtes un petit ado toi. Ouais mais attends, je suis un homme, ok. C'était hier quoi. Et je te baisse quand tu veux. Bon. Oh, tu parles à qui? Tu parles à qui Pierre? À Emily. Ah Emily, d'accord, ok. Bon, il y a Teddy aussi sur le groupe Facebook, sur emmickel.fr ou sur facebook.com en tapant emmickel officiel. Il y a Teddy qui demandait une chanson en live. Bon, oui. Ah oui, une chanson en live. Ouais, j'aime bien aussi. Non, parce que j'ai eu très très peur. À un moment j'ai cru que la guitare était pour Pierre. Je me suis dit eh, merde. Non. Ça va encore nous faire une Pierre, catastrophe. Tu vas nous faire un petit morceau. Il joue vachement bien. Ouais. En plus, je joue que du Judge Jonathan. Mais en allemand, c'est bizarre. Mais... Ah, ça doit être sympa. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Non, bah, il joue très très bien. Bah vas-y, fais-le. J'ai une guitare de gaucher. Non, non, donc, Bah oui, non, donc non, je suis droitier. Ouais. Et encore jouer avec moi. En même temps, c'est ça la force, être droitier et arriver malgré tout à jouer. Ah oui, non, oui, d'accord, ouais. Non, ouais. Non, ça va pas. Il préfère pas. Et puis en plus, j'ai pas de vanne, donc ça va pas. Bon, bah écoute, Joy, si tu veux démarrer maintenant, tout est prêt en théorie en tout cas. Hein. Oui. Pierre, tu chantes pas à toi, hein, on est d'accord. Non, alors attends, d'accord. Faut finir. Voilà. Ouais, voilà, peut-être. On va l'aider. Et c'est marrant parce que Pierre et Mika sont. Oui, on va t'aider. Attends, comment l'attention regarde. Alors qu'Emilita, ce galère dans les escaliers, c'était des coups de pied. Moi, depuis tout à l'heure, il met des coups de coude. Bon, Joyce, Jonathan, donc tu nous fais quel titre alors du coup? Bah, je peux vous proposer en magasin aujourd'hui. En magasin. Soit mon nouveau single, je ne sais pas. Moi, je veux ça. Oui. C'est moi qui choisis. Émilie, je pense pas qu'on t'ait demandé ton avis. Bah, hein. Si. Attends, parce que Cécile se propose justement. Tu peux fermer les fenêtres parce que ça m'ennuierait que. Que la police vienne. Vienne foutre des sirènes en plein milieu du morceau, si tu veux. Donc, En plus, bon. Elle est discrète quand elle ferme les fenêtres. Ah ouais, t'as l'impression que la radio va s'effondrer. Bon, Joyce Jonathan qui fait péter le premier live de l'émission. Joyce, c'est quand tu veux. De mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde. Et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. C'est pas faux, trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde, et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Le son de Joyce Jonathan maintenant. C'est à dire que je parle déjà aussi à tous les prochains invités. Quand il y a un live, j'attends toujours que ce soit vraiment la dernière note parce que je me suis fait baiser un jour. Ouais. C'est la toute première fois où j'avais reçu Jared Leto de 30 Seconds to Mars, le groupe de rock. Et On a perdu Cécile. Ah, Cécile vient d'avoir un orgasme, c'est bien. Et donc il y avait une tanasse technique et donc j'étais en train de chipoter en dessous de la table pour que ça marche. Et à un moment il arrête de chanter, mais c'était juste un break dans sa chanson. Et moi j'applaudis. Ouais. Il arrête, il fait. C'était pas fini. Merde. Merde. Bon, enfin, ça va. Hein. Depuis, il m'a dit qu'il passerait ici, donc ça devrait bien se passer normalement. Je me dis pas ça. À tout moment, je peux me mettre le feu. Pour parce qu'elle est contente. Ouais, elle se brûle quand elle est contente. Ah ouais, d'accord. Ouais. Par contre, il m'a envoyé un message. Il a dit d'abord 5 kilos. Hein. Ouais. Bah pas de problème. Bah alors là, mais écoute, je te fais direct si tu m'envoies direct. Ouais, c'est ça. Bon, Joyce, merci à toi d'avoir chanté. Bah, et puis plaisir. Surtout, il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a César qui dit trop belle chanson. Je surkiffe sa voix, tellement magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'il y a l'autre aussi? Marie qui dit elle a une putain de belle voix. Merci d'avoir bien chanté surtout, parce que t'aurais mal chanté, tu vois. Ouais, bah déjà. Ça aurait été relou. Et Bertrand, attention, qui le fait en anglais. You have a sweet voice. Oh, thank you. Attention, le Facebook est bilingue. Il faut le préciser. Laura qui aime bien aussi. Elisabeth, pas la même que tout à l'heure, qui dit elle chante bien. Et puis Gaëlle qui aime bien également. Et puis des questions qui sont aussi arrivées par mail. Pour envoyer les mails, c'est facile. Hein, mikael@goomradio.com ou sur mikael.fr. Alors, où est-ce qu'il est le message? C'est Julien qui avait envoyé un message qui dit une petite question pour la belle Joyce. Est-ce que tu connais Julien Comblat? Et si oui, que penses-tu de lui? Alors oui, je le connais, c'est un chanteur qui fait partie de My Major Company. Voilà, ouais, qui va apparemment bientôt sortir un album. Ouais, exactement. Voilà. Et Harry... Donc je suis le producteur. toi t'es le producteur. Ah non, pas moi, non, Julien qui envoie le message. Ouais. Écoute, c'est de la grosse merde, hein, Julien. Non, c'est vachement bien. Jamais. C'est vachement ouais, bien. Il a une super voix. D'accord, mais au niveau de la production, concrètement, c'est pas terrible. Au niveau des accordages en mi bémol. Oui, bien sûr, tout à fait. Là, il y a encore un peu de travail, hein, à ce niveau-là, on est d'accord. Et voilà. Alors, il y a Fabien aussi qui dit, salut, petite question pour Joyce. Grâce à My Major Company, tu as eu par la suite beaucoup de propositions de maisons de disques, pour l'interrogation. Alors, en fait, My Major Company, c'est une maison de disques. Donc, quand on va sur ce site-là, les gens misent sur nous pour qu'on sorte un album dans cette maison de disques là, parce que c'est un label quoi. Donc on va pas sur My Major pour aller ailleurs après. D'accord. Enfin, c'est pas un MySpace quoi. Oui, c'est pas un MySpace effectivement. Tu travailles déjà sur un nouvel album ou pas encore? Bah j'y pense ouais. Bah j'ai pas arrêté de composer depuis la sortie du premier, donc après je compose pas pour un album en particulier. Je me dis pas tiens, faudrait qu'il y ait un titre pop ou un titre comme ça. J'ai juste des idées, je fais des chansons et. Et après, j'espère que ce sera pour le deuxième album, quoi. Bon, et alors avant de partir, un petit conseil à toutes celles et ceux qui voudraient devenir chanteurs. Comment un petit conseil pour y arriver, un encouragement, j'en sais rien. Bah, c'est comme sous ta douche. mais en mieux, Pierre, ouais. Non, bah, je leur dirais qu'il faut continuer et être sûr de soi. Parce que c'est très. Enfin, on entend toujours des gens qui nous découragent avec une pauvre phrase ou n'importe quoi, et il faut toujours poursuivre ses envies et surtout en parler. Parce que je sais que si j'avais pas parlé de Louis Bertignac, bah ça se serait pas fait. Et voilà, il faut dire les choses et on a tendance à tout de suite se dire ça va pas marcher, j'y pense même pas. Bah non, faut se donner les moyens et c'est en parlant au tout départ. Donc voilà, parler, bon. Rencontrer des gens et toujours y croire. Très bien. Bon, Joyce, combien d'albums on peut offrir aux auditeurs? À savoir, déjà, moi, tout à l'heure qui est passé, on a offert 1000. Ouais. 1200. Déjà, j'ai reçu. Donc, combien d'albums on peut offrir? Ah bah non, il est où le patron? Hein? Hein? Non, ça c'était avant ça, Jérôme là. Combien d'albums on peut offrir? 10? Ah non, ça me rendurait de dire que Joyce c'est deux fois moins bien que Leslie, c'est ridicule. Un petit pack de 25? Ouais, grave. 50? 900 000? On allez, peut 35. La garder? Allez, 35. Non, Jérôme il a dit oui pour le show. Non, parce qu'après moi je vais les compter. Ah ouais, et je lâche pas l'affaire, hein. Je vous le dis direct. Hein. Je sais pas combien tu veux. 30 c'est bien. 50? Allez. Non mais 50. Non, 50. Oh. Non, pas 50. Non. C'est méchant. Bon allez, OK, 30. 30. Ah. Allez, 35. Allez. Non, je chipote pas 35, ça me paraît 10, pas mal. Hein, non, mais plus parce qu'il compte les revendre. Ah oui, je l'ai mis sur eBay. Le marché de Saint-Ouen demain. Bon, merci Joyce en tout cas d'être passé et puis bah tu reviens quand tu veux hein. Bah ça marche. N'oublie pas ta guitare parce que sinon ça va être dur pour nous avec oui. Pierre. Oh, okay. Oui. Ah ouais, ça va être très très dur. Bon, on aura aussi Elisabeth encore tout à l'heure. Pourquoi elle devait revenir, j'ai oublié. Pour reparler à Nicolas Sarkozy. Ah oui, oh là là, quelle angoisse. J'ai trop bien suivi. Bon, et Nicolas Sarkozy qui m'a envoyé un texto qui se déplace à la radio hein, donc il veut pas qu'on l'appelle. Ah, le mec vient. Chez vous parce qu'il est tout petit, il va falloir qu'il passe hein. Ah bah ouais. Je te confirme. Ouais. C'est con ce que tu dis. Ouais. C'est vous, il est tout petit. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de monde en dehors des studios, donc il peut arriver. Entre les jambes. Voilà, il peut se prendre okay. Des coups de pied, tout ça. Oui, mais ça va bien se passer. violence de Mika, ouais, c'est ça. Bon, merci Joyce, à bientôt. Avec plaisir, salut. Et donc, 30 salut, albums, merci, 30 albums de Joyce, Jonathan, donc à gagner. Ça se passe sur mikael@goomradio.com ou alors sur mikael.fr. Vous venez sur le groupe Facebook avec tout le monde d'ailleurs. Vous tapez M-I-K-L officiel. On se met un peu de pub? Ouais. Et de la musique parce que je veux aller faire pipi. Après, je vais. Bah, pas de zik alors, juste pour te faire chier. Voilà. Bah, j'y vais voilà. Quand même. Hein. Bon, non, on va se mettre un petit peu de son. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant? Moi, j'aimerais bien écouter Florida. Eh bah, c'est parfait, on va se mettre Remedy, non? Ouais, c'est mieux rien que pour faire chier, Emily, ouais. Remedy, ouais. C'est allez, bien ça. Allez, ouais. C'est parti, Remedy juste après la pub, restez là. Bouge pas, on fait la pause sac à main. Fredo s'en met plein les fouilles pour acheter des croquettes en or pour chiffon. Mickaël revient juste après ça. Tous les soirs, 20h-23h, Mickaël on Just Hits. Do it on my telling a lie. It's my time and I'm ready, so I'm running now. I gotta go. Yeah, I can do it on my own. All that I sacrificed, I don't need anymore. Yeah, I can do it on my own. It don't matter what you say, say, say. Caught out acting crazy, crazy. That's all over, now it's changing, changing. I've worked it out, now it's alright, it's alright. I've worked it out. It's my life and I'm telling you, it's the end of feeling alone. It's my time and I'm ready, so I'm running out. I gotta go. Yeah, I can do it on my own. Avec Do It On My Own sur Goom Radio. Justin, toi, il est bienvenu. Première ce soir. Alors, c'est parti. J'ai fait une bêtise, j'ai renversé un verre d'eau. Oh putain. Est-ce que c'est énervant ça? J'ai peur. T'as de la chance, si Dublair, qui gère les studios, était encore dans le coin, je pense que t'es juste morte. Oh, je l'ai vu il y a 3 secondes. Ah ouais? Oh, Dublair bah, est-ce que je peux aller chercher une serviette? Oh la vache, la vache, la vache. Oh là là là là. Oh, mais... oh la vache, c'est de la flotte. Oh, il a partout dans la console, dis donc. Oh là là là là. Oh là là là là là. Oh là là. 15 000 balles en l'air. Ça peut. Oh, mais regarde, j'en renverse encore. L'émission peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Ah, ça peut péter à tout moment, les amis. C'était du coca en plus. Dû à un court-circuit. Je peux dire qui c'est qui m'aide? Hein? Non. Non. C'est Polo. C'est pas moi. Non, non, du Polo Show. Voilà, ça, c'est bien parce que sa feuille Secret Story, la sienne, elle est mouillée, la mienne, elle est déchirée. Je pense qu'on va bien s'en sortir. C'est parfait. On parlera de Secret Story tout à l'heure avec Elisabeth, entre autres. Et on aura aussi Nicolas Sarkozy, comme je vous avais dit, qui a décidé de se déplacer. Il va arriver aussi d'une minute à l'autre. Avant cela, nous avons Emily. Oui. C'est incroyable, ça va être. Je disais qu'ils sont télégénés. Oh, merde. Et elle se dit pas, je vais couper le micro, tu vois. Pour dire... Non, elle est là. Ouais, ça va, tranquille. Oui, oui, oui, oui. Elle raconte sa vie. J'ai pris encore 3 kilos, tranquille. J'ai toujours pas de mère. J'ai toujours pas de gel. Ça tourne, ça tourne là. J'ai toujours des mycoses aux pieds. Non, c'est des ampoules. Des ampoules. Oui, parce que j'ai mis des talons en boîte et j'ai voulu faire la meuf alors que je me mets tout le temps des baskets de camionneur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des ampoules qui ont la tête de cèpe. Hein. Ouais, c'est ça, les champignons. Ça va pousser, ça vous file à bouffer. On pourra lui offrir un t-shirt Scania. Ah, ça pourrait être pas mal pour un anniversaire quelconque. Pour les camions? Ah, bah oui, oui. Ah oui, j'avais pas, je sais pas. Scania, c'est de la marque. Avec, ah, oui. Avec un gros klaxon sous les aisselles. Et comme ça, dès qu'elle est humide, boum, ça klaxonne. C'est drôle, ça. Bah, c'est trop drôle. Merci Pierre pour cette vanne exceptionnelle. Bon, nous avons notre jeu. Alors attention, attention, c'est le premier. Je vous rappelle qu'il y a 200 boules à gagner. Cécilia qui est avec nous. Salut Cécilia. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça salut. Va salut. Ça va et vous? Bah ça va bien, tranquille. Cécilia, t'as quel âge, t'appelles d'où? J'appelle de Mourenx dans le 64. D'accord, ok. Bah t'as le droit, c'est pas sale hein. Ah ouais, c'est tout près de quelle autre ville? Pau. De Flakix. De Pau, ah très belle ville Pau. Ah oui, Pau, oh là là. Pau, ah j'ai jamais été mais ça doit être très très beau. C'est bon. Ce mot est... Non, mais c'est beau, c'est, ça sonne bien comme mot. Ouais, ah oui, oh là là, ça sonne très bien. Bon, donc Cécilia, tu es donc là pour jouer à notre grand nouveau jeu dont nous n'avons pas encore le nom. No Name Game, enfin comme vous voulez. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui postait le « J'ai quelque chose à te dire », c'est pas mal. Pardon. Ouais. Bonsoir, qui êtes-vous? Non, c'est pas cool. Je m'appelle Mika, du matin. Ça va. Oh, si on peut plus donner des bonnes idées, là, alors. Ouais, bah gardez pour le matin. Ça sera mieux comme ça. Et tu vois, chaque chose a sa place, tu vois. Bon, alors, Cécilia, est-ce que tu as une idée éventuellement pour un nom de jeu? Oui. Pour un an, honnêtement, non, je vois pas. Et as-tu aussi 200 euros à t'offrir? Bon, tu bah écoute, c'est mais pas si grave. On l'appelait le jeu tout simplement. Non, c'est nul. Oui, ça voilà. Après, quand on en va en mettre d'autres, on va faire quoi? Le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3. Le jeu des sous. Waouh. Oui, sauf que. Et si on l'appelait le jeu de Cécilia? Tu t'imagines qu'on a réussi à. Ouais, je suis en train. Dis bouffe, Émilie, ça se J'ai une vue comme écran, regarde. Hop, vas-y, parle. Voilà, bah c'est vachement plus calme comme ça. Tu vois, Émilie, Elisabeth, finalement, je me suis trompé tout à l'heure. Mais il y a quand même de la ressemblance. Mais c'est ma mère en fait. Ouais, bah écoute. Bon, Cécilia, tu vas donc être la première à jouer à ce grand jeu. Je vais réexpliquer les règles du jeu, donc pour ceux qui viennent de débarquer. Et puis s'il y en a qui ont des idées pour le nom, c'est pas possible que tu bouffes autant quand même. Mais je t'ai mangé tous tes bonbons. Mais j'en avais qu'un seul, moi, que j'aimais bien. Ah. Les autres, c'est là. Plus dégueulasse, donc Bah, je préfère celui-là. Donc, la règle du jeu. Cécilia, nous allons donc appeler quelqu'un, une de tes connaissances. Qui ça va être également exactement? Comment? Qui va être la personne que nous allons appeler? Papa, maman, frère, sœur? Une ancienne amie à moi. Une ancienne. D'accord, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle est vieille ou que c'était il y a longtemps? C'était il y a 3-4 ans, quoi. 3-4 ans. Et depuis, plus de nouvelles? Par texto, vitesse. D'accord, et tu vas pas trouver ça bizarre, parce que le concept du jeu c'est que tu l'appelles pour la mettre mal à l'aise et donc de lui parler d'un problème, que c'est ce soit sexuel ou autre chose. Tu penses pas qu'elle va trouver ça bizarre que tu débarques comme ça, non? Non, mais elle sait que j'ai des problèmes avec mon copain par rapport au rapport et tout ça, donc d'accord, ça, okay. Par contre, là où je m'inquiète beaucoup, c'est ce que nous avons Letty, donc qui est au standard, c'est de la longueur du numéro de téléphone. J'ai peur que soit on arrive sur d'autres planètes, je vois pas, soit ça ne marchera pas. Oh là là. Elle a dit que c'était une amie ancienne, c'était à l'époque qu'ils avaient des numéros à 36 chiffres. Ouais. Odéon 34. Et sachant que le numéro ne commence pas par 0, ça m'inquiète encore plus. On ne sait pas, peut-être que c'est un numéro à 10 chiffres, c'est en France que nous appelons. On appelle l'au-delà. Ah oui, oui, c'est en France, oui. D'accord, ok. Bon, bah alors on y va, alors c'est parti, hein, pas de problème. Hein. Comment elle s'appelle? Naïs. Naïs. Ah, c'est joli, c'est Naïs. Naïs. Sans A. C'est Naïs, donc sans A alors. D'accord. Est-ce comme Naïf avec un S? Oh, c'est l'assurance ville, bordel ou quoi? Ouais, c'est ça. Maïf. Eh bien, c'était la vanne la plus mauvaise de la soirée. Ouais, bah, c'est une pierre crête en fait. Hein. Il va falloir remonter dans le niveau au niveau de la vanne, Pierre. Oh putain, lève ta chemise, fais quelque chose. Ouais, bah, c'est après ça aussi. Attention, Midil. Cécilia, il y a 200 euros à gagner. Si on rigole, c'est mort. Ouais, ah bah s'il commence comme ça, on n'est pas arrivé. Hein. Bon, on y va. Cécilia, t'es prête? On l'appelle. On appelle Naïs. Voilà. Très bien. Et donc, c'est un nom grec, Naïs. C'est génial. Oh, on y va, on l'appelle, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Au début, on va couper nos micros hein, parce que sinon, avec leurs commentaires ridicules, on va pas s'en sortir. Faut-il que ça sonne encore? Allô? Quand je disais qu'il fallait couper le micro. Allô? Allô, Naïs? Allô? Allô? Allô? C'est qui? Marco? Quoi? C'est qui à l'appareil? C'est Janer et vous? Hein? Mickaël, je crois qu'elle s'est bourrée dans le numéro là. Eh oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Au revoir. Comment tu t'appelles? Oui, bah, très bien. Allez, au revoir. C'était vraiment un vieil ami. Il t'a oublié le mec. Ah non, mais je crois qu'elle s'est trompée de numéro là. Ah bah écoute, on va recomposer le numéro de téléphone. Alors, tu l'as ici, Letty? On va le recomposer à la main, tu fais pas chier. Bah oui. Hop là. Alors c'est 06, tu notes? non, vas-y, note-le, c'est bon. Allez, c'est parti, on rappelle pour être sûr. C'est parti, Cécilia. Sinon, nous aurons fait une très belle entrée en matière de ce jeu. Je vais confirmer. Ah, non, ce sera le jeu de merde. Ouais. Le jeu de la loose. Allez, c'est parti, on rappelle. Enfin, on appelle pour la première fois en l'occurrence. Allez, bonne chance, Cécilia. Hein. Merci. Ça va bien se passer, j'y crois. Ouais. Allô? Allô? Ouh là là. Non, mais c'est quoi ton bruit? Allô? Oui. Mais c'est qui? Bah, j'ai trompé le numéro. Encore? Mais arrête un peu non, là. Mais, c'est planté là, la standardiste. Mais c'est non, mais possible. Non, mais c'est lui. T'es sûr que t'as le bon numéro là? Ah oui. Vous cherchez qui vous? Comment? Vous cherchez qui? On cherche Naïs. Naïs? Naïs, non, pas maïs, Naïs. Le jeu en vert, s'il te plaît. On aimerait bien. On cherche Naïs. Ah, vous trompez numéro 1. Brochette. D'accord, oui, bon, enfin bon, faut pas trouver Naïs à côté bah, de toi. Bah, dis donc, alors, il est chez. Au revoir. Oui, bah au revoir. Oh ça va. Et désagréable, mais elle s'est plantée de numéro, la standard. Peut-être qu'elle a changé de numéro. Venez, bon, on alors, le rappelle, le mec. Cécilia. Cécilia. Oui. Voilà, que ça oui. Faire. Elle doit fait chier 200 balles. Dès qu'elle fait un mauvais numéro, elle doit rester pour toute la soirée. J'adore, c'est la seule fois où je téléphone, je me fais des amis. Donc ah, bah génial, dis donc, quelle vie. Cécilia, je te repasse Letty au standard et puis tu vas essayer de lui redonner les numéros de téléphone, d'accord? Ok, y'a pas de soucis. Parfait, allez hop. Elle a une très belle voix, cette jeune fille. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'était un garçon. On a pas un bon numéro de téléphone. Et j'ai envie de dire, c'est bien. Comme à son habitude avant, le premier jeu foire. Ça veut dire que ça devrait bien marcher les prochaines fois. On la rappelle là? Non, oui, une seconde. On va faire ça dans quelques instants. On pièce là, deux secondes. En attendant, parlons de Secret Story. Bah, heureusement que je suis. Bon. Alors, en même temps, tu nous as pas donné de conducteur. Bah, tu te fous de ma gueule, il a dit Emily. Non, t'as dit Emily, Cécile, c'est pas la peine. Bah, non, en même temps, vous savez pas le dire. Alors, il a marqué. Mais de toute façon, il est pas à jour. C'est il a marqué. Il voulait absolument faire un conducteur. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Je peux vous dire ce qu'il a écrit 20h et quelques, speak télé avec les deux poufs. Oui, voilà. Bah, dis donc. Attends, bah, t'es à l'aise ou pas? Je dis les deux putes. Ouais. Tu vois, Mickaël aurait été plus violent que moi. Il aurait été beaucoup plus violent que moi même. Bon, donc, on prend Elisabeth ou pas pour parler de Secret Story? On se tire une balle dans le pied là, je crois. Elisabeth ? Oui. Qu'est-ce que t'as à dire quelque chose en particulier sur Secret Story ? Bien sûr. Ah bah, maman, contrairement à Tony, tiens. Sur ça, je mange un bonbon, j'ai le temps. Hein. Oh là là. C'est une longue histoire. Ah bah dis donc. Ça a commencé le 11 juillet ou le 9 juillet. Donc ils ont rentré à 18 ou à 19. Alors, d'abord, c'est Ahmed qui a été viré. Mais putain, après, on va tout refaire depuis le début. Mais attends, Elisabeth, Elisabeth. Ah ouais, il y a Benjamin Castaldi qui a voulu. Elisabeth, t'as oublié, t'as commencé à Secret Story là, il faut commencer à Secret Story 1. Ah non. Bah non, ça Love Story de cette année. Ah, non. Attends. Elisabeth. Cette année, bon, attends. Alors. Secret Story maintenant, on va donc avec Emily, avec Cécile, sinon on va pas s'en sortir. Alors, on va commencer avec Ahmed. On reprend après, Elisabeth. Reste calme. Réfléchis à ce que tu vas dire. Bon, alors, comment ça se passe, Secret Story? Eh ben, ça se passe mal, mon petit gars. Génial. Merci, Emily. Merci. Mais il y a toujours. C'était Manon qu'on a eu tout à l'heure. Je crois qu'il détestait Amélie, qui crie toujours autant et qui se dispute toujours autant avec Senna. Avec ouais. Son ça va. Non, mais alors, moi j'ai une question déjà, excuse-moi, Mickaël. Attends, c'est à moi après. Donc, il y a Max. Je te disais, il y a Max et Stéphanie qui. L'autre, elle fait sa rebelle, là. Parce qu'elle a une écharpe pourrie, là. Qu'est-ce qu'elle a toutes les Annabelles, je suis désolé, hein. C'est une vraie question. Est-ce qu'elles parlent tous comme ça? Mais c'est non peu... Bah voilà, donc. Si. Alors, et juste pour. Non, si, il y en a une quand même, elle a le rhume depuis qu'elle est née. Écoute, juste, ça, je te suis. Peut-être que lui aussi va prendre sa mission. Ah merde, le blaze. Mais mouche-toi, Max. Essayer d'être moins collant et de faire un peu moins attention à ce que je fais et un peu profiter un peu plus. Ta gueule. Ah ouais, bah tout se fait quelque chose. C'est vrai qu'elle parle du nez. Elle a le rhume depuis 21 ans. Non, non, oui, mais c'est un accent, c'est une manière de parler. Tu l'as pas, toi? Oui, mais pourquoi? Parce que tous les Belges n'ont pas forcément un accent. Bah oui. Bah voilà. Parce que regarde les Marseillaises, on a pas d'accent, nous. Attendez, non, parce que pas. Attendez, juste un truc, parce que les Français sont quand même les premiers à se foutre de la gueule des Belges. Oui, l'accent. Mais tu vas dans le Nord, l'accent. C'est pire. Attends, non, c'est pas ça, c'est pire encore. Oui, dans le Nord aussi, mais. Parce que moi, je regardais, Nord. je regardais hier Zone Interdite. Mon Dieu, je me suis tiré une balle dans le pied hier soir sur M6. Oh, la violence. Et il y avait le Zone Interdite sur les campings. Oh, j'ai vu. Oh, magnifique. Et sur les campings, c'est dur. C'est dur parce qu'il y en a qui ont des accents. Mais à un moment, j'avais envie de me dire, mais c'est trop du cul de français, ils se permettent de critiquer l'accent. De l'autre frontière, alors qu'ils ne critiquent pas leurs propres accents. Bah si, regarde, on a fait Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, j'avais pas du tout envie de dire ça quand j'ai regardé. J'avais envie de dire, madame, il faut arrêter d'inscrire votre fille moche à ce concours de Minimis qu'elle ne gagne pas depuis 4 ans. C'était la troisième année. La petite Peuchère, elle avait des culs de bouteille à la place Peuchère. Des lunettes. Elle voulait gagner, elle nous faisait trop de la peine, elle pleurait tous les ans. Oui, bah oui, bah oui. Elle pleurait. Et c'est la mère qui arrive derrière, oui, mais on s'en fout, de toute façon, c'est un concours à la con. L'année d'après, elle va le réinscrire, tu vois. Arrête de pleurer, gamine. T'es vraiment une conne, sale conne. C'est vrai, c'était terrible, ça m'a fait de la peine. C'est parce qu'elle a vécu ça en fait. Ouais. Je voulais être Miss Camping. J'avais envie de vous en parler, voilà. Ouais. J'ai jamais réussi et je suis malheureuse. Mais tente ta chance encore. Mais on fera Miss Camping pour l'été. Ah, t-shirt, très bien. On pourra faire t-shirt mouillé. Je vais gagner. On fera Miss Goom. C'est bien ça. Ah ouais. Oh, quoi que non. Bah non, en fait non. Bah, Mr. Goom, en fait, vous êtes aussi moche. Bah non, bah là, on est que des beaux gosses à Goom. Mais regarde, évidemment. Bah, y a que des beaux gosses à Goom. Bah, qui? Je sais pas si vous avez vu la petite astérisque qu'il y avait dans sa phrase, à la fin. C'était quoi? Surtout nous? Non, elle a rien compris. La dernière fois, j'ai fait une vanne aussi avec Emilie, elle a compris le lendemain. Ouais, bah oui, bah c'est ça. Moi, j'ai pas compris aussi pour être avec ma pote. Merci, meuf. Solidarité. On parlait de Secret Story. On parlait de Sena et Amélie qui se disputent donc toujours. On avait marqué que ça sur la feuille. Amélie et Sena se disputent toujours pour rien. Saute la ligne, Max et Stéphanie, des fois, on doit pas se parler. Saute encore une ligne. Non, attends, j'ai le truc du jour parce que j'ai regardé la quotidienne tout à l'heure. Le truc du jour, c'était une énigme de la voix. Oui. Donc la voix. Mickaël l'a fait vachement bien d'ailleurs. Attends, je me concentre. Ici la voix. Oh, pas mal, putain. Ah, j'ai cru que c'était mon truc que j'avais dans le fil. Tu vas avoir une sacrée paire de couilles, toi, mon gars. Écoute, j'ai préféré tout mettre dans la voix. Écoutez l'énigme, je vous en supplie, c'est pas possible. Tous unis, formez le cocon pour que naisse dans l'air le plus beau des papillons. Oh non, on dirait une prière de c'est une caravane. Alors, tu penses que c'est quoi? Cette charade. J'ai pas compris, tu peux le remettre? Non, ils ont dû résoudre cette énigme. J'ai rien compris. Donc il dit tous unis. Bah écoutez, il le fait mieux que moi. Tous unis, formez le cocon pour que naisse dans l'air le plus beau des papillons. Oh, c'est beau. Tous unis, formez le cocon pour que naisse dans l'air le plus beau des papillons. Et là, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, papillons. Ouais, c'est quoi, je suis bilingue. Mais il faut trouver quoi? Excuse-moi. En fait, il faut trouver à qui correspond cette charade. Mais justement, c'est la charade, ce calembour. C'est un bouta de mascarade, ciel, mon Maris. Il faut deviner quoi? C'était un défi qui avait ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il leur a dit ça et tout de suite, ils ont eu l'illumination et ils se sont dit ok, donc Amélie, t'as un tatouage sur l'épaule, on va tous former un cocon et on va te porter en l'air. Et c'était ça l'énigme. Aïe aïe aïe. Oh là là là. C'était quand même très dur. Ah oui, dis donc. Mais moi j'aurais jamais compris personnellement. Mais en fait, j'aurais écouté. Tous unis, former le cocon pour que naisse dans l'air. On dirait qu'ils vont tous se faire buter, qu'il est prévient d'un truc. C'est ça, la voix, il est encore plus con que les candidats en fait, sans déconner. Oui, mais lui il est payé. Donc, je sais pas s'il est vraiment idiot dans l'affaire. Hein. Mais, et surtout que ça fait 4 ans qu'il est là, donc. Oui, ça marche plutôt bien. Et quand on connaît le salaire de Benjamin, à mon avis, la voix doit être bien payée aussi. Hein. Ouais, j'espère pour elle en tout cas. Mais... C'est tout pour Secret Story? Non, c'est pas tout, il y a Maxime et Stéphanie aussi qui ont un nouveau défi. Ils doivent plus parler et plus toucher pendant 5 jours. Donc l'autre il a bloqué sur elle, donc il sait plus quoi faire, il est au fond de son seau. Et elle est plutôt contente. Donc on l'a écouté tout à l'heure enrubé, mais on n'a pas écouté ce qu'elle disait. Peut-être que lui aussi va prendre cette mission pour un peu essayer d'être moins... Non, en fait, j'arrive pas à l'écouter, elle me dit. Maxime s'est tapé des grosses crampes pendant Secret Story. Ah ouais. Et là, c'est pour ça qu'il est très triste que Stéphanie lui parle plus. Ouais. Il est très laid aussi. C'est dur, Secret Story. Non, c'est nul. En fait, c'était on regarde parce que parce qu'elles ont rien à foutre à la radio, donc c'est bon. Ça. Mais je vis ma vie par rapport. Ouais, c'est ça. Attention, tu ne vis pas pour la radio, Emily. Hein. Bon, c'est tout pour Secret Story. C'est tout. Non, il y a aussi. C'est terminé. Non, il y a pour le moment. Oh, je la vois là. Ouais, bah c'est bien, Mika. C'est tout pour le moment. Ouais. Je le fais mal. Non, tu fais bien. Je fais vachement bien. Perdu un testicule, ça, c'est pas grave. Attends, parce que sinon, je tiens bien des imitations aussi. Hein. Benjamin Castaldi. Vas-y. Ah, vas-y. Salut, c'est Benjamin Castaldi. Ah, il est pas mal. Mais je peux le tenir aussi. Vas-y. Salut, c'est Benjamin Castaldi. Moi aussi, je le fais bien. Vas-y. Salut, c'est Benjamin Castaldi. Ah, bah c'était mieux chez nous, si je puis me permettre. Oui, moi, je le fais trop bien. Ta gueule. Non, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, c'était pas terrible. Ouais. Bon, il y a un message aussi qui est arrivé. Ah oui, pour Mika, donc qui n'est pas attendu du tout dans le Nord. Hein, donc t'as pas été recherché là-bas. On va me flinguer là. Ah oui, là il y a des gens. Il y a Dimitri qui dit dans le Nord, ils disent hé. Je t'apprendrai la prochaine fois, Mika. Bilouf. Comme c'est un mec, alors soit il aime les hommes, il aime les hommes, soit c'est pour te péter la gueule. Hein. D'accord, ok. Ou bon, j'irai à la boule. Après ça dépend. Tu es déjà allé dans le Nord? T'es pris un petit coup là? Non. Dans la gueule. Tu te calmes ou quoi là? Pas moi qui joue sur l'autoroute sur la voie de gauche qui se fait défoncer par les bagnoles, regarde ta gueule. Hein. Sans déconner. J'étais enfant, je cherchais mon ballon. Ouais, c'est ça. Je joue à la marelle sur la carte. Nous essaierons dans quelques instants de refaire le jeu que nous avons raté il y a quelques instants. On ira aussi faire un petit appel avec Pierre qui est en train de se concentrer pour l'appel, donc qui est en train de jouer comme d'habitude. Non, je regarde tous mes numéros de Cassos. j'ai plein de numéros de Cassos. Oui, parce que dans son répertoire de son téléphone portable, il n'y a que des Cassos. Hein. Ah bah ouais, j'ai déjà ma mère aussi. ma mère la pauvre. Bon allez, venez nous rejoindre. Il y a un message qui est arrivé aussi. Quel enculé Fredo, il nous avait dit qu'il nous ferait un numéro pas cher et en fait c'est un numéro super cher. Oui, je lui ai dit que c'était pas bien de sa part, mais tu lui as pas dit enculé en revanche, hein, je crois. Ah oui, de quoi tu lui as pas dit enculé en revanche, je crois. Ah si. Ah oui. Ah si, je lui ai dit que c'est un enculé de faire payer. Hein. Moi je vous aime. Je suis désolée, j'ai envie qu'il m'achète des pizzas là. C'est parti. On écoutera d'ailleurs aussi le répondeur. Vous avez laissé vos messages. Et le répondeur, c'est le même numéro que le standard. Donc pendant qu'on est à l'antenne, vous nous appelez en direct à la radio. Et quand on n'est pas à l'antenne, vous laissez un message au 08 92 16 08 08. Wow. Non, 16 18 18. Non, 06 18 16. Non, 06 18 18. Donc alors 08 92 06 18 18. C'est le numéro de Maïs. Voilà. Oui, mais j'avais demandé à Fredo qu'il le mette sur le mur. Trop cher. Ouais, bah je sais, ouais, c'était une feuille blanche. Très cher. Ouais, plus l'encre du stylo, on arrivait à un budget qui était pas prévu. Voilà, et donc mikael@goomradio.com, ça marche aussi. Et sinon, si vous voulez venir nous rejoindre sur le nouveau site et aussi sur le groupe Facebook, ça se passe sur le www.mikael.fr. Voilà. On se met un petit peu de son là, qu'est-ce qu'on va se mettre? Usher, bah écoute, Usher, alors y a pas de problème. Hein. On se fait péter le son, ça te regarde pas. Le son d'Usher maintenant sur Goom Radio Justice. Et on est là jusqu'à 23h. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby tonight. Just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight see no evil, get it baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler baby, but that you knew. And tonight is just me and you, darling. You're right. Pusher à l'instant sur Goom Radio, Just Eat, tous les soirs 20h-23h. On est là, c'est la première ce soir de l'émission avec, bah, avec tout le monde et puis avec vous aussi d'ailleurs. Hein, si vous êtes connectés, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook tout simplement. D'ailleurs, de plus en plus de monde, c'est cool. Florian, il y a Marie aussi qui est dessus. Il y a Marine, il y a Angélique, il y a Pierre qui vient de s'écraser contre la table. On a entendu. C'était très sympa. Heureusement que c'était pas Emily. C'est ce que je voulais dire. Boum. Alors Justine aussi qui est là, il y a Damien, il y a... Attends, je descends encore un petit peu sur la page. Ludovic, Jérémy, Kevin, Antoine, Maëlie et tous les autres. Donc c'est sur mikael.fr, plus de 25 000 personnes sur le groupe Facebook. Donc c'est plutôt cool. Toujours Annabelle que nous aurons dans quelques instants, mais toujours Elisabeth. Oui. Désolée Annabelle, c'est quand tu vas entendre Elisabeth, je suis vraiment confus. Elisabeth. Oui. Oui. Bon, on a Nicolas Sarkozy. Oui, qu'est-ce qu'il y a Elisabeth? Ah, Nicolas. Oui. Il est où? Oui, attends, il est là, une seconde, on va l'installer là. Attends, le temps qu'il monte Michael, sur la chaise. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a Elisabeth? Tu sais que je voulais te dire, tu sais dans Secret Story, là cette semaine, je voudrais bien que ça soit Fena qui reste et que Amélie la putoise, elle part. La putoise. Non, non, non, parce que moi j'aime bien Fena. Et attends, en plus, et je suis entièrement d'accord avec toi, Elisabeth. Justement, on a Nicolas Sarkozy qui vient d'arriver. Oui, il s'en fout. Elisabeth ? Ouais ? Il y a Nico qui vient d'arriver. Ah, il vient d'arriver ? Ah, bah oui. Bonjour, monsieur le président, comment ça va ? Bonjour, Mickaël, ça va ? Oui, bah, oui, oui, ça va plutôt ça bien. Ça faisait un bail, vous avez passé de bonnes vacances, j'espère. Oui, oui, oui, ça a été. J'ai pas eu de nouvelles pendant les vacances de votre part. J'étais au Cap Nègre avec Cécilia. C'est... Ah ouais, ouais. Elle est pas contente en ce moment parce qu'il y a un quotidien iranien qui l'a traité de pute française. Oui, alors j'ai vu ça effectivement. Et ouais. Ça c'est de la désinformation. Tout le monde sait que c'est que Carla est italienne. Oui, évidemment. Ah, forcément, c'est... Voilà. Mais par contre, vous dites rien sur la pute. Ah non, non. Ça, je laisse libre interprétation à vous, hein. Ah oui, d'accord. Okay, ouais, Benjamin bien. Biolay. Oh. Ah, c'est écoute, quelqu'un qui l'a pris. Je ne sais pas. Je l'ai croisé quand j'étais en vacances. Je l'ai croisé, Benjamin Biolay, mais il n'était pas avec. Il habite en bas de chez moi. Il était. Ah bah, génial. Je crois que tu racontes David. Ouais. Elle habite rue Saint-Placide, en 6ème. Ouais, bah, t'habites rue La Cépède dans le 5ème, au 40. Je crois qu'il ne s'est rien passé entre eux. Hein. C'est des rumeurs. Ah, c'est des rumeurs. Bon, alors. J'aurais pas pu passer les portes sinon. Nico, oui, c'est vrai. Nico! Oui. J'ai Elisabeth qui est avec nous et qui est une grande fan de vous, qui va voter d'ailleurs aux prochaines présidentielles. Hein. Ah bonjour ma chérie, ça va? Ça faisait un bail Elisabeth. Hein. Ah bonjour monsieur Sarkozy. Alors on regarde là tout à l'heure, elle est en train de l'insulter, elle est en train de lui sucer les couilles. Mais on s'est peut-être déjà eu au téléphone en plus en privé. Elle. Je sais que tu m'aimes bien Elisabeth. Hein. Bien sûr, quand je vous aime bien monsieur Sarkozy. Ouais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mito. Dites-moi. Mais pourquoi pour envoyer les Roms? Bah parce que vous êtes à Grenoble là. Ouais. Bah tous les chemins mènent à Grenoble. Mais c'est nul. Vous ne connaissez pas la géographie. Parce que d'accord, parce que ce qu'il y a, c'est que la France, elle est sur Terre. La France est sur Terre, oui. Sur Terre, oui. Enfin, pas tous les Français. La Terre. Oui. C'est-à-dire, tout le monde est sur Terre. Oui, Elisabeth. Bon, où est-ce que tu veux aller, Elisabeth? Les Roms, ils doivent retourner chez eux. S'ils retournent chez eux, de toute façon, on est déjà sur Terre. Ils sont déjà sur Terre. Nous, on est sur Terre. Tout le monde est sur Terre. La Terre, elle appartient à tout le monde. Oui. Alors, c'est un beau message de paix, d'amour et d'amitié, Elisabeth. Eh oui. Oui, un second avec Elisabeth. Je crois que c'est un grand moment. On va lui proposer de faire un single à la petite. Mais oui, elle a de l'avenir. Bon, Elisabeth, c'était beau, mais ça n'existe pas, ça. Non, mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ça. Il ne faut pas se renvoyer les Roms. Parce que. Attends, mais si jamais vous renvoyez les Roms, moi, à qui je vais insulter encore dans la rue? Parce que moi, j'aime bien insulter les Roms. Dire à la petite. J'aime bien insulter les Roms, oui. C'est pas très gentil, Elisabeth. Hein. Parce qu'après, j'ai parlé à qui comme ça? Je peux pas parler aux Français comme ça. Les Français, après, vont se dire, celle-ci, elle est pas bien. Et oui. Tout. Tandis que les Roms, moi je peux leur dire ce qu'ils veulent. Bah, c'est vrai. Des machins comme ça. Ah ouais, aux autres, non, bien sûr. Attends, il y a Marie aussi sur le groupe Facebook qui dit une soirée à l'entendre. C'est dur. Oui, bah on est de tout cœur avec toi, Marie. Hein. C'est... D'accord, mais je sais comme quoi personne m'aime. Hein. Mais moi je t'adore, Elisabeth, maman. Personne m'aime. C'est on t'aime, que... Elisabeth. Monsieur Elisabeth, la prof, t'es avec nous là. Non, hé, Pierre. Il faut parler avec parcimonie. Attends, c'est tout. Attends, monsieur Pierre est en train de se branler dans les chiottes là. Pierre, il est parti. Et il se branle. Quand à mon goûter, je dis. À ton goûter? Ben oui, parce que Pierre, il a mon goûter. Il a tout bouffé, il m'a dit. Donc ouais, non, c'est pas possible. Si. Il a pas bouffé le Kinder. Ah si, le Kinder en premier. Pierre, il a mon Kinder. Ah mais il a mangé. Non, il a pas mangé Kinder. Si, il l'a mangé. Il a mangé le chocolat du Kinder. Il est là, Pierre, ouais. Elisabeth, regarde. Ah, il est là, Pierre. Elisabeth. Pierre. Elisabeth. Ouais. Je t'aime. Moi aussi. Eh, hey, tu l'as toujours mon Kinder. Hein. Oh bah, bien sûr que je l'ai. Hein. Yeah. Et puis si tu veux que je te le mette, tu viens à la radio. Essayez d'un peu de maîtriser les propos, c'est une république. Oui, enfin bon, Pierre, merde. Ouais, mais le Kinder, c'est un gâteau, de toute façon. Mais tu sais pas quel gâteau c'est. Parce que Pierre, il a un Kinder. Ah ouais, il est super bon, le Kinder de Pierre. Ouais, c'est vrai. Il est un peu poilu quand même. Ouais, elle a déjà goûté. Il est très long, il est très long, Elisabeth. Ouais. C'est un long Kinder. C'est un Kinder qui fond de temps en temps. Bon, Non. Elisabeth, Elisabeth, oui. Elisabeth, il y a du Kinder, mais il y a aussi les Tampax. Oh. Ah ouais, le Tampax. Ah ouais. Couleur Kinder. Non. Bon, allez. Ça veut dire qu'elle s'est trompée de trou. Hein. Elisabeth. Oh, okay. Elisabeth, on va te reprendre demain. Mais attends, mais il y a Mika. Pour les infos. Oui, oui, bah il va là demain matin. Mika, moi j'aime pas les Mikado parce que c'est trop fort. Oh, Mikado, c'est dur. Oh là là. Je te confirme, c'est un Mikado. C'est trop fort, c'est trop petit. Hé, Nicolas. Oui, oui, Elisabeth, ça va. Bonjour. Toi, t'as quoi comme goûter, toi? t'as pas des. Non, moi j'ai droit à ma petite. J'ai droit à ma petite gâterie, c'est pas pareil, à 4 heures. Ça, j'ai une flûte. Pardon? T'as une flûte? Stéphanie sur le groupe Facebook, il dit faites la terre. J'ai pitié, je n'en peux plus. Et j'ai Maxime qui dit non, pas demain. Si, si, il est là à 21h pour raconter la cul. Hein, mais demain on fera. Oui, oh là là, j'ai mal de tête. Oui. Michael. Oui, bah je suis là, Elisabeth. Dis-moi. Une chanson. Une chanson. Ouais. On va gommer. Oh là là, vas-y toujours. Une chanson. C'est vrai qu'Annabelle est en train de regarder, allez, elle s'est dit ouh, laisse que je suis tombée. Ou sinon la chanson de Chiffon. Oui, bah comme tu veux, allez, vas-y, fais la meilleure. Alors, une seule, une. Donc Chiffon, alors, c'est le chien de Monsieur V. Ouais. Alors, où est passé Chiffon? Ce sacré de Chiffon. Où est passé Chiffon? Ce drôle de Chiffon. J'ai perdu Chiffon. Où t'as mis Chiffon? Où est passé Chiffon? Ce sacré phénomène. Où est passé Chiffon? Ma boule de Chiffon. On a perdu Chiffon. Il n'est pas dans le fond, ni dans la machine à laver. Comme quoi, Nico, il n'y a pas clair, on va mettre dans. Nous avons prévu tout un ensemble de nouveaux médicaments pour des citoyens. Mais ça c'est chiffon, ce sacré dossier. Ouais, bah trop long, Elisabeth. Je la connais déjà par cœur. C'est trop long. Donc là, le CSA censure normalement. Mais non, pas ici. Personne connaît. Ouais, mais elle est longue la chanson. Ah oui, bah justement. Elisabeth, écris-la, mais en plus court pour demain, d'accord? D'accord. Allez, gros bisous, Elisabeth. Je t'aime. Oui, oh là là, oui, oh là là là là là là là là là là. Je t'aime. Oui, gentil. J'ai une touche, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Elisabeth, j'ai embrassé Michael. Il se caresse, Michael. Ah, grave, oh là là. Oh, Michael, je t'aime. Bon, Elisabeth, on va pas te déranger plus longtemps. Hein. Mais non, on me dérange pas. Si, je sens qu'on te dérange un peu. T'es poli, mais je sens qu'on te dérange un peu. Allez, mais Elisabeth, non. À demain. Hein. Au revoir, à demain. Elisabeth. Oh là, le tunnel qui passe. Eh oui, le drame, on l'a perdu. Oh. Eh ouais, c'est ça la téléphonie pourrie. Hein. Ouais. On l'avait, on l'a plus. Moi je l'aime bien quand même. C'est dommage. Oui, non, les gens qui. Ah, elle est touchante. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Ouais, ça aussi. À ton aise, Emily, t'es en train de monter le son dans mon casque là. Ah, pardon, complètement dingue, quoi. Il se met à saigner des oreilles, il va pas bien du tout là. Non, mais c'est ça, quelle violence. Et c'est, mais à fond, j'ai dit. Et après, elle lâche le bouton. Tu me disais, ça change. Voilà, ça va mieux là. L'autre, elle a un problème, elle est complètement dingue. Bon, Elisabeth, que nous aurons peut-être demain. On refera le jeu aussi tout à l'heure, normalement, avec Cécilia. Nous avons en théorie le bon numéro. On aura aussi un petit appel de Pierre qui veut fêter les cocus. Ouais. Ah bah il en sait quelque chose. Non, ouais. Non, je te parle d'un truc d'ailleurs, Pierre. Ouais. Ouais. Donc c'est quoi, Pierre, tout à l'heure, c'est la journée ouais, quoi? C'est les journées internationales. Donc là j'ai appelé un cocu, mais avant je peux appeler aussi des débiles, tout ça quoi. D'accord, journée internationale. Exactement. Okay, donc si un jour ton téléphone sonne, fais gaffe. Ouais, attention, ça peut être Pierre. Bon, nous avons donc Annabelle qui est tombée chez les dingues. Ouais. Comment ça va, Annabelle? Bah très bien, et vous? Bah oui, ça va bien. Donc Annabelle qui a participé à la Nouvelle Star, donc elle est passée nous voir pour la sortie de son single Qui je suis. Oui. Annabelle en l'occurrence, hein. Oui. Comment ça va? Mais très bien, très bien. Tu peux partir si t'as peur, si t'as eu peur, tout ça, tu peux te barrer, pas de problème. Bon, les vacances se sont bien passées. J'ai posé la question à tout le monde, des fois. Très très bien. Je suis en train de faire un top pour voir chez qui je vais aller la prochaine fois. Bah, très très bien. J'étais à l'île de la Réunion, c'était super, rien à dire. J'ai fait des petits concerts, j'ai vu ma famille, et voilà. D'accord, c'est vrai super beau temps, et bon, ça fait un petit peu les boules de rentrer à Paris, mais bon. Ah oui, bah, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que tu tiens pas mal au niveau du top. On a fait Miami. Miami avec Leslie. Alors, Espagne. Jonathan, alors Espagne, je suis désolé, mais enfin bon. Bah, c'est bien l'Espagne. Par rapport à Miami et la Réunion. Bah oui, enfin bon, moi je suis allé à La Ciotat, si tu veux. Donc à un moment donné, voilà. Et nous on est resté à Sèvres. Oui. Fredo est allé à la Baule. Ah oui. Oh là là. Eh oui, pendant 3 semaines. Sur le même transat, tu n'as pas c'est bougé. Dur. Oui, oui, bah ça je te confirme. Oh, il est revenu cramé. Ouais, mais c'est ça qui est exceptionnel. Il y a une on aurait dit qu'il avait fait un lifting, s'il te plaît. Il va plus parler. On aurait dit un pour le lifting. Il s'est paré à l'émission. C'est comme un masque de Fredo, comme quand il sourit avec les stars. C'est ça, Pierre, exactement. Ouais. Bon, donc tu sors ton premier single donc, qui s'appelle Qui je suis. C'est toi qui as écrit la chanson? Ouais, tout à fait. Comment, combien de temps? Comment ça s'est passé? C'était venu comme ça? Bah, ça m'est venu comme ça en une soirée, on va dire. Waouh! En une soirée, genre, direct. Voilà, j'ai tout écrit, tout est venu. Non, mais ouais, ça m'est venu d'un coup. Enfin, ça me tenait à cœur de. Enfin, d'écrire sur. Enfin, le texte, le sujet. Ouais. Tenait à cœur. Enfin, j'avais besoin de voilà de parce que par rapport à la nouvelle star de passer un petit message. Enfin, c'était un petit peu dur. C'est de une dire thérapie. Que, voilà, c'était une thérapie. En sortant la nouvelle star, t'as besoin d'une thérapie. La nouvelle star, c'était dur pour moi. C'est obligatoire. Non mais je peux comprendre. Donc, voilà, peux j'avais comprendre. Besoin de voilà passer un message. Après voilà, je pense que on m'a entendu avec ça. Oui, bah oui. Comment c'était sur le plateau d'ailleurs? C'était dur ou pas avec le jury entre autres? Bah ouais, c'était assez dur pour moi, sachant que voilà, j'ai été jugée sur des chansons qui n'ont pas été mon registre et voilà. Genre je laquelle encore quelle chanson sur laquelle je me suis fait tuer? Sur Hot Stuff. Ah oui, bah ah ouais, Hot Stuff, c'était lâché. Tu vas nous chanter Hot Stuff ce soir, non? Pas de problème. Oui, parce que donc t'as pas apprécié les remarques des membres du jury là. Tu penses qu'ils étaient pas compétents pour te juger ou qu'ils l'ont fait à l'arrache? Il faut quand même te dire que c'est Lio qui juge. Il y en a pour moi qui sont pas crédibles dans le jury quoi. Comme Lio. Enfin après, je juge pas son parcours. Non, attends. Non mais si c'était un jury de porno, Lio encore c'est bien. Merci Mika. Mais voilà, enfin des fois il y a des critiques. Après, ok, peut-être que le jury n'est pas bon. Alors si tu nous refais 10 ou 15 secondes de Hot Stuff, nous jury, nous jugerons. Oui. Ouais. Alors. À 4, bien sûr. I need some hot stuff, baby, what's spinning. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, what's it like? God, I need some hot stuff. God, I need some love tonight. C'était nul. C'est pas fini. Ah, c'était pas fini? Bah, si, j'avais 10-15 secondes. Elle va pas faire toute la chanson, Cécile. Elle va faire le refrain, j'aime bien, moi. Voilà, bah, tu écouterais en ton iPod. Et donc, ça, excusez-moi, Lio, elle t'a bâché là-dessus, là? Bah, ouais, elle m'a dit que. Enfin, voilà. Elle est jalouse des jolies filles, Lio. Après, c'est ça. Regarde comme elle a fait avec Marine. Ouais, bah, ouais, Marine. Elle l'a pas fait avec Lio. Elle l'a fait avec moi. Non, chiant. C'est ça, enfin, bon, ils avaient leur tête de turc un petit peu. Oui. Je pense que, voilà, il y a aussi Ramon qui s'en est pris plein la figure. Attends, parce que justement dans le jury, donc c'était André Manoukian, donc Lio, Marco Prince et Philippe Manœuvre. Alors on va se faire un petit quiz vite fait. Des 4 membres du jury de la Nouvelle Star, qui était le plus sympa? Marco Prince. D'accord. Le plus con? Philippe Manœuvre. D'accord. Ou la plus conne, on va pas ça supporter. Ça joue entre Lio et Philippe Manœuvre. Il se bagarre. Le plus nul ou la plus nulle? Bon. Bah Lio. Le ou la plus moche? Lio, connasse. Enfin, Manœuvre, il est touché coulé quand même, excusez-moi. Ouais. Manœuvre, le ou la plus mal habillée? Émilie. Non, mais Lio, elle a quand même en latex. Non, je sais pas. Ouais, Lio. Ouais, ok. Le ou la plus méchante? Enfin, méchante. Philippe Manœuvre. Ok, le plus ringard? Philippe Manœuvre. Le plus beau? André Manoukian. Ah oui, qu'est-ce qu'il est beau, André. Ouais, Dédé, il est magnifique. Quand il parle avec tous ses verres. Il fait peur un peu des fois quand il s'emporte, mais ouais. Non, moi j'adore. Mais il est sexe. D'accord, ok. Et le plus drôle? Bah, Marco Prince. Marco Prince? D'accord, ok, très bien. Quand est-ce que vous allez faire, les filles, Nouvelle Star? Nous, on va faire Belle toute nue, juste après. Ça marchera. Les échos. Je pense que vous n'avez pas bien compris le concept du jeu ni le titre. Mais si, justement, belles toutes nues, c'est des gros. C'est morceaux. Des grosses qui se mettent nues et finalement elles sont belles. C'est un petit peu nous. Ouais, mais vous êtes pas grosses, mais bon. Oh. Vous êtes dégueulasse. C'est pour ça qu'on vous pèse tous les soirs là, comme un sauciflard. Oh, et t'as dit Annabelle, t'as dit en parlant de Lio, je pense que c'était elle qui avait des boules, qui avait des boules quies dans les oreilles. Il serait temps qu'elle aille nettoyer ses oreilles. Ouais, c'était passé, concrètement. Voilà, j'étais énervée, je venais de sortir. J'ai un petit peu balancé ça, mais. C'est des propos quand même très forts. Voilà, très forts, ces propos. Je sais pas, elle m'a un peu affichée, quoi. Enfin, voilà, non, tu t'es tapé la honte. Ouais, voilà, vraiment, c'est ça. Je pense que. Non, mais si, c'est ça. Voilà, elle en rajoute, quoi. C'est bon, passe à autre chose. Pas besoin de dire des trucs comme ça, quoi. C'est vrai qu'elle tout est tout le temps, tout le temps une phrase, tout le temps un truc. En même temps, elle est payée pour, tu m'iras. Mais j'ai les payés pour. Ouais, bah ouais, c'est ça. Pour non, taper, pour taper. Faire de l'audimat, je pense. Ah oui, bon, au final, mais comment ça se fait que t'as été t'inscrire là en fait? C'est juste, tu t'es dit, j'ai toutes mes chances, ou juste dans le but, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent uniquement pour passer dans le, ouais, dans le best-of là. Ouais, bah non, j'ai été comme ça, je me suis dit, bah pourquoi pas tenter, et puis je pensais même pas arriver à. Et tu t'es inscrite avec quoi? Comment ça, avec quoi? Comme chanson? No One. No, ah, Alicia Keys. Alicia Keys. De Rihanna, wow. Je plaisante. No one. Je crois qu'elle avait chanté U2. No one. No. J'ai failli. Ah, t'as failli. Je me disais bien qu'elle allait, qu'elle allait aller droit dans le mur. Bon, est-ce que donc t'as un album en préparation ou pas, Annabelle? En construction, là. En construction. En, ouais, voilà. Au studio. Voilà, je vais sortir des titres qui me ressemblent et voilà. On va essayer de sortir le meilleur. Ouais. Et alors, est-ce que tu vas faire des duos ou pas dans bah, pour l'instant dans avec Lio. Ouais, avec Lio, ouais. On s'appelle tous les jours. Bah, sinon, je propose toujours Pierre qui est là sous la caméra. Là, bon, il est là quoi. Pierre, y a pas de problème. Hein. Oh, oh, oh là, mon Dieu, je veux d'abord t'entendre chanter. Ah, okay. Ah, attends, mais il va faire de la merde alors qu'il chante trop bien. Non, chante bien, vraiment bien. Allez, vas-y, bien. Okay. Comme tu fais sous la douche. Et puis, elle m'a dit, comment tu t'appelles? Je lui ai dit, Pierre. Et puis après, j'ai sorti ma belle. J'ai l'impression d'être dans un vieux karaoké. C'est le mec qui est là, il y croit, il est là, il est à fond. En plus, ça m'énerve parce qu'il chante trop bien, il chope toutes les bandes. Il chante vraiment très bien, il joue très bien de la guitare avec son sexe. Avec son sexe en plus. Voilà, je te montre. Ouais, la guitare de Joyce. Merde, qu'on aille la rechercher directement. Cela dit, j'ai pas posé la question à Annabelle alors que je l'ai posé à Joyce et à Leslie tout à l'heure. Que ah, j'ai cru de... que c'était toi, Joyce et Mimi. L'autre, elle se prend pour une star. Donc, que penses-tu de la chemise de Pierre? Ah, moi j'aime bien. En vrai. Hein. Ah, non, mais en vrai, j'aime beaucoup. Ah, ouais, 2 sur 3 quand même, Pierre. Ouais. Hein, t'as ouais, des chances. Ouais, quand c'est même. C'est ce qu'il y a de sous qui fait flipper, ouais, quoi. Mais j'ai fait mouche. Ouais. Ah bah là aussi mec. J'adore ces expressions. C'est génial. Ce mec il a un physique d'un mec de 25 ans mais t'en as 45 en fait. Ouais. C'est des expressions. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure là pour la balance? La bascule. La bascule. Le boulier. Il y a Malvina sur le groupe Facebook qui dit tais-toi Pierre. Oui. Ah bah voilà. Je pense que tout est dit hein. Oh, oui. Bah oui. Et Alexandra qui dit une vidéo où il joue de la guitare avec son sexe, avec un smiley. Et je pense qu'il faudrait un moment ou un autre le faire. Quelqu'un hein. a une guitare? Mais je pense que oui, il faut ramener une guitare dans la semaine, tu veux nous faire ça? Surtout qu'il est gros ton médiator. Bref, on n'est pas à l'abri que ça l'excite. Hein. Déjà tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait, vous êtes sûr que c'est de l'eau qu'elle a renversée? Tout à l'heure, elle a fermé la fenêtre, elle avait un orgasme, ça se trouve, c'est peut-être pas de l'eau. Non, c'est parce que tu parlais de... Jared Leto. Ne confonds pas les choses. Oui, c'est vrai, effectivement. Ben voilà, comme déjà, ça, toi qui Jared Leto, message. J'ai fait glisser de ma chaise, donc... C'est Jared Leto, quoi. Oh là là. Ouais. Eh ben, dis donc. Ah. Bah, eh ben le jour où il va venir, vous viendrez pas. Vous serez derrière la vitre. Tête des animaux. Il vous plaît. Ouais, bah t'inquiète pas, le jour où il va venir, il y aura du monde derrière la vitre, à mon avis. Oh là là. Hein. Je pense que ça va me faire mal. Ah, ça doit être ça, ouais. Bon, et si t'avais le choix, donc au niveau des duos, tu prendrais qui pour en faire un? C'est quoi ton kiff pour faire un duo? Hormis Pierre, évidemment, maintenant qu'il t'a prouvé toutes les choses. Non, je sais pas, faut que j'aime ce que fait la personne, déjà. Et oui, un mec aujourd'hui, peut-être déjà un chanteur ou une chanteuse, avec qui tu dis, même si c'est impossible, hein, avec qui tu kifferais le faire? Bah, Ben l'oncle Seu, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Après, je pense pas que ça soit possible, mais. C'est vachement bien du riz, je l'assume. J'aime beaucoup. Genre, pourquoi j'aime pas beaucoup. Oh. D'accord, non, mais pourquoi pas? Non, je parlais à Mika qui a dit, il fait vachement bien du riz, je répète sa vanne. Attends, on fait de la radio, donc si tu pouvais parler sans mettre ton doigt dans la bouche. Il a dit Ben l'oncle Sable, ah, bah voilà. Il fait vachement bien du riz. J'avais ça là, je suis désolé. S'il vous plaît, elle était bonne. Ouais, mais le pire, est-ce celui qui l'a fait ou celui qui la relève? Merci. Celui qui la relève, mais j'ai fait exprès. C'est ça. Ah, d'ailleurs, Mickaël a dit Ben. Et Pierre, bien sûr, toujours avec la dernière touche qui ne sert à rien. Hein. Bon, d'autres projets, Annabelle, dans les prochaines semaines, prochains mois, autre que l'album. Bah non, pour l'instant, je pense que ça me prend déjà beaucoup de temps. Ah oui, non, mais après, tu pourrais faire, tu pourrais avoir après, envie de faire autre chose. Je sais pas, ouais, pourquoi pas. Le cinéma, ça t'intéresserait. Bah ouais, ça m'intéresse. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, j'ai peut-être des petits talents de comédienne. Marc Dorcel cherche des gens. Je rigole. Tu es trop belle pour ça. Par contre, Émilie a toutes ses chances parce qu'on voit pas la tête. Ouais. Elle vanne, mais. Il y a personne qui rebondit, donc je m'ennuie. Ouais. Je vais peut-être partir. Ça doit être ça. Ouais. Bah, rentre chez toi, va préparer le matin déjà. Ouais, casse-toi. Ouais, ce sera un bon plan ça. Bon, Annabelle, merci à toi en tout cas d'être. D'être passé, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, bah écoute, la prochaine fois, n'hésite pas à venir avec Lio. Hein. Bah ouais. Oh, ce serait tellement bien. Grave, mais t'as bien fringué ou habillé. Enfin, voilà. Ouais, pas toute nue. Ouais, enfin, des deux quoi. Merci Annabelle. De rien. Et gros bisous à toi. Merci Annabelle. Et bonne chance pour la suite. Tiens, il y a un message qui t'est arrivé de. Attends, c'est Émilie, non, faut faire Miss France 2011. Émilie et Cécile, vous gagnerez largement. Vous, tu t'emballes là. Oh, un aveugle. On salue d'ailleurs toute la Ligue Braille qui nous écoute. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut les saluer à un moment, c'est normal. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se mette tout à l'heure un petit son de la cave, un petit son US. Je sais pas si ce sera un son, un vieux son ou un nouveau, c'est on quoi, verra bien. Tu sais ce que c'est ou pas ? Je sais pas, je me tâte. Je sais pas. Ah, pas tu trop, le fais vraiment, tu es en train de le faire. Bien sûr, exactement, ouais. Bon, il y a un message aussi de Mohamed qui dit Cécile, trop forte, encore des vannes. Oh, Momo. Trois points d'espérance. C'est son cousin. Merci, donc. Mon frère. Ah, Momo. Non, ouais, c'est Momo, ça, ouais. Qui m'écoute très souvent le matin. Voilà, je fais ma pub. Ah, voilà, grosse matinale. Tu es toute seule en fait le matin. Non, qui écoute que mes vannes. Après, il baisse le son. Bon, allez, on va se mettre tout à l'heure aussi l'appel de Pierre. Ah oui. Pour la journée mondiale. Non, c'est quoi, c'est, j'ai oublié. La journée internationale des cocus. La journée internationale des cocus, ouais, c'est ça. Donc, on va les appeler tout à l'heure. Et puis, Cécilia, qu'on va récupérer. Normalement, on a le bon numéro. Vous avez vu la rapidité ici. On a quand même mis 45 000 pour trouver le bon numéro. C'était hier, en fait. Non, hier, on n'était pas là. Tu peux même pas faire la vanne. On Cécilia. Attends, j'avais trop mal. Cécilia. Oui. Nous allons faire le jeu sans nom. 200 euros à gagner. Ouais. Nous avons, en théorie, le bon numéro. C'est là qu'on va tomber sur le même mec que tout à l'heure. C'est ça. Allô, Maïs. Non, c'est juste un peu de deux chiffres. Ah, oui, c'est con, ouais, deux chiffres. Ouais. Bon, on l'appelle dans quelques instants, c'est Naïs, ta copine, c'est ça, hein? Ouais. Bon, on lui fait croire. D'ailleurs, tu veux lui faire croire quoi? Eh ben, en fait, je vais lui faire croire qu'en fait, que j'ai eu un rapport avec mon copain. Ouais. Et qu'en fait, j'avais, au bout d'un moment, deux jours après, j'avais des démangeaisons au niveau du vagin. D'accord. Donc, j'ai été voir mon gynéco, et mon gynéco m'a annoncé que, en fait, j'avais des verrues. Oh! Oh la dégueulasserie, d'accord. Eh ben écoute, très bien. Je suis sûr que c'est vrai en plus. Peut-être, ouais. On fera ça dans quelques instants, d'accord? Ok. Bon, bouge pas de là, Cécilia. Si d'ailleurs vous voulez vous inscrire aussi à ce jeu pour demain, par exemple, voire peut-être même pour ce soir, des fois qu'il rate. Ouais, des fois qu'on appelle encore Gérard. Emickel@goomradio.com. Vous venez également sur emickel.fr pour discuter avec tout le monde sur le groupe Facebook, ou alors vous appelez directement le standard. Il y a Letty qui décroche au 08 92 06 18 18. Quel talent. Sans me tromper, c'est pas mal. Et dans un instant, on va se mettre quoi alors? Qu'est-ce qu'on va se mettre? Florida. Regarde. Florida. Bah non, c'est qui voulait l'écouter tout à l'heure? C'est moi, Emily. C'est moi. Non, on n'a pas autre chose. Allez, s'il te plaît. Il y a Swedish House Mafia. Ah oui, Swedish House Mafia. Allez, vas-y. Florida alors, juste après la fin. Oh là, c'est dégueulasse. Est-ce qu'on peut faire dire le titre à Cécile? Bon, allez, vas-y, ouais. C'est quoi? Club Can't Handle Me. Club Can't Get Me. Yeah, on the goom, where are you? C'est toi qui vas faire les traductions quand on recevra mais des. Bien sûr, je suis bilingue, trilingue, je parle même latin. Et tiens. Waouh, eh ben on est pareil. Homo no. Attends, je t'en fais une. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Bouge pas, on fait la pause sac à main. Fredo s'en met plein les fouilles pour les caprices de la présidente. Goom. Mickaël revient juste après ça. Mickaël est sur Goom Radio. Right now. up, arrogant like, yeah. Top like money's on a girl's just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause this the business. All out is so ridiculous. Zone out so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. No, I know how to make them stop and stare as I zone out. They tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a big all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it. Come get it, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. No, I know sur Goom Radio avec Cécile, le titre attends. Club. Non, parce que j'avais un bonbon dans la bouche. Eh oui, oui. Ouais, une fois que c'est un bonbon. C'est écrit où? Club Can't End of Me. En neuf. Club Can't End of Me. Elle rajoute des mots, c'est pas mal aussi. Attends, j'ai un accent de fou. Ouais. Je me suis rendu compte que ton micro va plus fort que le mien. Demain, on va échanger. Pourquoi? Parce que tu vois, quand je parle, ma voix est plus basse que la tienne. Non, je crie. D'ailleurs, Fredo m'appelle la poissonnière. Toi aussi, c'est d'accord. Parce que je viens de Marseille et que j'ai travaillé un peu à la criée. Et la laine aussi. Ah, ok. Il y a peut-être un peu de la laine aussi, ouais. Bon, tout à l'heure, on a un truc intéressant. Ah, oui. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont. D'ailleurs, ça fait un peu partie du jeu. Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Poser des questions à leurs parents, à leurs médecins, à leurs frères, à leurs sœurs. Donc du coup, ils vont sur des forums, ah oui, afin de dire voilà, j'ai des problèmes là-dessus, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, est-ce que je suis normal, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et c'est toujours assez drôle de tomber sur des messages comme ça. D'ailleurs, nous en lirons quelques-uns tout à l'heure. Ce sera avant 23h. Avant ça, nous allons récupérer Cécilia. Cécilia, oui. Sache que c'est la dernière fois que nous le prenons à l'antenne. Ah. Sache donc que c'est la dernière fois que tu risques de choper les 200 euros cash. Déjà les 200, tu les as perdus dans le forfait. Hein. Oh, bah, remboursé là. On la rappelle. On t'a rappelé là, rassure-moi. Ah oui, c'est qui paye là, c'est pas moi. Ah bon, bien. Voilà, bah, alors on va te garder jusqu'à 23h. Ouais. Bon, alors, Cécilia, nous allons donc faire le nouveau jeu qui n'a pas encore de nom. Ouais. Mais on est au taquet pour essayer d'en trouver. Fredo à boule de flouze, on m'a proposé ça. C'est pas mal, non? Ouais, mais le problème c'est que ça n'a rien à voir avec le jeu et que les 200 euros, tu t'imagines pas qu'il va les lâcher tous les soirs pendant un an. Ah, oh bah que dalle. Ah ouais, alors là, c'est juste pour faire bon genre, là. Tu vois, pendant une semaine, il fait style et puis après. Ouais, après 200 euros, c'est pas non plus. C'est pas l'alu. Ouais, c'est pas gagné. Mais c'est bien quand même. Attends, moi je les veux bien, 200 euros. Et moi aussi je les veux bien. Non, mais ça part d'un bon sentiment, sauf que ça va pas durer. On le connaît, non mais oui. Après, faire des compiles dance floor. Non mais il a viré un mec pour ça. Pour 200 euros ? Non, pour filer 200 euros pour une semaine. Ah ouais. Et un haut placé, 5 fois 200 ça fait 1000. Faut faire attention. Bon, Cécilia, on va y aller, on appelle. Le concept est donc de de mettre ta copine ou ton copain ou tes parents, en l'occurrence ta copine ce soir, le plus mal à l'aise possible. D'accord ? Ok. Et si on rigole, 200 euros. D'accord. Si personne rigole, on se partage à 200 euros. Oh oui. Ouais, canon. Je vais me pincer pour pas rire alors. On va faire ça toute la semaine. Je vais penser à la mort moi. Allez, on y va. Oh là là là. Oui, continue à fumer, tu vas y penser, tu vas être dedans même. Cécilia. Mais oh. Oui. On y va ? Oui, c'est parti. Allez, bonne chance. Merci. Ça va bien se passer. Voilà, ça passe mal puisque personne ne s'est intéressé. Bon, t'as perdu. Allez, ciao. Allô. Allô. Allô, Naïs. Oui. C'est Cécilia, ça va? Ah oui, et toi? Ça va, ça va. Bon, en fait, tu sais, je t'ai parlé de Cyril. Oui, comme petit copain. Ouais. En fait, je t'appelle parce que j'ai eu un rapport avec Cyril. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des démangeaisons au niveau du vagin, en fait. Et j'étais voir mon gynéco, et en fait, il m'a annoncé que j'avais attrapé des verrues. Des verrues. Tu sais, les petites boules. Dans le vagin? Ouais. T'en as pas parlé à ta mère ou quoi? Mais le truc, c'est que je sais pas comment lui dire, en fait. Parce qu'elle est pas au courant que j'ai été voir le gynéco ni rien. C'est pour ça que je t'en parle à toi. Enfin, tu sais que ça me gêne de parler de choses comme ça. Hein. Ah bon? Ça me... Tu vois, tu sais comment je suis. Hein. J'ai pas l'habitude de parler de choses comme ça. Quoi. Je m'y connais pas trop. C'est... Mais parce qu'en fait, voilà, je savais pas à qui en parler. T'as besoin, je suis là, c'est sûr, mais bon, après, moi, je vais pas te le cacher, mais j'aurais préféré que tu t'en parles à quelqu'un d'autre. Hein. Je sais pas quoi faire pour t'aider, je sais pas, c'est grave, c'est... Comment ? C'est grave, c'est... Ben, mon gynéco, il a fait des prélèvements, et il les a envoyés au labo, et je vais recevoir les analyses, mais moi, ça me fait flipper, quoi. Parce que quand il m'a annoncé ça, je me suis dit, merde, Cyril, il n'est pas propre du tout. Bah oui, c'est l'inconvénient, c'est... Vous n'êtes pas protégé ou quoi? Comment? Vous n'êtes pas protégé? Non. Ah ouais, donc je sais pas... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire, surtout. Mais tu sais pas... Je sais pas, voilà, moi j'avais besoin d'en parler, c'est pour ça que je t'ai appelé, quoi. Parce que je sais que tu m'écoutes et que... Oui, ça c'est sûr, je t'écoute, mais bon, je sais pas du tout quoi faire, hein. Franchement. Je sais pas quoi te dire, je peux pas te conseiller. Ouais. Je savais pas qui en parlait, c'est pour ça, direct, j'ai pensé à toi et... Il y a un message qui dit « Waouh ! Elle a fait l'école du cirque. » Franchement, je sais pas quoi te dire. Ouais. Allô ? Oui. Oui, mais franchement... Ouais, franchement... Naïs ? Oui ? Ça va ? Mais c'est... Hein ? C'est qui ? C'est Mickaël. C'est Mickaël dans ton mobile. Ça fait 2 heures qu'il a noté celle-là. C'était drôle, tu vois. Bon, Cécilia. Oui. Tu l'aurais pas prévenu à l'avance par hasard? Ah non, je te jure que je l'ai pas prévenu à l'avance. Regarde, belle la vie. Il y a un message qui dit waouh, elle a fait l'école du cirque. Non, parce que c'était bizarre, tu vois. Le concept c'était de mettre la personne mal à l'aise. Je suis vraiment gêné. Je sais pas quoi te répondre. Ah non. Tu sais, j'aurais préféré que tu appelles quelqu'un d'autre. Moi, le sexe, ça me met mal à l'aise. Voilà. Dis donc, tu m'appellerais pas pour un problème de verrue des fois? Petite boule. Oh, je suis déçu que ce soit l'Actor Studio le premier soir. Vous auriez pu faire un effort quand même. Ah non, mais en plus, tu t'appelais Maïs et tout. On avait fondé des espoirs sur toi. Naïs. Naïs. Bon, hey, tu l'avoues, je te file 100 euros. Comment? tu avoues que c'était bidonné et je te file 100 euros pour. Non, mais je vais pas t'avouer un truc non, que j'ai pas fait, Mickaël. Mais t'es con, avoue. Moi, je prendrais 100 balles à ta rien, place, hein. Prends 100 balles et sors vite. Naïs. Oui. Si tu avoues, toi, tu as 100 euros, toi, mais sans partager. J'avoue quoi? Bah alors c'est grave si tu mens pas. Ah ouais, alors là c'est quand dur, même hein. Une personne qui a des émotions très peu palpables. Je suis choquée. Bon alors ce qu'on va faire. Naïs, t'étais en direct à la radio sur Goom Radio. On va demander l'avis de ceux qui sont connectés, tiens, pour voir ce qu'ils en pensent et puis nous ferons un petit résumé. Non, best of des réponses. Il y a Jay qui dit le mal à l'aise game. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non. Alex, il dit aussi que des mythos chez Mickaël. Bah oui, bah on a que ça, on a fait le premier jeu, Alex. Laurence qui dit c'est moyen comme jeu. Oui, j'avoue que sur le coup, ça n'était pas terrible. Mais après, il y a moyen d'avoir mieux. Vous verrez quand il y en a un qui sera vraiment drôle. Ça va venir. Et alors, Tania qui est tout en. Finesse. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Salope à vous. Voilà. Alors, il y a quoi aussi? Je sais qui dit fallait s'en douter. Qui a dit mytho sur l'air de René La Taupe que je le bute? C'était c'est Marie moi. Qui avait envoyé le message. Mytho. Ben voilà, c'est ça, tu ressembles à René La Taupe. C'est ça. Bon, donc du coup, Fredo qui est rentré dans la brèche. Oui, non, effectivement, c'est du faux. Je ne lâche pas les 200 euros. Blablabla. On aurait eu Brad Pitt au téléphone qui les aurait pas lâchés. Ouais, c'est ça, c'est non, ça. Non, mais comme c'est la première, lâche-lui 5 balles. Ouais. Non, écoute, comme c'est la première et que ça va emmerder Fredo, je vais lui filer parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve que c'était du faux malgré tout. Mais, alors la prochaine fois, ça me dérange pas que ce soit tout préparé. J'ai rien à foutre tant que c'est drôle. Oui. Mais soyez drôle. Ouais, ce que je veux dire. C'était rigolo vers la fin. Ah bon? Bah, je sais pas, moi ça m'a fait rire. Eh, hey, t'es dans le monde des bisounours aussi, toi. Oh, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, non, tout le monde dit il est bon. Ah d'accord. C'est pas vrai, Mickaël, tu es très beau. Très bien. Mais tu es très beau depuis tout à l'heure, je te regarde et. Ouais, t'as pas le choix, t'es en face. Ouais, mais t'es beau, je pourrais regarder Nico, notre Réa. Ouais. Ah, mais lui, il est vraiment laid par contre. Quelle violence, encore une fois. Bon, Cécilia. Oui. On ne peut pas dire que tu nous aies surbien vendu le premier jeu. Oui. Mais c'est pas grave. Ouais. Parce que nous ferons mieux demain. Là, je m'avance quand même. Hein. Ah, c'est pas difficile. Hein. Et on rappellera une autre de tes copines. Je suis en train de vendre dans ce là. Naïs, bon, je te fais des bisous et puis bah dorénavant goomradio.com pour nous écouter, hein. Et puis prends quelque chose. Okay. Hein. Ouais, prends de la drogue à un moment. Hein. Non, je plaisante, mais prends un truc, de la vitamine, quoi. Tu vois, Red Bull, tout ça. Du guronzan, c'est bien. Ouais, ou du guronzan aussi, mais l'effet, le problème, c'est que l'effet, ça monte vite, mais ça redescend très vite aussi. Hein. Elle va te raccrocher au nez. Je suis énervée. Non. Ah bon, d'accord. Alors elle va raccrocher et puis elle va dire je suis énervée, sale con. Mais on en a rien attendu, c'est dommage. Bon, Cécilia, on va te repasser avec Anaïs d'ailleurs chez Letty au standard, d'accord? Ok, merci. Allez, gros bisous. Salut Mytho. À bientôt. Salut Mytho. Ciao Mytho. Bye bye. Allez, ciao. Et il y a Malory aussi qui dit Cécile, ça ne sert à rien de brosser Mike. Enfin, Mickaël en l'occurrence. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, mais j'aimerais bien qu'il me brosse lui. Hein. C'est pas gagné. Je fais trop attention physique pour ça. C'est. Oh, ah ouais, attends, tu m'as fait chier tout à l'heure là. Tu l'as pris en pleine gueule celle-là. Voilà, point. Mais qui châtie bien, aime bien. Non, ça aime bien. Ça, qui aime bien, châtie bien. Dans le bon sens. Est-ce que ça rentre en finir en sodomie cette histoire? Toujours une histoire de caca dans son truc. Toujours, hein, c'est dégueulasse. Ah bah toujours avec Pierre, oui. Caca. Bon, en attendant, je propose que nous fassions l'appel et que nous fêtons cette journée mondiale donc des cocus. Merci. Exactement. Des cocus. Mika, t'as, merci. T'as une meuf, Mika? On peut parler de ça après ou? Non, mais beaucoup, c'est pour être cocu, il faut beaucoup avoir une meuf. Non, c'est compliqué. Elle m'écoute, mais je l'aime beaucoup, hein. Mais t'en as plus. Mais je voulais dire, enlève-toi dans le couple sur Facebook maintenant parce que. Ouais, c'est ouais, fini. J'ai mauvaise nouvelle. Je t'appelle après l'émission. Ouais. C'est pire que le texto. C'est le mec, il est à la radio. Il dit bon, toi tu vas dégager. Hein, non, même pas. Il apprend un sincère auditeur. Ouais, donc en fait, tu vas faire croire à ta copine que. Bon, Pierre. Ouais, journée internationale des cocus. Ouais. Et là, je suis tombé en fait. Et ben voilà, sur une bonne famille de cocus. Bon, bah écoute, je te propose qu'on appelle. Fais le numéro, bordel. Je te rappelle que notre standard ne fait pas de numéro. On est plus dans les années 80, Pierre. Même si ta chemise prouve le contraire. On est plus dans les années 80. Même si tu parles de boulier ou de balance. Et toutes les meufs ont un petit peu salivé quand même. J'ai vu que sur le coin de leurs lèvres un peu. Non, moi c'est parce que j'ai trop mal avalé mon avec de l'envie. Non, c'est la baffe, c'est juste parce qu'elles ont craché dessus en fait, hein, qu'il en reste un petit peu. C'est tout. C'est possible aussi, mais j'ai loupé un épisode. Alors. Ouais, ça doit être ça. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle Pierre donc pour la. Enfin, on appelle pas Pierre, mais Pierre appelle pour la Journée mondiale des cocus. Mickaël. Allô. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est à quel sujet? C'est à quel sujet? Je voudrais parler à Claude. Claude? Oui, Claude. Oui, ben c'est mon père, pourquoi? Ah, c'est votre père? Oui. Ah d'accord, donc en fait c'est votre père le cocu. Parce que t'as un problème toi ou quoi? Bah non, mais il est cocu, c'est la journée internationale des cocus. C'est? La journée internationale des cocus. Ah ouais, donc tu connais bien Claude, si je comprends bien. Bah disons que oui, un petit peu, comme vous hein. Si t'as un souci, tu viens, et on va s'arranger tous les deux. Eh bah je vais venir, parce que tu m'as pas l'air d'avoir des fortes burnes. Ah bon? Ah ouais, c'est mou tout ça hein. Mon pauvre garçon. Mmh. Est-ce que ton père il a des cornes pour mettre des chapeaux comme des porte-manteaux? Oui, bon arrête de jouer. Comme il est cocu. Te pointe pas sur Percy, hein. C'est moi qui Et c'est quoi cette menace là? Pardon? Baisse les yeux maintenant. Je vais pas baisser les yeux. Baisse les yeux, dépêche-toi. Et dépêche-toi. De toute façon, si t'as le décor. Dépêche-toi, baisse les yeux. Connard. Je vais m'énerver là, baisse les yeux. Oui, bah, viens donc, viens. Baisse donc, les yeux, regarde ta peur. Viens regarde, donc. Regarde comme je m'énerve là, baisse les yeux. Oui, oui. Baisse les yeux, je te dis. Bien sûr, bien sûr. Viens, baisse les yeux. Et je fais du karaté. Tu fais du karaté? C'est parce que c'est ça qui va me faire peur, mon pauvre. Bien sûr. Baisse tes yeux, ordure. Pardon? Baisse tes yeux, ordure. Ouais, tu prends ton plaisir au téléphone, toi, ou quoi? Baisse tes yeux, ordure. Va te faire enculer. Famille de cocu. Allô? Eh, baisse tes yeux, ordure. Pardon? Espèce de cocu, famille de cocu, va. Famille de cocu? Famille de cocu, roi pauvre des cocu. Rigolo. Et dans la famille des cocus, je demande le père. Oh, pardon, ouais. Le fils aussi. Eh, un conseil va te faire soigner. Dans la famille des cocus? Ouais. Ah, qui c'est qui a encore baisé la mère? Ouais, pauvre rigolo. Et dans la famille des cocus, je demande le fils qui a une grande gueule, mais je lui fais des chatouilles et il rigole. Ouais, ben t'as vraiment la chance que je sois pas en face de toi, mon pauvre. Dans la famille des cocus, je demande le fils. Hein, pardon, le fils? Le fils? Oui, le fils. Hein? Et baisse tes yeux quand je te parle. Ouais. Baisse tes yeux. Bah, je te jure, je vais te faire mal. T'as de la chance que je te connais pas, en tout cas. Mais on se connaît avec ta tête d'abruti en douille. Ah ouais? T'as une tête de boudin blanc. D'accord, je m'appelle comment dans ces gars-là? De quoi, comment tu t'appelles? Oui, vas-y. On t'appelle pas, on dit le blaireau. Le blaireau, ouais. Tu sais ce qu'il te dit, le blaireau? Hein, blaireau? Cocu, là. Allez, va te faire enculer. Eh pardon, par contre, tu sais. Ah bah voilà le père. T'es cocu. T'es seul après. Cocu. Non, mais cocu, ma femme, tu vas voir, c'est même pas vrai, t'es même pas venu. Alors tu fermes ta grande gueule, des connards comme toi, on les tue sur place. Mickaël, 20h23. Avec l'appel de Pierre, donc à l'instant. Et attention, il nous a quand même encore sorti une belle. Après, alors la balance, c'était quoi? La bascule. La bascule, oui. Ouais. Il y avait eu quoi d'autre encore? Andouille. Oh oui, non, ça c'était maintenant, ça justement, mais il y avait quoi d'autre? Godasse. Non, c'était pas ça, non. J'ai fait mouche. J'ai fait mouche. Effectivement, il y a eu andouille maintenant. Andouille, tête d'andouille. Eh oui, tête d'andouille. Boudin blanc. C'était pas mal. Donc, demain, on fait un autre appel pour une journée mondiale ou t'as autre chose? Bah, j'aime bien les ordures en fait aussi. Les ordures? Bon, bah, si tu veux. Hein. Bon, si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas. Il y a Paul qui dit les connards comme toi, on les tue sur place. Le mec, il est un peu dingue quand même. Hein. Mais c'est bien, il l'a fait en direct à la radio. Donc, si jamais. Mais il y a un connard qui est mort. Oui, bah oui. On saura chez qui aller, il n'y a pas de problème. Bon, et Justine qui dit c'est même pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, Justine? Naïs. Elle est toujours restée sur le jeu. C'est l'actrice de pas. Plus belle ah la oui, vie. Ah oui, de tout à l'heure. Alors, d'accord, ok. Ouais. Bon, en tout cas, ça a frappé les gens. Hein. Des connards comme ça, on les tue sur place. Ils ont peut-être limite peur. Hein. Et Chloé qui dit juste énorme, t'as une tête de boudin blanc. Qui c'est qui a dit ça? Bah, Pierre. C'est lui. T'as une tête de boudin blanc, il lui a dit. Alors, la tête d'andouille, la tête de boudin blanc. Mais je voulais rajouter à la morille, puis je me suis dit que c'est un peu long, quoi. Parce que le mec, il va griller que c'est faux, quoi. T'as une tête de boudin blanc à la morille, sur un lit d'épinards. Ah ouais, épinards. Et aussi testicules. Ça fait rire les gens. En tout cas, ça me fait rire. Testicules, couilles, testicules. Ok, il est content, il a fait. Ah bah voilà, il est à la colle. J'en ai marre. Bon, on se met un petit peu de son maintenant avec Wan et Pharrell. Maintenant, c'est le titre. Ok, Swedish House Mafia. Non, c'est le contraire, c'est Swedish House Mafia et Pharrell. Tu t'appelles Cécile? Ben elle aimerait bien, tu vois, parce que quand tu regardes. Bon, alors. Swedish House of Mafia. Mais pourquoi tu mets off à tout? Oui, en fait, bah, j'aime rajoute. Bien, et alors off, ça veut dire deux en anglais. Oh là là. Ouais, sauf que ça n'a rien à foutre en plein milieu. Bah alors ça fait Swedish va aussi. Dans la maison de la mafia. Ah bon? Alors maintenant elle traduit les titres, je lui ai rien demandé. Bah surtout que Swedish House Mafia, ça veut pas dire ça. C'est le groupe en plus. Bah oui. Enfin, moi je la ferme, mais. Bon, allez, c'est bon, on peut l'écouter. Oui, bon, on va l'écouter, ouais. Bah tu oses le répéter? Ah bah on l'écoute pas, tiens. Bon, bah écoute. Ouais. En revanche, j'ai une question. On a commandé des sushis, mais au Japon. Parce que ça fait 3h30 qu'on les attend. Grave, j'ai la dalle, pas vraiment. Ouais, bah oui. Tu pourrais te bouffer un bras. Mais pourquoi t'as commandé ces trucs dégueulasses? Parce que c'est trop bon. J'adore les sushis et les anglais, contrairement à toi. Qu'est-ce que tu manges? Tomate mozza. Mais c'est pas possible, oui, mais avec le ventre que t'as. C'est drôle, ça. C'est le coca, ça. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu manges à part des tomates mozza? Mais il appelle tout tomate mozza. Tomate mozza. La choucroute, les Big Mac. Quelle bonne tomate mozza. Comment tu dis? Tomate mozza avec des saucisses, s'il vous plaît. Comment tu dis mozza? Parce que moi, je dis mozza. Ouais, mais tu parles mal. Bon, allez, on va s'écouter le son. On va revenir juste après. Et puis, bon, on aura aussi les petits problèmes qu'il y a sur pas mal de forums. J'en ai un beau là. C'est quoi? Merci. Bah, vous verrez dans un instant. Mais c'est vrai, je rêve ça. Bon, et puis venez discuter avec nous sur le groupe Facebook. N'hésitez pas. Mikael.fr. On salue Apolline qui est dessus. Il y a Farah. Il y a Jordan également. Il y a Laurence. Il y a Corentin. Il y a Teddy. Il y a Sonia. Il y a Mylène. Et profitez bien encore une petite demi-heure. Et puis, on va les mettre au lit pour demain. Hein. Parce que sinon ils vont pas se lever. Ah ouais. Bah oui, fatigué. Je te confirme. Ah oui, bah oui, c'est dur. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est fatigué. Dur. Fatigué. Oh, prends le 21. Allez, vas-y. On tient à 21 ici sur notre droite. Allez. Swedish House Mafia. One sur Goom Radio. C'est parti. Mafia avec One et Pharrell. Non mais attends, ouais. attends, elles sont où là, les camionneuses? Oh, les dindes! Oh! Elles bouffent, les grosses. Regardez. Elles bouffent, c'est vrai en plus. Ouais. Regardez les deux là. Regarde, ça a la bouche pâteuse là. Je me fumais une bonne clope. Ouais, c'est ça. Là, tu mettras tu te le mettras dans le cul, ton cancer. Oh! Remarque, il y a de la place hein, quand même. Attends, j'ai vu j'ai vu ça sur internet, mais je sais plus, je crois que c'est chez une meuf, un médecin qui a enlevé une tumeur de 26 kilos. Oh, et les sushis sont là. C'est génial. Non, non, et le mec a un cancer des couilles, il peut s'asseoir dessus là. C'est pas drôle de rigoler avec ça. Ouais, c'est pas drôle, mais ça fait fauteuil aussi. Enfin, en même temps, arrêtez, non, c'est vrai, sans déconner, Cécile a eu un cancer des couilles quand même. Et autant on a eu la pire tout à l'heure avec Pierre, autant on a une bonne avec Mika, c'est pas mal là. Par contre, excusez-moi en même temps. Ouais, par contre, demain matin, il va être fatigué. Hein, donc. Ah, bah oui, là, oui. Ça va être dur. Hein, moi, j'aime pas demain matin. Ça j'ai plus envie. On laissait Ben, il est excité qu'il en peut plus, là. Ben, animateur de l'après-midi. Tu trouves ça plus drôle avec moi sous-entendu, Mika n'est pas bon ou. Non, je préfère Mika. Ah, bah très bien. Moi, je te préfère Mika. Ouais, c'est ça, elle est suceuse. Ouais. Et c'est reparti, là. Bon, donc j'ai mon problème au niveau du forum. Mika, il est plus beau. Ouais, c'est parti. Ouais, bah dégage. Au niveau du problème. Bah, si tu préfères les grandes dents et les mecs poilus, alors d'accord. Ouais. Alors, ouais, okay. On m'appelle le castor, quoi. Ouais. Alors, bon, alors attention, j'ai quelques petits problèmes que j'ai chopé. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en envoyer hein, si vous tombez sur des petits problèmes comme ça. Attends, je t'en envoie un. Un peu drôle. Non, mais elle est débile ou quoi? Non, mais elle est drôle, attends. Elle aussi, elle a fait l'école du cirque. Waouh. Elle a fait une vanne, elle m'a jeté. Qu'est-ce qu'elle m'a jeté? Un morceau de dents, en fait, un bout de dents. Non, de PQ. Ah, c'est dur. Voilà, et donc là, elle a fait sa vanne. Ça y est, je suis. Voilà, c'est fait, tranquille, on est bien. Donc alors, attention, quelques petites perles des forums. Je rappelle que vous pouvez m'en envoyer aussi, donc sur mikael@goomradio.com ou alors tout simplement sur le groupe Facebook, c'est sur mikael.fr, tout simplement. Bon, alors... Qui c'est qui est sourd? Tu t'es coupé tout seul en fait. Non, qui c'est qui est sourd et qui met le casque tellement fort que ça l'arsène? Je crois que c'est moi, mais. Ah oui, parce que voilà, c'est ça. Elle a une oreillette en moins juste pour savoir quand les sushis arrivent. Ouais. Remets c'est le vrai casque. Mais. Ça fait peur. Hein. Bon, alors attention. Première, attention, on va. C'est plutôt une. Bon, allez, on va voir on va voir lequel d'entre vous va trouver une solution à ce pauvre message. Ah. Bonjour, depuis quelque temps, j'imagine mon mec gober les couilles pendante de 4. Non, je recommence parce que j'ai lu comme une merde. Non, mais je l'ai mal écrit aussi. Depuis quelque temps, j'imagine mon mec gober les couilles pendantes de 4 mecs, une par une, et le forcer à avaler le sperme. Mais comment faire parce qu'il ne se doute de rien? Bon, c'est mytho, c'est naïf ça aussi. Hein. Trucs que tu te chopes sur des forums, donc oui, attends, des trucs forcément mytho. Ça veut dire que son fantasme, c'est que son mec mange des couilles. Non, c'est pas son. Non, c'est pas un fantasme, c'est un flip quoi. Non, mais c'est un truc que tu fais tous les soirs, ça, quand t'es normal. Non. Bon, je recommence pour les cerveaux qui ont un peu de mal. Depuis quelque temps, j'imagine mon mec gober les couilles pendantes de 4 mecs, une par une, et le forcer à avaler le sperme. Mais comment faire pour qu'il ne se doute de rien? Oh là là, bah déjà, faut pas lui en parler. Merci Mika. Non mais c'est horrible. Je suis choquée là. Comme un normal. J'arrive pas à mettre. Attends, parce que Pierre il a cru que c'était la fête. Elle fait l'amour avec son mec. Elle fait l'amour avec son mec. Elle imagine manger des couilles pendantes. Bah c'est ça. Mais je pense qu'il faut mettre fin à ces jours en fait. Des couilles pendantes de qui? Elle a 4 mecs. Donc tu sors avec un mec. Grand et noir, c'est pas possible. C'est improbable. Mais imagine, tu sors avec un mec et toi tu imagines que ton mec est en train de bouffer les couilles pendantes, c'est important, de 4 autres mecs. Ah c'est ça. Ah mais ça m'excite. Mais c'est pas possible, vous êtes demeurés quoi. Mais non, tu peux pas dire que ça excite, c'est dégueulasse. C'est horrible. Moi ça m'excite, c'est de mon chien. Mais comment il faut faire? Il faut lui en parler, il faut lui demander s'il veut pas manger 4 bien. Elle veut pas, elle dit comment faire pour qu'il ne se doute de rien, c'est ça la question. Comment faire qu'il ne se doute de rien? Bah je sais pas. Prends. Merci Mika. Mais pourquoi elle est nulle sa question. Si c'est dans sa tête, il se doute de rien, c'est normal. Bon, alors ok. Deuxième. Ah oui. Alors attention. Je mange 4 grosses couilles pendantes pendant que je fais l'amour avec ma copine. Ça, c'est moi. Celle-là, je l'ai lu à Fredo, il a adoré. Ah. Alors attention. C'est là qu'il a vomi tout à l'heure. Oui. L'autre jour, je prenais ma douche tranquille et j'ai dû sortir précipitamment de la salle de bain. Ouais. Tout va bien. Oui. J'enfile un peignoir rapide et me dirige à la cuisine. Ouais. Jusque là, encore une fois, tout va bien. Lorsque je me retourne, dans le cul. Non. Tu l'as vu, ma bite. Mon chien était assis à mes pieds. Jusque là, bon, pareil. Oh, la violence. Il me regardait fixement avec ses oreilles bien droites et il commence à glisser son museau sous le peignoir. Je ne savais pas trop ce qu'il avait en tête. Eh oui, parce que le chien réfléchit. Bah oui. Mais j'étais curieuse. De séduction. Peut-être. J'étais curieuse de voir, alors je l'ai laissé faire. Il a commencé à me lécher la vulve avec insistance. J'ai rapidement joui comme jamais. Depuis ce jour, je dois avouer que je l'incite à recommencer et il est toujours partant. Je voulais savoir si d'autres filles avaient eu des expériences comme ça avec leurs animaux et ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que vous avez comme moi, animaux, les filles? Moi, j'ai deux chiens. deux chiens. Partout tous les samedis. Émilie, c'est un porc. Moi, j'ai un canari qui me pique en la chatte. Non, je rigole. Non, mais c'est terrible de faire ça. J'avais lu des gens qui faisaient ça, qui se mettaient du Nutella sur la vulve, donc, puisqu'on parle de vulve, et qui se faisaient gaillardement les chouiller. C'est une vraie histoire. Une meuf, elle a fait ça le jour de son anniversaire. Elle a mis du Nutella. Obligée d'en parler, ça. Non, mais c'est pas grave. Elle a mis du Nutella sur sa petite mounette, son petit abricot. Et son chien est venu la lécher. Et à ce moment-là, tout le monde est sorti du salon en faisant Happy Birthday. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Voilà, parce que tout le monde te raconte. Parce que la fille, elle est devant toi. Genre, j'ai ma nièce, elle a fait ça et tout. C'est comme l'histoire du mec dans le métro qui découpait des têtes là. Non, mais ça, il y en a plein, hein, des gens qui font ça. Avec le chien? Ouais. Ah, je croyais que tu parlais de découper des têtes. Non, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Et je me dis waouh. Non, mais bon, attends, ça peut être sympa. On n'a pas essayé, Emily. Bah, je sais pas, ça dépend. Faut voir. Un chien, ça a quand même une grosse langue. Si c'est un beau chien avec un pédigré, je dis oui. Bah oui, alors ça dépend du chien. Un bâtard, non. Non, pas un chiffon. Non. Ah non, chiffon, non. Bah non, mais ça, c'est chiffon, tu le rentres à l'intérieur. Il fait 4 cm. Tu m'étonnes. Et attention, parce que là, je passe du coq à l'âne, toujours dans les animaux, bien évidemment. Oh putain, c'est l'expression de chez Pierre. Un truc de ouf. Ouais, je sais, il me l'a prêté. Je suis tombé sur un truc. C'est assez exceptionnel, quand même. C'est une. Mais arrête de regarder, quand même. C'est exceptionnel, ça. Écoute, tu es curieuse. Elle devait être du style à l'école. C'est en train de tout regarder sur le mec d'à côté. J'étais en classe avec elle. Elle me copiait. T'as tout fait avec elle, concrètement. Ouais. La première fois. Non. D'accord, ok. Donc, c'est une meuf. Enfin, c'est une dame âgée, 97 ans quand même, faut le dire, qui a été attaqué par 4 pitbulls. Ah, je l'ai vu, c'est son chat qui l'a défendu. Exactement, son chat l'a sauvé. C'est un tigre, déjà. Son chat l'a sauvé, il a chassé les 4 pitbulls. Non, bah attends, parce qu'en plus. En kimono, le à chat. La limite, à la limite, le chat il fait peut-être des trucs, les pitbulls ils ont peur, pourquoi pas. Mais non, parce qu'une fois que les pitbulls sont barrés, le chat a couru derrière. Il a couru derrière, il leur a fait la misère. Bah, enculé, revenez plus jamais, hein. Du coup, l'arrière-grand-mère, elle a dû se dire bon, bah mon chat il est mort. Non, le chat il est revenu en héros. Et il marchait à la cool. Oh là là. Et il était bien. Il a chassé les 4 pitbulls. C'est un donc fake. C'est une mamie de 96 ans qui a raconté 17, ça. 17. Mais c'est faux. C'est naïf. C'est faux. Mais non, c'est faux. C'est pas faux. Mais tu vois, c'est un chat. Tu peux pas avoir. Mais un chat, 4 pitbulls. On peut pas tromper 1000 personnes. Oui, ça va. Mais tu peux pas. Non, attends, un chat, 4 pitbulls, c'est illogique. Oh, et oh, j'arrive pas à faire mes phrases. Voilà, tu vois, c'est pas gagné. Repose-toi. Tu peux aller dormir, si tu veux. Partez en courant, je vous encule. Et du coup, les pitbulls. Mais tu veux, pour demain, il y a quelque chose. Hein. Il est où le chat maintenant? Ah, bah là, il est bien, il a reçu sa médaille, là, il s'entraîne. C'est Batman. Non, ah non, c'est un chat. Batman, un chat. Ouais. Mais c'est un petit chat ou un gros chat? Bah, il est là sur la photo là. Mais non, tu peux regarder si tu veux. Mais non, mais c'est faux, c'est un chat. C'est un chat tigré. D'ailleurs, il s'appelle Tiger le chat. Ah, bah, il porte bien son nom. Ah, bah, t'as vu, hein. Bon, c'est fou ça. On a peut-être les pitbulls à l'appareil. Oh merde. C'est vrai qu'on aurait pu avoir les pitbulls à l'appareil, ouais. Mais non. Je suis pas. On va arrêter là. C'est bien parce qu'on a quand même, on a quand même réussi à passer d'une meuf qui se fait lécher par un chien. Non, on est passé d'un mec qui bouffe 4 urnes. 8 différents. Parce que je suis désolé, mais faut revenir là-dessus. La nana qui quand même dit 4 paires de couilles. Non. Elle est pas cool avec son mec. Non. Ah oui, ça veut dire que le mec va tromper 1000 personnes. Tu peux les rentrer, toi, 8 couilles dans une bouche. Ah, mais dans non, celle mais. De Cécile, ouais, mais dans mais également. Attends, et un par un, à la cool. Bah oui. Ok, bah c'est cool. Bah c'est une petite soirée arrosée, quoi. Enfin, un petit. Bah Pierre peut le faire chez toi si tu veux. Non. Ah non. Pour essayer, hein. Non. Non non non, non, non, non. Non, non, ça, je sens que ça va mal partir, là. Il va vraiment foutre ses couilles. Donc, on n'a pas résolu le problème de la dame qui se fait lécher, par son chien. Le concept, parce que les forums, c'est des trucs qu'on trouve sur Internet, les mecs, ils nous écoutent pas forcément. Oui, ben on donc les emmerde. Le but n'est pas de résoudre le problème. Ben vous êtes dérangés. Allez à la messe. Et puis vous êtes des fous, bande de fous. Non, mais bah là, il faut consulter vraiment, enfin, ou faut arrêter de vivre. Il faut s'acheter plusieurs chiens. Tu vas te régaler. Oui, tu peux faire ça aussi, acheter plusieurs chiens. Ouais. C'est une idée comme une autre. Moi, je vais peut-être aller à l'animalerie, d'ailleurs, parce qu'on galère un peu avec Cesse. Moi, non, j'avais une peluche, elle était énorme. C'était un éléphant, il s'appelait Noix de Coco, il avait une énorme trompe. Et je me rappelle que j'ai appris la sexualité avec lui. Ah, c'est horrible. D'ailleurs, et en plus, c'est vrai. Coco, le pire, si c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça le pire. C'est-à-dire que sa trompe, elle devait être toute humide après. C'est dégueulasse. Noix de coco, l'éléphant, quoi. Ouais, aucun rapport, ouais. C'est tout, c'est bon, on peut revenir dans une émission normale. Moi, j'avais un popols. Oh oui, on s'en fout. Il était violet. Et il avait une grosse touffe. J'en pas la suite parce que c'est terrible. Voilà, je crois qu'il y a un moment il toi aussi, t'as. Il y a un moment, il vaut mieux. C'est mon premier noix de coco. Je propose, c'est. Et si on écoutait un bon moment dans quelques instants? Un bon. Toute la journée, ça m'a pris, hein. De la grosse matinale. Ah, t'as réussi à en choper un? Ouais, bah, j'ai galéré. On a galéré, ouais. Il y a eu 6 heures de montage hein, pour choper ouais, ça. Ouais, ah, ouais, les sushis. Ah, bah, il était temps. Il est pas chinois, oui, mais enfin, là, c'est de la soupe, tu le portes à l'envers. Et comme j'aime pas ça, dis donc, c'est bien, vous avez pensé à moi pour la première, ouais. C'est cool, ça fait plaisir. Mais t'as dit que tu manges à part des tomates mozza et à est-ce mimi. Que, eh ben, il fallait commander des tomates mozza. Est-ce que Dublayer qui gère le studio sait que vous allez bouffer dedans le studio? Bah non, mais maintenant oui. Ah bah ouais, c'est parfait. Bon appétit, David. Moi, je balance. Petite odeur d'aisselle. Vous auriez apporté quelque chose que j'aime bien. Ce serait restant entre nous. Ah oui, mais là, vous avez fait exprès à 2h50, tu nous excuses, mais. Bah attends, t'aurais été chez Carrefour acheter de la tomate et de la mozza, moi j'aurais pris comme ça. Hein. Bah ouais, d'accord. Ah, ça voilà. À 11h. Ah, donne-moi les baguettes. Parce que moi je connais les horaires de non, toutes les grandes surfaces de t'as raison. Bon, on va se mettre un petit peu de son maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Attends, je vais te dire. Ah bah très bien. Non, surtout pas. On va se mettre justement un son US, on en mettra un deuxième tout à l'heure. C'est bien ça. C'est quoi? Non, ça a l'air bien, j'aime bien les trucs américains, moi. Ouais. Connasse, tu m'as dit que t'aimais bien les sons, que les sons british. Non, j'aime bien les anglais, avec leur accent anglais, c'est pas pareil. D'accord, c'est... Okay. Après, j'aime bien les chansons américaines. Bref, un morceau donc qui passe nulle part, malheureusement, et c'est dommage. C'est le dernier single de 30 Seconds to Mars qu'on écoute maintenant avec Closer to the Age sur Goom Radio. C'est parti. Yeah! to Mars à l'instant, Closer to the Age sur Goom Radio, et personne ne passe le morceau. D'ailleurs, Jared Leto avait gueulé en disant dans tous les pays il passe le nouveau single, sauf en France. Parce qu'on est des connards. Ouais. C'est scandaleux, mais en même temps il chante mal. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Le morceau est super bien. Il chante mal. Que c'est drôle. Justine qui dit excellent le son. Merci Mickaël. De rien Justine. D'ailleurs moi j'avais prévu 200 US là. Fredo m'a bien fisté puisqu'il en a prévu qu'un seul. Mm-hmm. Mais on va se démerder autrement. Il y a Crystal qui dit Mickaël, je veux pas repartir. Je peux revenir demain. Bah oui. Bah oui. Forcément, on demande pas mieux. Crystal. Bah voilà, ouais, c'est ça. Yako aussi, excellente soirée, 3 heures de pur délire avec vous, on remet à demain soir. Non, non, c'était un one shot, hein. Oh là là, vous habituez pas surtout. C'est Rémi, déjà fini. Rémi qui dit, bah dans pas longtemps, ouais, énorme le son, Marie qui dit plus que 5 minutes. Bah il en reste 3 maintenant, hein, complètement. Alex qui dit, passe-nous du Blink 182, pourquoi pas Alex à l'occasion, il n'y a pas de problème. J'adore la chanson, je sais pas de qui c'est, par contre c'est Laetitia, bah c'était 30 Seconds to Mars. Et puis César qui dit le son de la cave, putain ça faisait longtemps. Bah 2 mois, hein. On va pas encore jouer. Oh, long de moi. Ouais, okay, il a fait un roux. C'était dur. Non, mais tu vois, la différence, c'est qu'il y a des professionnels qui, hop, le masque. Et puis il y en a d'autres qui reviennent dessus. Et puis il y a l'autre qui crache tout ce qu'ils ont à l'intérieur, quoi. Et je pense que t'es plutôt du deuxième côté, non? Ah bah aussi. Genre ça. Voilà, tu vois. Oh, les mecs, oui, écœurants. Voilà, c'est ça, ouais. C'est honteux. Bon, attendez, on a Fredo qui est dans le standard. Allô? Allô? Je vous entends mal, bah, parlez dans votre téléphone, la vieillesse. Il a changé de pays là. Ouais, ouais. J'ai 2-3 petites choses à dire là. Il est devenu belge. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc pendant les premiers jours, on aura le débrief avec vous. Hein. Ah, voilà. Ah ouais, ça va faire mal. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mika? Ouais. Mon salaire te sert à rien, tu sors. Ah. Ok. Pierre? Il est plus là. Oui, bah ça sent. Bah, ne sois plus là du tout. T'as tué toutes tes grossièretés que t'as dit ce soir. Oh là là, ça fait pas rire, président Fredo. Vous allez me chiffon. Il y a que chiffon qui me fait fendre la poire. Tu veux que je te fasse fendre autre chose, moi? Non. D'accord. Toi, la blonde. Attendez, je suis en train d'avaler. Attendez, je vais juste remettre les choses là, parce que là, les malheureux, c'est les nouveaux. Tu vois, ils sont pas l'habitude. Mais vous laissez pas parler comme ça, hein. Non, bah non, bah. Mickaël? Non, mais il y a un moment, faut attaquer, hein. De toute façon, c'est un petit, il a toujours la même coupe depuis. Le truc où vous pouvez attaquer, c'est une paire de ciseaux derrière les cheveux, et hop là! Oh, j'ai peur de péter les ciseaux, oui. Il a la nuque en acier. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais. Tu vas sortir une bonne fois pour toutes et on bouffe pas dans le studio, et arrête de passer le plat à Pierre. Et arrête, Pierre, de passer à tes ciseaux. Mais il est où? J'ai trop peur. C'est ma salle de chou. Ah, mais ils nous regardent avec les caméras? Bah oui, c'est je vous surveille, bande d'incapables, avec les caméras. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, on avait prévu les caméras pour que vous puissiez nous voir en direct, mais non, Fredo a préféré voir ça dans son bureau. Si je vais faire un doigt d'honneur, surtout pas, fais pas ça. Moi, si je fais un doigt d'honneur. Non, allez, je vais être bon. Je vous signale que j'ai le réalisateur, le plus grand réalisateur de tous les temps, qui est à côté de moi, qui a un pull, il fait au moins 50 degrés, mais il a ce pull. Demain, tout sera un peu. Je vous en ai même parlé dans votre téléphone. Steven Spielberg? On n'entend rien. Je parle. Mais non, à côté du téléphone. Ah non, c'est les cheveux qui font mal. C'est qui le plus grand réalisateur? C'est Pablo. Effectivement. Oui, d'ailleurs, effectivement, c'est ça le podcast plus. Le podcast nouvelle génération. Puisque vous aurez Fredo dès demain, hein. Enfin, même dès ce soir. Ouais, bah dès que Pablo il est. Oh putain, ce que je vois dans le bureau du Blair. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Putain, des gones. Il y a des sauces de noix. Il en a mis sur le bureau à côté de l'ordinateur du Blair. Donc c'est Pablo qui a bouffé. Et il y a une pierre. Oh là là, ça va gueuler demain, c'est pas grave. Donc il y aura les podcasts audio, évidemment, vous pourrez nous réécouter, enfin vous pourrez réécouter ou écouter l'émission en intégralité. Et en plus de ça, il y aura les podcasts vidéo. Sur les podcasts vidéo, vous allez pouvoir tout. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Non, c'est Emilie qui a. Non, mais on nous. C'est la blonde qui a gémi. Ah ouais? Pourquoi t'as gémi? Parce que j'aimais bien le poulet. Oh là là, l'orgasme. On est ravis d'apprendre. Hein. Mmh. Tu vois ça, bouffer à cette heure-ci, par exemple, ça va te faire prendre du poids, ça. Ah bah je m'en fous, écoute. C'est vrai que c'est pas bon de dormir quand on n'a pas digéré. Oh bah jamais, j'aime trop. Les grosses, ça fait 25 ans qu'elle dort pas. Non, je voulais dire, c'est ça fait 25 ans qu'elle a pas digéré en ce moment. C'était rigolo, ça. Moi, je l'ai bien aimé. Bon, blague. Fredo! Je pense que je suis en train de voir une grosse blonde en train de bouffer. Ça va dégouiner et couler de partout. Mais vous n'avez pas une vie? Vous n'avez pas un appartement, une maison, je sais pas, quelque chose? Justement, j'ai eu une vie pendant 2 mois. Bah pourquoi vous y retournez pas chez vous là? Et bah justement j'étais venu à 23h02 en train de vous dire que vous êtes viré. Eh, vous êtes pas venu pour l'espèce de repas dégueulasse qu'il y avait là? Parce que vous avez rien raté sinon, hein. Vous avez eu mon buffet? Ouais, votre buffet, ouais. Ah bah ça va, 3 carambars moisis. Ouais, c'est ça quoi. Non, j'ai eu un bonbon de tout le buffet. Du champomis sans bulle. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas terrible, si je puis me permettre. Si je puis me permettre, j'ai envie de vous dire une seule chose. Oui. Fermez votre gueule et faites-moi de l'audience, bande de branleurs. Ouais, bref. J'adore la phrase, on dirait un film de Stallone. Ouais, mais joué par Popek, hein, mec. Pendant 6 ans, vous l'avez. Bon, Frédé, on va pas vous déranger plus longtemps, il est tard pour vous déjà. Hein. Oui, il est 23h03, vous me coupez l'antenne, vous me mettez de la musique. Faut aller se coucher là. C'est ça, allez vous coucher, mettez votre petit bonnet avec le pompon là, et ça ira très bien. Sortez, quittez ma radio. Oh merde, il est là. Mais coupez-vous les cheveux là. Ouais, voilà, bien, c'est ça. On est en train de manger là. Enfin, nuque longue. Ils sont en train de manger là. Bon, Fredo, on vous dérange pas plus longtemps. À bientôt, hein. Chris Waddell. Oui, oui, allez, au revoir. Bon, on a Cassandra qui. Oh merde, quoi. L'audience. Le peuple, l'audience. On dirait Elisabeth, mon mec. C'est ça. Il arrête jamais. Même quand tu dis au revoir, il continue. Faut lui raccrocher au nez, je pense. Tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, je m'inquiétais, il n'y a pas eu beaucoup de pubs ce soir, hein, Fredo. Hein. Oui, mais justement, j'ai tout mis de côté pour demain. Ah, bah tant mieux, bah, on est content alors. Parce que demain, vous serez plus à l'antenne, bien sûr. Allez, allez, au revoir. Faut plus appeler, j'ai une piscine, par contre, on n'entend pas bien. Ouais. Ta gueule, la blonde. Bon, Cassandra qui est là. Salut Cassandra, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va bien, ouais, tranquille. Tu fais quoi dans la vie, Cassandra, et t'appelles d'où? Bah, moi, je viens du Vaucluse. Ah, c'est dur, hein. Il y a la bête du Gévaudan là-bas, je crois. Alors, et relou, parce que lui, quoi qu'il a. Bah, c'est bien. Tu fais une vanne, bah, c'est bien. Bah, c'est bien. Ouais, parce que vous êtes chiant avec tout là. Mais on n'est pas chiant, le Vaucluse, c'est dur. Vaucluse. Moi, j'aime bien du Vaucluse, hein. C'est dans le t'as sud, ma gueule. C'est dans le sud. Bah oui. C'est à côté de quoi? De Dijon. Ah d'accord. À côté de Marseille. À côté de Dijon, oui, dans le sud, elle dit ok, enfin, d'accord. Mais c'est joli le Vaucluse, elle a raison, Émilie. Oh là là là là là là. Il y a des bonnes gencives de porc là-bas. Bon, et les pieds de porc. Cassandra. Oui. Bon, tu nous appelais pourquoi, Cassandra? Déjà, quel âge as-tu? 35. Je vais avoir 20 ans dans une heure. Oh, c'est pas vrai. Non, reste avec toi. C'est dommage, à minuit on sera plus là. Putain, on te refuse un cadeau. C'est quand même ballot. C'est ballot. Bon, hein. Bon, écoute, mais 20 tu ans. Tu veux 200 c'est... euros? Qu'est-ce que... Bon, ouais, Cassandra. Bien, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous appelles pourquoi? Bah, pour le truc des forums là. Ah oui, alors par rapport à quel sujet? Oui. Par rapport au chien qui fait plaisir à sa maîtresse ou par rapport à. Aux burnes? Ou par rapport aux burnes? Attendez, parce qu'ils sont en train de s'échanger de la bouffe, l'hôtel en veut plus, l'hôtel. C'est encore tombé sur la table. Tout le monde s'en fout. J'en veux plus. Oh merde, putain. Et je fais pas exprès. Mais encore heureux que tu fasses pas exprès. J'ai des mains, c'est des pieds, excuse-moi. Ouais, bah, faut pas le demander les pieds, hein. Bah, nettoyer au moins. Mais non, ça va. C'est ça qui sent depuis tout à l'heure. Bah, voilà. Bon, alors, Cassandra, donc tu voulais réagir à quel sujet? Le premier ou le deuxième? La zoophile. La zoophile, ah, oui. J'aime beaucoup ce petit accent. Il s'appelle comment ton chien? Brutus. Merci Cassandra de rigoler. Cassandra. C'est Cassou, Cécile. Oh. Eh oui. En fait, je connais tous les auditeurs. Ah bah très bien. Ça va Cassou? Elle va les border. Ça va et toi? T'as fait quoi hier soir? Vous pouvez nous laisser. Oui, bon. Non, c'est dégueu. Elle va quoi? Bon, t'es tranquille ou quoi? Oui, t'es en famille là? Ben donc là Cassandra, tu voulais réagir? Oui. Donc vas-y, je t'écoute. Et le barbuck, oui. Pas deux semaines, hein. En Pierre est fatigué, je pense qu'on va pas tarder à fermer la boutique. Donc, hein. Le zoophile. Ils sont tous fatigués. Donc le zoophile. Oui, la zoophile, oui. À la base, elle se fait lâcher la chenèque par son chien. Ouais. Bah, c'est dégueulasse. Ah, bah oui. Ah, oui, non, mais ça, on t'a pas attendu pour le savoir. Hein. Bah, ce qui est plus dégueulasse, écoute, c'est de lâcher la chenèque d'une chienne, hein. Tu m'excuses. Oh, c'est en même temps, le sexe, c'est mal, quoi. Bah, oui. Non, mais si c'est filmé, c'est beau. C'est dégueulasse. Si c'est ici une caméra entre le chien et elle, ça va. Non, parce que sinon, on a les caméras. On a Emily. Suivi de les chiens. Oh, je suis là. Bon, on a Pierre. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, Mika, il a voulu s'incruster. Mika, je suis là, hein. Eh, les gars, je suis là. Je vous proposais le bordel. C'est une idée. Emily, bah. La chienne. Moi, je suis en vrai, on est la sauce sucrée chinoise dégueu là. On pourrait te mettre ça sur ta schneck. Oh, putain. Je vais pas m'en mettre. Mais quelle dégueulasserie. Tu dis que je suis choquée à vie, ça y est. Oh, dis donc tout ça. Bah, hey, rien qu'avec ça, t'es choquée. Oui, surtout moi. Bon, c'est quoi la pratique sexuelle que t'as pratiquée en l'occurrence la plus violente, on va dire? J'ai pas entendu. Excuse-moi. La pratique sexuelle, donc là en l'occurrence la meuf, elle se faisait lécher par un chien, donc toi, c'est quoi le plus haut où t'as été dans la dégueulasserie? Je peux pas dire ça à l'antenne. Mais si, mais bien sûr. par sa mère. Mais enfin, Cassandra, personne n'écoute. Bah, il a pas dit enfin Cécile, il a dit mais enfin Cassandra, par sa mère. Mais enfin Cassandra, personne n'écoute. Ton père était dans la partie aussi. Bon, Cassandra, 6 minutes. Alors, c'est où est-ce que t'as été le plus haut? Sur une chaise. Oh merde, putain, ils sont relous. Allez, superposé, 2m40. Oh là là là. Oh mon dieu. Comment c'est dégueulasse. Bon, non, on t'écoute. Mais si. Allez. Bon, allez, t'es hors antenne là, vas-y. T'es hors antenne là, vas-y. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Il n'y a plus personne qui m'entend. Mais non, plus personne n'écoute. Eh ben, je me suis fait défouler. Comme une chienne dans la salle de bain, tu veux que je te dise quoi? Ah bah j'en sais rien, la ça c'est bien déjà. Ça moi. C'était pas mal. Moi je suis content là. Mais vous remarquez qu'on reste toujours dans les chiens. Hein. Ouais, bah c'est vrai, toujours chien. Ouais, c'est vrai. Remplace par castor. C'est un animal récurrent, je trouve. Bah c'est sympa comme animal. C'est le meilleur ami de l'homme. Et puis quand tu regardes deux chiens baiser, excuse-moi, ça ressemble drôlement à des humains. Enfin, je sais pas vous, mais moi. Surtout à Pierre, ouais. Ouais, je crois, bah ouais. Tu sais que les chiens ça reste souvent bloqué, il faut leur mettre des seaux d'eau pour qu'ils se débloquent. Ah ouais, mais non, c'est super collant. Il y a des humains aussi qui restent bloqués. Hein. Non. Si, ouais. Carlos, quand il était encore en vie. Avec Super Nanny, mais. Oh non, Pierre. Il y avait merde. Michael Jackson aussi. Il faisait les son Billie Jean. Bon, ça y est, vous faites. Non, mais vous faites. Donc voilà, Emily qui se met en dessous de la table. Donc ça y est, c'est fait. Hein. Mais vous faites spécial mort. Hein. Ouais. Spécial dégueulasserie, spécial mort. Et il y avait Philippe des Toubis Feu aussi. Et il y avait le bras de Greg. Oh merde. Et Guillaume Depardieu, si tu nous écoutes. Ouais, c'est là que ça s'arrête. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Parfait. C'est bon, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, pas de problème. Oh, bon. Cassandra. Oui. T'avais encore un truc à ajouter? Non. Non, bah écoute, très bien. Alors, Cassandra, tu reviens quand tu veux. T'es chez toi ici, hein, pas de problème. Nickel. Et bon anniversaire. Et oui, et bon anniversaire dans 50 malheur, minutes. Ouais, je savais qu'il y avait un con qui allait le dire. Ça porte malheur. Et Cassou, joyeux anniversaire. Profite bien de tes 20 ans. Bon, gros bisous, Cassandra. Merci, bisous. Allez, bisous. Je t'embrasse. Ciao, Cassou. À bientôt, ciao. Ciao, Cassou, bisous. Et puis demain, on filera aussi. Enfin, on devait en filer ce soir, mais j'ai oublié. Donc, demain, on filera des places aussi pour le concert des Guns N' Roses. Oh là là. Pas mal. Mais ce sera pas pour vous parce qu'on travaille le jour où Ah oui, c'est... oui, mais d'accord. Ouais. Mais moi, je suis envoyée très spéciale là-bas. Non, t'es. Non, je vois ça. T'es très spéciale, mais ici, en fait. Ouais, je te confirme. On aura aussi des places pour Lady Gaga, Section d'Assaut, Shakira, Jason Derulo également. Ou encore. YouTube. Et là, je viens de cracher sur la table. Non, c'est je viens de cracher mon doigt en fait. Donc, je me suis pris à Marine Land là. Hein. T'as kiffé ou pas? J'ai adoré ça, vas-y, crache pas dessus. Attends, YouTube. Non, ça marche pas. Non, mais je suis au milieu en fait, donc je me les prends sur les doigts depuis tout à l'heure. Et tu kiffes pas toi? Non. Ah, tiens, c'est marrant ça. Non, refais pas, s'il te plaît. Oui, c'est bizarre. C'est bien qu'on te crache dessus, Emily. Ouais. Pas Mickaël. Au plus tôt aussi, en l'occurrence. Oh, c'est violent. Ouais, c'est violent. Cassou, bon, bonne nouvelle, j'ai reçu pas mal de messages au niveau des forums, donc on en lira pas mal d'autres demain. Et puis il y a Cindy qui dit cool, on aura gratté 10 minutes. Oui, bah profite, hein, parce que ça va pas durer tous les soirs, ça. Parce qu'il y a Fredo qui saute derrière la vide déjà. vous faites des heures supplémentaires ou quoi? C'est Marie. Mais si vous voulez qu'on se barre, on se barre, hein, Marie, y a pas de problème. Thibaut qui nous dit déjà à demain. D'accord, ok. Qui c'est l'autre aussi? Je veux pas que ça se termine, c'est Noémie. T'inquiète, t'auras les podcasts vidéo. Ça veut dire que si t'as écouté toute l'émission, tu vas pouvoir la regarder pour voir. Si t'as bien imaginé ce qui s'est réellement passé. Et à mon avis, non. T'auras pas bien imaginé. J'avais pas qu'on était tous tout nus. Ça, par contre, ça avec pourrait être des dangereux. Chiens. Ouais, c'est ça. Et qu'après, on a eu des jeux de baguettes. Non, tais-toi, allez. Et qu'il y avait Greg de Top Chef avec son bras. Et alors, Justine qui dit j'assume ma zoophilie, mais j'ai pas le numéro de l'antenne pour en parler. Alors, tu peux nous appeler immédiatement si tu veux au 08 92 06 18 18. Ou alors, Justine, tu me fais un mail. Michael@goomradio.com et on en parlera dès demain soir. Tu laisses ton numéro de téléphone. Mais j'ai déjà sa photo, elle a envoyé message sur Facebook. Non, elle est avec un joli petit poney. C'est dingue. Bon, Justine, n'hésite pas. Donc, Michael@goomradio.com et tu laisses ton message et puis ton numéro de téléphone. On te rappellera demain soir dès 20h. Pour qu'on parle de sa zoopholie. Zoopholie. C'est mignon, caché, non, mais c'est fait exprès. Zoopholie. Ah, dis donc, c'était drôle ça. Oh, bah, humour et calembour avec Cécile Chlouse. Fallait qu'on finisse sur une bonne blague. C'était pas mal. Bah oui, on va finir là-dessus, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, on va. Oh, on n'a pas écouté le best-of du 6-9. Du. Oh, oh j'en ai fait une seule et j'ai pas le nom de la radio, c'est pas mal quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal. En même temps, ça se passe de 6h à 9h. Ouais, c'est vrai. Pas faux, mais effectivement. Bon, nous, c'est en direct. Allez. Ouais. C'était bien dit. Bon, on l'écoute quand même. On écoute. Bah oui, bien sûr qu'on l'écoute. Bah, ça parle de Greg de Top Chef d'ailleurs. Et ça s'est passé ce matin dans le Grand Morning. Ouais, voilà. Dans le Grand Morning. Il a dit Grand Morning. Il a dit grosse matinale. J'ai dit quoi? Grand Morning. Ah oui, mais ça j'avais dit à Fredo après 23h. Moi, je suis plus opérationnel. La grosse matinale. Tu penses à Cécile? Oh, il va me prendre la tête toute la soirée avec cette, avec ça là. Oh, putain. Bon, allez, on écoute. Allez, c'est oui. Ici, écoute, je te jure, ça s'est passé ce matin dans la grosse matinale. La grosse matinale. C'était pas drôle du tout. Just hits. Allez, vous bougez pas également dans l'émission, il y aura le canular de Pierre dans moins d'un petit quart d'heure. On va peut-être avoir Grégory de Top Chef par téléphone. S'il arrive à répondre avec un seul bras. Le pauvre, il prend pas rire. Il a une petite main libre. Ça s'appelle un kit de poignet. On parlera de Secret Story. Le mec, il peut pas faire de stop. La surenchère, tu sais. Et même quand il se touche. Et même, il se gratte le cul toujours avec la même main. Et quand tu joues avec lui à la guerre des pouces, tu gagnes toujours. On va bien faire ciseaux, ça va être dans deux secondes. Parce qu'on a dit qu'on pourrait revenir dans l'émission, donc il faudrait pas non plus. Bon, et Greg, tout à l'heure, hein, peut-être par téléphone, hein, voilà. Bon. La grosse matinée. T'as rendez-vous demain matin à 6h avec la grosse matinale. Just hits. C'est moins délicieux qu'un rendez-vous avec moi, mais en même temps, c'est mieux qu'un rendez-vous chez le dentiste, non? Ah, c'est sûr, hein, je vais écrire 100 fois le nom. Oui, pour demain. Voilà. Ouais, voilà, pour demain, je suis désolé, autant pour moi. Oh, bon, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, bah, j'espère que vous serez là encore demain à partir de 20h sur le groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas, mikael.fr. Et puis, bah, rencard demain également pour. Bah, tout à l'heure en fait. Bah non, demain, hein, il est 23h encore, donc ça va, t'es tranquille. Hein. Ouais. Bon, allez, hop, 7h. Rencard demain donc pour la grosse matinale avec Mika et avec tout le monde. Et puis on va se quitter maintenant avec le son de Florida, c'est Sugar. C'est Blue, ça. Sugar. Merci, 92. Mika. Sugar. Pour cette soirée, c'était trop bien. Ah, je sais. Allez, à demain. Et demain, Tomate Mozza. Hop, c'est parti. Sugar than me, someone love with a list, put a bug in the ear, toe, sure they gotta kiss it in emergencies. Brits brown for the taste, addicted to a gloss, one smile is way. Baby, I wipe it off, put my tongue in your face. A little mistletoe, sipping grandma, yeah, I'm a fan all day. Do me that favor, cause I like your flavor, my man is behavior. I'm into your major, sweet and so flavor, that's good for this player. My hood now and later, throw back like a pager. Pretty much, you give me a sugar rush. Lil' mama give me high blood pressure when you blush. Lips feel soft as a feather when we touch, shorty, that's what's up. My lips like sugar. So delicious, can't help my interest, candy addiction. Want a piece to a piece, gotta get a piece. I don't know a piece, give me all your sweets. Bottom and top lip, about to have a sugar feast. Never would I trip, I'm a lip biting beast. Smile for them things, all 42 teeth. Squeeze the sugar cane on your mouth, must be. Ain't your mama surf, think you use a Mac treat like taffy. But classy, get at me, I'll gladly let you know I like hips. But the lips, they'll do me fine. Nah, baby, don't trip with the juicy kind. Get flipped by the grill, you ain't lying. My lips like sugar.